Bonjour, je suis Guillaume, le DM. Je suis avec Alex. Ouais, Alex, donc je suis Eramine Bob ou Bob la Barbare. Miguel, je suis Etsuko Seiken. Miguel, Fernandier Olds alias Fern. Cool, donc un petit résumé de la dernière partie. Vous avez fait les premiers combats juste pour voir avec qui vous seriez jumelé. Donc vous trois, vous avez été jumelés ensemble. Vous avez tous perdu vos combats, excepté Fern qui a réussi à faire un parti nul. Ensuite, le lendemain matin, vous avez eu le banquet. Eramine est allé à la bibliothèque pour voir des informations sur son bap du roi. Il en a appris un peu plus, il sait à quoi ça sert, puis les bonus qui viennent avec. Michael a essayé de croiser le roi, ça n'a pas fonctionné. Il s'est peut-être fait un ami en tant qu'un petit gnome, Rani le Degree. Oh, c'est vrai. Et Miguel n'a pas appris grand-chose sur sa magie. Mais le lendemain, ils sont partis faire le test de la tour de la porte. Donc maintenant, ils sont rendus au troisième étage. Ils ont réussi à battre l'étage vide et aussi à battre l'étage des chats. Yeah. Donc on est rendu là, les portes sont ouvertes, il y a du feu partout dans la salle, un peu partout. Il y a des chemins à travers les flammes. Ils voient quatre pseudo-dragons se promener à travers les flammes. Donc c'est ça. Et là, moi, je me demande les pseudo-dragons, là. On les voit, ils volent, c'est ça? Non, ils sont à terre, ils se promènent à travers le feu. Fait qu'on les voit à travers le feu. Ouais. Là, tu vois des affaires bouger, là. Vous reconnaissez, okay. Mais parce que je pense que c'est Michael qui avait eu un bon spot. Fait qu'il a su que c'était un pseudo-dragon. C'est ça, toi. Ça sert à quelque chose, tu sais ce qu'il y a là. Puis mon indice de jaune, ça sortait d'où? Je me souviens pas exactement. T'as fait un crit 20 dans l'ascenseur, fait qu'il fallait que je te donne quelque chose vrai. De hot. Jaune. Tu m'as juste dit jaune. C'est ouais. Tout? C'est ça la vision que Dieu t'a envoyée. Fait que bon. Dieu m'a dit jaune. Mm-hmm. Jaune. Il y a un dragon jaune. Ben, c'était un pseudo dragon. Donc, lancez l'initiative pour savoir qui commence. On se bat. Des 20. Juste pour voir, savoir qui fait 20. Quoi. 10. 21. Moi aussi, pour le long. Plus 3. C'est le plus. Initiative modifier. 6. C'est rien, c'est rien. Ça, je suis pourri là-dessus. Ok. Fait que lui, il a 9. Fait que. C'est Alex, je pense. Alex a 18. Yeah! Non, je vais mettre tout nu. Non, c'est vrai. Eramine. Comme toi, je suis le début de la soirée. Tantôt. Après ça. Tantôt. Ok. C'est qui après? Je pense que c'est. Mig. Il est 10. 10, ouais. Et après ça, c'est toi, t'as 6. C'est ça que je cherche. Les dragons sont avant toi. Je choisis de toute façon. Puis après ça, c'est Fern. Ben moi, je suis celui qui a le plus de défense. Je vais avancer. Ben moi, je suis le premier à jouer. Ouais. Fait que là, je vois Pseudo-Dragon. Pseudo-Dragon, je sais-tu, moi, ça parle-tu, ça? Je suis supposé savoir ça, s'il parle ou pas. Knowledge, je vais avoir ça. Knowledge, quelque chose. Knowledge. C'est quoi ça? C'est Knowledge Arcana. Story, géographie. Dungeoning! Je peux-tu lancer un dé pour savoir s'il part? Oui. Et 6 plus. Je sais pas si c'est un knowledge quoi. Un knowledge plain. C'est du Dungeoning. Ah, Dungeoning, ok. Ça va être plus 8, fait 14. Juste. Ce que tu sais, c'est que ça parle pas, mais ça peut. Ça a une limited télépathie. Ah, fait que. Ça peut envoyer des. Magiquement des notions ou des idées simples aux gens ou entre eux. Mais ça fait juste à 100 pieds. Fait que j'avance jusqu'ici, je reste à l'ascenseur parce que moi j'ai pas le goût d'en faire bâcher dessus. Ils sont loin. Ils sont loin, mais je vois, le premier que je vois normalement ça serait lui. Puis c'est lui que je pense que le plus. Fait que j'essaie de communiquer télépathiquement, je sais pas comment, mais je sais. Puis qu'est-ce que je peux dire? Bonjour, être super incroyable. Nous aimerions passer à l'étage suivant, est-ce possible? Il faut que tu fasses un. De diplomatie. Ah oh, ouais, donc. T'as rien qui fait rouler les uns. Hein? En fait. Je vais te le fâcher. En fait, t'as pas fait. Non, mais là, t'as fait un 1, là. Fait que là, je viens de pisser le sang. Non, ce qui est arrivé, c'est que t'as pas remarqué que tu parlais à haute voix au lieu de l'envoyer télépathiquement. Fait que les autres, ils se font, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Vraiment. Il est pas bien barbare. Fait que tout ce qui se passe, c'est que les dragons te regardent un peu, puis ils sont. Puis ils recommencent à faire ce qu'ils faisaient. Ah, les pseudo dragons, on a entendu? Ils t'ont entendu, mais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste là, mais c'est pas à leur tour, de toute façon. Ils sont juste là, puis ils mangent, ou ils se promènent, ou ils. Moi, j'ai fini mon tour, je pense. Ouais. Moi, je suis pas fort. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de sang qui lui sort du nez. J'ai trop forcé. Est-ce que dans la pièce. C'est tout cool. C'est très chaud, là. Est-ce qu'il y a un facteur chaleur à cet étage-là? Ouais, quand même assez chaud. Fait que si on passe à côté, là, on va. Non, vous allez pas. C'est comme marcher à côté des feux de chien. C'est quoi? Des feux de cartes. Mm-hmm. Tu te demandes si tu t'enlèves ton chandail ou pas. Exact. Là. Non, il. Lui, c'est un méchant gros chandail. Il veut utiliser son spell Endure Elements. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est comme des feux de camp. C'est pas de la grosse flamme intense, là. C'est pas du volcanisme. Mm-hmm. Ok. Bon, de combien j'avance déjà? 20, non? De 20 et 4, j'aimerais ça. C'est 30, fait que t'avances de 6, moi. J'avance de 6, c'est ça. Oui, 6. Bon, moi je décide de faire ça. Hey, tabarnouche! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, t'en vas là? T'en vas? Là, c'est pour ça. Ok. Non, non. J'espère qu'il va y avoir une quête où qu'on va apprendre comment jouer en équipe parce qu'à date, c'est pas facile. En plus, vous pouvez parler télépathiquement, je veux dire, à un moment donné. C'est vrai. Ben, je vais essayer de les bifurquer puis de passer ici sur le côté complètement parce qu'ils n'ont pas l'air hein, vraiment sans faire qu'on soit là. Fait que je vais juste essayer de les laisser là. Tu vas laisser là, puis là, tu vas arriver à la porte là-bas. Tu vas dire, la porte s'ouvre pas, c'est je fais. Ben, je vous attends, puis on essaie de voir à la porte. C'est ça, tu pars tout seul, pas en équipe. Ben vous allez me suivre. Ok, c'est au dragon de toute façon. C'est fini. Non, c'est à... Oui, c'est au dragon. Pseudo. Pseudo dragon, plus. Fait que peux-tu voler par-dessus le... Le feu. Ouais. Le feu. Donc, on va se faire péter la gueule! Là, notre bouclier est parti, là. Ben, je peux revenir, je suis juste à côté. Bon, mais t'es juste à côté, là. Il s'est envolé, puis il est allé se placer un petit peu plus loin. Il joue tout en même temps. Ouais. Oh, c'est vraiment compliqué que ça. Pseudo, c'est un peu, ça. Bon. Lui, il joue pas. On le remarque-tu, ceux qui jouent pas? Ben, qui avance pas, je veux dire. Ouais. Lui, il a de l'air concentré sur quelque chose. Il fait caca? Je pense qu'il faut aller voir le jaune, les gars. Pourquoi tu penses ça? Parce que t'as ça paraît. T'as l'air vraiment être parti pour aller voir le jaune. Ah ouais? Ben ouais. Je reste en ligne, là. Je suis prêt. Je vais contourner le rouge, puis je vais aller au jaune. Fais-moi de jouer, là. Fait qu'il y en a un qui s'en va comme dans le coin tout seul, puis il y en a un autre qui a tellement de l'air à forcer qui fait juste crier tout ce qu'il pense. Est-ce que je peux. C'est plus petit que moi en fait. Est-ce que je peux regarder ce que. Essayer de voir qu'est-ce que le jaune est en train de regarder. Si tu veux. Qu'est-ce que je fasse? Tu fais un spot. À travers les flammes, mais tu vas avoir un négatif de 2. Donc j'ai déjà un plus 4, fait que c'est pas super. Ok, c'est pas super. Oh là, hein. 12. Ouais. Tu vois juste. Là en ce moment il est dos à toi, fait que tu vois juste genre comme. Ouais, ça comme ça. Il joue dans mes entrailles. Mais il vole. Et... Non, lui, le jaune, non, il est à terre. Il est à terre. Ben ils sont tous à terre. Ils volent puis après ils atterrissent. Ok. Le jaune, c'est ça, il est dos à vous autres, puis il a de l'air à. Tu vois, c'est. En fait, tu vois ses épaules bouger un peu comme ça de dos. On voit ses épaules. Hein? Ses ailes ne cachent pas. Ses ailes, épaules, elles sont accrochées. Fait que tu vois ses ailes, épaules bouger comme ça. Je peux-tu donner un Kleenex à Bob? Parce que Bob, il a l'air vouloir saigner du nez. J'essaie de faire comme. Hey, dans le fond, je savais comment communiquer télépathiquement, on l'utilisait avec nos bracelets. Mm-hmm. Stupid me. Tu fais quoi? Je vais avancer, si je pense. À travers le feu. Non, marche pas dans le feu. C'est pas une bonne idée, non. Ah oui, t'es Jésus. C'est parce que j'ai de l'air de Jésus que je suis Jésus. Je pense pas que mes skills vont faire quelque chose. Non, je pense pas faire le feu pour rien. C'est spécial. De toute façon, je peux l'avancer. C'est quoi, de 30, fait que 6. T'es bien cute, là, t'as l'air super intelligent, mais ça me tente pas de te suivre. Bah, je crois. C'est pas le tour du test, la tour est faite pour que vous appreniez à essayer de travailler ensemble. Ça marche pas bien, bien, Adam. Bon, moi je trouve cave les boys. Séparés, je fais quoi là? Envoie l'autre bord! Mais envoie l'autre bord, hein! De toute façon, t'avances de quoi de 3? Moi j'avance de 4. Mais j'en fais une heure. Ok, ben moi. Je pense que ça serait mieux qu'on reste ensemble. Moi, je vais juste avancer ici, là. Je vais vous regarder aller, je vous attends. Je m'attendais pas, vous savez que je marche pas. Je suis habitué, vous m'attendez pas. Et du coup, c'est on t'attend tout le temps. Vous m'attendez pas, m'attendez, vous êtes rendu de l'autre bord. Dépêche-toi. Voir si je suis capable d'entendre dans ce coin-là, non? C'est ça. Fait un listen. Je suis très bon dans le listen. Écoutez, voir s'il n'y a pas un son, quelque chose de particulier. Listen! C'est un des quoi que j'en ai? Zelda, c'est un des 20. Puis après ça, tu rajoutes ton je sais pas quoi dessus. Listen, j'ai 6. Ça va être une difficulté un peu plus élevée, genre 15, parce que c'est. Il y a beaucoup de feu. Ouf. Non, ça me dérange. Ben, j'ai rien entendu. En fait, tout ce que. En fait, tout ce... Ouais, c'est ça, t'entends le crépitement du feu, t'entends même pas. Pas de ce corps. T'as juste le goût de manger des guimauves, ça te rappelle les feux. Justement, j'en ai une, regarde. Excusez. Oh. Il revient. Bon, on est pas super. Dragon. Le rouge, il me fait peur. Lui, il va pas voler, il va juste. Il va juste marcher. Le barbare, je me protège. Ouais, je suis le guys. Un barbare. Ça avance juste. Un petit coup de couteau. Ça avance juste de 15 pieds. Juste de 15? Ouais. C'est 3 cases? Ouais. Hey, salut! Essaie de le soudoyer comme t'as fait avec la femme. Il avance de même, lui. Hein? Parce qu'il s'est volé, lui. Lui, il a volé. Ok, ok. À pied, il avance de. Ok, ok, ok, ok. Je comprends. Mais techniquement, on va plus vite qu'eux autres. C'est au tour à. Quand ils volent, ils vont plus vite. Oui. Saffron. Oui, oui. Saffron. J'ai comme l'impression qu'on nous encercle avec les trois dragons. Oh, mais on va leur parler, là. Uh-huh. Guys, je vous rappelle que télépathiquement, on peut leur parler. Je vous dis ça télépathiquement. J'étais à côté de toi, hein. T'es pas obligé de me dire télépathiquement. Fait que, mettons, lui, il est en train de me regarder. Mm-hmm. En fait, il atterrit en avant de toi, puis il te regarde, genre, un petit peu comme les chiens quand ils comprennent pas, là. Ah. Il a dit un os. C'est rien, sur moi. On a pas d'item. Mais là, c'est. J'y pisse dessus. Non, je fais pas ça. Tu fais quoi? Non. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, il pisse dessus. Ah, ok. Je n'essaierai pas de la manouer parce que c'est le genre, il fallait le voir. Fait que je vais juste comme dire allô. Puis je vais pas bouger parce que. En fait, oui, il faudrait que je bouge, il y a un monde qui me fonce dessus. Ben, fais quelque chose. Ben, non, tu peux tenter juste de parler, là. Ben, essaye de parler. T'es pas un ranger? Ah non. Non. Mais il parle-tu ces petites bêtes? T'es pas Endo l'animal, hein. Ben, c'est-tu un animal? Je pense que c'est même pas un animal. Ils comprennent si tu leur parles, mais ils. Eux, ils te répondront pas dans le même langage. Non. Ben, t'as peu, si tu parles la même langue. D'autres, t'es sûr, ils parlent pas, tu m'as dit, c'est vrai. Ils parlent pas, mais ils comprennent le common et le dragonique. Le draconique. Ben là, c'est le camp common, on parle tout common. Ben c'est ça. Fait que vous pouvez y parler, sauf que lui, il pourra pas répondre. Hey, bonjour, cher ami! Ah ben, je. Hein? Il est con. Ben oui, tu dis qu'il parle des préférés. Ben, il envoie des images, il y a pas de mots. Ah non, effectivement, envoie-moi une image de femme tout nue, il va l'envoyer. Si, c'est quoi, ouais. Ah ben, je fais. Salut! On cherche à traverser la salle, est-ce que tu peux nous laisser passer? Là, ce que tu vois, c'est un. C'est une porte avec un verrou. Ça prend une clé! C'est toi qui as la clé! C'est le genre qui l'a. Il joue avec la clé. C'est un dragon. Je fais. T'as merci. Ok. Puis, je bougerai pas là parce que les autres sont en arrière, puis ils aiment l'ascenseur. Ok. C'est nous qui est en arrière? C'est nous qui avons l'ascenseur. Et la mine, c'est toi. Fait qu'il t'a rien envoyé comme image? Oui, il y a un verrou. Ah oui, c'est ça. Ok, oui, non, c'est que okay, je comprends. Oui, ok. C'est quoi, tu as envie de te demander? Je suis là. Tu écoutais le. Tu regardais ton livre. J'ai dit, hey, yo, petit green. J'ai demandé si on pouvait passer. Ok, fait que ben, je vais m'en lancer 1, 2, 3, 4. Il me voit-tu? C'est vrai, t'es pas vite. Mais il voit à travers les flammes un peu. Fait que je demande. Ouais. Donc, ça nous prend une clé. Est-ce que c'est possible que vous nous prêtez la clé? Ah, tu as envoyé ta diplomatie. Ça va être pire que tantôt. 1. 7 plus. Ah, je pense que j'avais dit 1 aussi. T'as vu. La soirée, comment j'ai pas de diplomatie, moi, de toute façon. Diplomatie, je n'ai pas de charisme, c'est clair, j'ai rien. Diplomatie. Fait que c'est 7! Ok. Hi! Ben tu l'as battu? Fait que là, Colby, tu voulais, tu veux, tu as posé la question. Est-ce que tu peux me prêter la clé? Ce qui t'envoie dans l'image à la tête, c'est le dragon jaune. Ah, ok. C'est lui qui a la clé. Ouais. Puis là, il vous regarde. Puis là, il s'en va. Ah, il s'en vient derrière de moi. Oh, qui est cute! Oh, le petit dragon! Oh, qui est beau, Un, deux, trois. Mais il n'est pas joué, lui. Non, mais c'est les dragons. Hein. Ah, mais c'est vrai, t'as pas joué. T'es tout tricheur un peu. Ouais, c'est ça, il est perdu. Excuse. Vas-y, y a-tu quoi? Le verre aussi a joué. Ouais. Ouais, le verre, il sent tout. Je peux pas faire grand chose d'autre par rapport à vous autres. Je sais pas si ça sent l'air comme relativement nono ou gentil. Ils veulent se fusionner, je pense. Ils vont se rapprocher les trois. Ça se fusionne pas. Ils vont devenir un gros dragon. Non, je pense. Ben, les chats non plus, ça se fusionne pas. Pourtant, ils se sont fusionnés. Moi, je vais aller vers le jaune. Tiens, on est une belle équipe. Ouais, je protège aux arrières, guys. J'aime beaucoup comment c'est placé en ce moment. Vous êtes les trois dans le milieu, puis les trois dragons vous encerclent. Uh-huh. On est dans la merde. Le monde crache du feu dessus, puis on va le cramer. Les trois en ce moment sont en train de vous regarder un peu, genre comme ça. En bougeant la tête comme ça, puis ils attendent de voir ce que vous faites. Le saut au dragon. Ouais, c'est là que t'es arrivé tantôt. Ah, tu changes, là. Ben, c'est là qu'il est arrivé. Là, il est passé à côté de moi, il y a une attaque d'opportunité. Non, c'est vrai. Il se met ici, puis. Je trouve son proche. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont nous suivre. Ah, c'est correct. C'est notre escorte. Le jaune, lui, il va aller trois par là-bas. Ouais, ouais, il va nous ouvrir la porte. Il vous regarde, puis les deux. Le jaune. Hein? C'est le jaune qui nous regarde? Non, les trois qui sont là vous regardent, puis ils se faufilent un peu à travers vos jambes. Ils regardent un peu, ils se frottent un peu, voir. Oh, ils sont comme. Comme ça, puis là, ils vont faire. Ils ont une personnalité limite, on appelle. Ils vont toucher à votre pied, puis après, ils vont retourner un peu. Ils vont sentir un peu vos pieds. Non, la ligne, il y a une explication bien magique. Yeah, guys, frustrez-vous pas quand j'ai. Ah, moi, ça va. Non, dragon, ça, moi, j'ai trouvé super cute. Ah oui, ils sont beaux, là, ils sont sexy. J'ai une puis ils sont super cute. Je toucherai pas non plus. Hein? C'est pas un choix. C'est au tour à Iramin. Je fais. Moi, je joue pas. Ouais, lui, je joue pas. Ah, Fern, j'oublie tout le temps, excuse. Vas-y, Fern. Je sais que j'ai l'air à passer inaperçu parce que je joue dans les ombres des flammes. Puis... Il y a pas beaucoup d'ombre dans cette salle-là. Ouais, il y a des ombres, c'est cool. Fait que là, il y a ces trois-là qui ne nous lâchent pas. Puis lui qui s'en va. Je pense que je vais juste avancer vers le jaune. Si ça ne me dérange pas. Ah, vas-y, de toute façon, je suis pas comme si. Depuis tout ce que je dis depuis le début, il m'écoutait tout le temps en avance sur moi. Mais t'avances de quoi? 3? 4. Moi j'avance de 4. Mais tu peux avancer de 6 là. On va protéger tes arrières. De toute façon, les dragons, il y en a 3 en arrière, il y en a 1 en avant. D'ailleurs, ça me rappelle justement une histoire. Ah, il est là, Bob, il est là. Je suis comme, yo guys, faut aller chercher le jaune. Arrêtez de. Des voler des noms. Il fallait lui demander s'il peut nous la prêter. Et tu cours, c'est toi. À moi. Non, yeah. Après... Ah, ben oui, Eramine. En plus, j'ai la liste ici, je suis pas capable de la suivre. C'est pas. Que... Là, j'avance, là, ils me font pas d'attaque d'opportunité. Là. Non. J'étais là, ils passaient. Ils sont gentils. Ben, je sais, mais ils passaient plus. Ben, ils sont gentils. Attends, mais moi, j'étais fou à terre. J'ai fait une jambette. tombé dans le plan. Ah, tu peux y en feu. Fait que moi, je fais. Ouais, c'est sûr que t'es sous contrôle. Yeah. Est-ce que mon personnage sait qu'eux autres, normalement, ils sont blind, dans... c'est pas qu'ils sont aveugles, mais qu'ils peuvent se battre dans le. En étant aveugle. Il semble que j'ai vu ça dans Monster. Ben, en fait, eux autres, ils voient. Ils ont. Dark Vision de soi. Ok, mais Dark Vision, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils ont Blind Sight de 10 feet. Fait que 2 cases. Ok. J'ai avancé au dragon. Moi, je dis qu'on va aller voir qu'on se rapproche du jaune. Puis on regarde s'il est agressif ou pas. Ouais, ben, moi, je vais on se rapproche. Je suis pas sûr. Il n'est pas très loin. Il avance de 3 cases à chaque fois. Hein. Sinon, je pourrais utiliser. Oui, tu vas tirer une flèche. Okay. Je pense qu'il faut le squeezer. Genre qu'il puisse plus. Tu me donnes ta clé, sinon je te tire. Il bouge plus que t'en. Nous suit. Ah, je pense qu'il nous aime. Oh. C'est que soit qu'il aime pas le genre. Mais... Il nous aime, gars. C'est nos animaux de compagnie. Aimes-tu ma chouette? On peut-tu les adopter? Lui, il vole autour du feu. Mais c'est qu'il fait là. Ça va se brûler, pauvre petit. Il va avoir chaud. Il fait juste tourner en rond, genre en haut. C'est à moi. Tu sais qu'il nous aime. Ok, donc les dragons vont continuer à vous suivre. Puis, encore une fois, ils vous regardent, ils sentent un peu autour. Puis, aimes-tu ma chouette? Toi, il touche, le blanc, il touche à ton sac de livres. De magie. Comme... Ouais, de magie. Comme... Il touche un peu puis il sent le cuir de ta... Le dis-leur pas là, que j'ai de la magie sur moi. Là. Ça sert pas ça. Non, non. Tu sais que t'es un mage. Tu sais pas. Non, tu sais juste que mon nom c'est pas Bob puis c'est Ramin. C'est vrai, vous les avez Bob jamais vu jouer faire du feu. Ou... Bob il est tellement badass que je fais juste comme ça. Okay. Je vois-tu mieux le dragon? Ouais, mais il est en haut du feu, il tourne là-bas. Cragite. Faire un spot pour voir. Oui, je vais voir un spot pour avancer l'information. Un spot. Ça va être. Vu que t'es quand même assez proche, puis le feu est en bas, maintenant ça va être 13. Faut que tu 13? Ouais. 6 plus 4, 10. Tu vois juste le dragon tourner autour du feu. C'est à Toto. C'est non, c'est vrai, Eranon. Là, il bloque le passage. Ouais, hein? Ouais, si tu fais, le gros. Tu peux pas passer par-dessus? Ben, je peux. En fait, je pourrais demander est-ce que tu me laisses passer? Normalement, s'il me laisse passer, il me laisse passer, je veux dire. Fait que, mettons que je lui demande. Je peux faire un jet? Ouais. Tu me laisses-tu passer? Diplomatie? Ouais, diplomatie. 17. Il reste là puis il bouge pas. C'est pas 17 plus quelque chose? J'ai pas rien en diplomatie. Il reste là puis il bouge pas puis il t'envoie une image de... Washi, finger. De fruits. Il veut des fruits. Des fruits. Mais j'ai pas rien à manger. Tu me dispens? Pas de dispens pour la bouffe? Non plus. Je peux détecter du poison. Ça poison! Je suis pas sûr que ça aide. On a pas de la bouffe dans nos sacs? Comment sur... Non, il nous a rien donné. Je lui ai demandé et puis il nous a rien donné. On n'a pas gardé des restants du buffet avant de partir. Mais tu passes-tu? Y a-tu d'autres choses dans la pièce? C'est ça, je voulais dire. On pourrait faire un detect ou un spot. C'est un search spot. Mais un search, il faudrait vraiment y aller. Ben, search, c'est quand c'est vraiment proche de vous. Vous pouvez toujours faire un search si vous voulez. Mais avec... Je peux-tu faire? Ben ouais. Ça semble que ça va servir à rien. Ben, je peux, mais je vois. Ok, mais. J'ai demandé, ok, bah. Ok, je vais. Mettons, je vais finir ma foule là. Si, ok, hey guys, il m'a envoyé des fruits. Hey, guys, il m'a envoyé des fruits. Il m'a envoyé des fruits là. Je pense qu'il t'a envoyé comme deux pommes ou deux cerises ou genre deux affaires. Quoi, tu une banane et deux cerises. Mec, t'as l'esprit tendu, je trouve. Non, c'est des fruits généreux. Ça était-tu pourri les fruits? Non, c'était des beaux fruits. À la base? Ouais, à bord en bouche. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait genre rechercher s'il n'y aurait pas des fruits ben, à l'étage? Tu peux faire un spot. C'est un search. Mais c'est un search. Ben, tu peux faire un spot pour voir loin. Puis search est vraiment à côté de toi. Fait que tu peux genre tenter à terre, voir si tu vois des choses. Ouais, search c'est plus méticuleux. Un spot c'est comme juste rapidement. Je regarde au loin s'il n'y aurait pas, mais je pourrais regarder s'il n'y a pas des fruits au loin. Ouais. Non, lâche-toi là. Je le verrais-tu à cause du feu et tout ça? Ben ça dépend de ton goal. Essaye, t'as rien à perdre là. Au pire, t'as 1 pis t'es dit, tu viens de te mettre j'ai un peu dans l'œil. 8 plus 6. Oh shit! 14. Ce que tu vois, c'est que ici, on va mettre un petit dé. Je peux prendre mon dé. Ok. Ce que tu vois ici, c'est qu'il y a une petite cage avec de la bouffe à l'intérieur. Ouais! Ah, mais là. Personne ne me le disait. Après moi, il va venir aux jambes. Aller chercher ça. Ouais, mais. Moi, je te dirais, va. En tout cas, on ira proche de la cage, mais prendre la cage, l'amener au jaune. Parce que si on donne aux autres, peut-être que là, il n'y en aura plus, puis le jaune va dire fuck avec la clé. Ouais, mais ils nous suivent. Ben oui, mais là, s'ils voient quand ils ont la cage, ils vont nous suivre encore. On dit, on va vous en donner, t'as peu, quand vous êtes toute la gang ensemble. Toi, ça va être long de rendre là, la carte. Ben, j'ai pas besoin de vous accompagner, dans le sens que si le jaune ne nous suit pas, là, dans le sens si on va à la cage, eux autres nous suivent depuis tantôt, mais le jaune ne nous suit pas, là. Non. Si on va toutes là. Parce que j'ai pas. Dans le sens, on a pas besoin. La cage, là, est grosse, là, comment, là. Ben, c'est une cage. On pourrait la prendre, genre. C'est à peu près, ouais, c'est à peu près ça. On n'a pas besoin de deux. Tu as besoin de deux? Non, ben toi peut-être, là, mais eux autres pourraient la prendre seuls. Ok, bon, ben c'est ça, guys. Je suis le plus proche, je pourrais aller la chercher. Ben, non, techniquement, c'est moi, mais tu pourrais. Ouais, mais t'avances pas vite. T'avances pas vite, puis ils viennent te dire que tu pourrais pas prendre. Ben, ouais. Fait que ça sert à rien si tu y vas, si tu veux. C'est ça. Non, mais je suis un barbare. Je t'ai jamais cru. T'as pas l'air d'un barbare. Qu'est-ce que ça fait qu'on court déjà? Dans le sens que quand tu cours, ça va être. Le double, je pense. Ouais, ben en fait, c'est pas vraiment courir. Tu peux aller deux fois ta vitesse, c'est juste que tu peux rien faire d'autre. Ok. Ben, genre, tu pourrais avancer de 12, mais après ça, t'as fini ton tour. Ouais, ben. Mais c'est à moi, de toute façon. Tu peux comme courir vers là, de toute façon. Je peux pas courir parce que j'ai ou fait tu peux, je pense, aller jusqu'à 4 fois ta vitesse, mais là, c'est juste, tu te fais attaquer, t'as pas de jet de réflexe, tu vas faire pétail, là. Mais okay. Tu cours vite, là. Mais... Je vais aller chercher la cage. Où il n'y a pas moyen d'attirer le jaune vers la cage. Tu peux essayer, mais... Tant qu'à moi, on pourrait prendre la cage. En tout cas, regarde. Mais ça serait intéressant. Lui, il pourrait essayer de communiquer avec. C'est ça, puis toi, va chercher la cage pendant ce temps-là. Moi, je vais faire le cave au milieu. C'est tout. C'est à Eremine. Non, au dragon. Au dragon. Qu'est-ce que le dragon va faire? Il va atterrir juste ici. Puis il se met le dos à toi, Michael. Non, je la pète. Moi, ça, il va falloir l'attirer, sinon on sera jamais capable de le prendre. Il y a personne qui tourne le dos à Fern. Là, j'ai plein d'images qui me passent en tête, mais c'est supposé être PG-13, cette affaire-là. Ok, tu disais, c'est le roi qui arrive. Là, en ce moment, les dragons, ils suivent chacun une personne. On a remarqué. Oh. Puis ils continuent encore à sentir, voir un peu les choses. Puis là, il y en a un qui commence à gratter sur Alex, sur Eramine, un peu sur la jambe. Qu'est-ce que ça fait de la bouffe? T'as faim? Moi, j'ai dit donc, t'as faim? C'est à moi? Non, c'est à moi, c'est à toi, Eramine. Fern. Okay. Fait que là, il y a lui qui est au bord d'un manger ma chouette? Ta chouette est pas comme en désert en train de... Elle est sur mon épaule, là. Ok. C'est une bonne idée. Ben là, de toute façon, même si ça va, les autres, tu vois. Je check comment c'est à vol mieux. Moi, Fern, je suis convaincu que le dragon jaune, on sera jamais capable de l'approcher parce qu'il peut passer par-dessus le feu. Mais il va toujours se faire, là. Mais oui, il va être capable. Mettons que j'ai des pouvoirs de crafting, puis je ferais de la bouffe. De nulle part? Ben, il y a du feu, là, pis ils sont dans la terre, là. C'est quoi, tu vas brûler ta main, genre? Ah non, il va prendre un petit bout de viande. Tu sais, il pourrait prendre son épée pis la mettre au-dessus du feu pis faire comme s'il y avait de la bouffe. Ouais, il pourrait faire non, ça. Non, mais à une fois que les fruits, ça serait du les bluff. Légumes là-bas. Tu peux faire du bluff aussi, faire semblant que t'as de la bouffe. Non. je ferais pas ça, les gars. Moi, je. Non, mais c'est sûr que si tu mets de la bouffe dans au-dessus du feu, ça va sentir pis toute l'odeur va faire que. C'est vrai. Mm-hmm. Ouais, parce que là, faudrait je quasiment réjouir de bord. Non, mais moi, je dirais continuer à aller voir le jaune un peu, voir ce qui est, pis tout, là. Ouais. Pis moi, si vous voulez que je fasse des coups, je me dirais. Attire-les, là, fais une danse, là, fais quelque chose. Fais une danse, on fait un perform. J'ai pas de point à perform. Moi, je peux y compter une histoire. Ça me rappelle l'histoire! Mais là, j'aimerais bien l'histoire. Je ferais peut-être le truc de télépathie, mec. Ouais. C'est de voir s'il n'y aurait pas une image à envoyer ou... Ouais, ben, ce là il me tourne le dos, il faudrait que je... Ben, il t'entend. C'est hein? Télépathique. Ouais, il entend. C'est télépathique. Tu peux y parler aussi, t'es pas si loin que ça. Yo, mais ça prend une clé, mais genre, je vais utiliser des skills à débarrer une porte, peux-tu juste prendre la porte? tu peux toujours essayer. Ouais, j'ai quasiment... Le dragon vert, il tourne alentour de tes pieds, là. Le temps que j'aille chercher la bouffe, t'as le temps de te rendre à la porte d'essayer ça, puis que je revienne, puis... Ok, j'ai pas fait d'action en date. Non. Fait que je pourrais juste courir vers l'ascenseur, puis lui, comme ça, il me lâcherait parce qu'il me verrait plus, techniquement. Si on vous suit, qu'est-ce que tu disais? Tu disais qu'il commençait à être aveugle... Non, c'est que quand, si mettons, justement, il est dans... Il voit rien, là, si tu lui bandes les yeux, là... il va être correct, je pense, jusqu'à 10 pieds, ouais, dans le sens qu'il est capable de s'orienter pareil, c'est juste qu'il verra pas plus loin. Est-ce que ça vous dérange si j'essaie de faire ça? Je suis curieux de voir si ça fonctionne. Au pire, on meurt. Je me réveille rapidement puis je dis, c'est pas contre toi, t'es bien cute, là, mais j'ai des choses à faire. Fait que là, je pars à courir vers l'ascenseur. Le verre, il est comme surpris, genre. Mais j'ai dit avant de partir. Ouais, mais il est comme ça. How rude! J'ai fait l'exprès de dire, c'était pas bon lui. Ok. C'est au tour à Eramine. Ouais. Bon. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Oh! Bravo! Merci. Ça prendrait un effet sonore. Bon, ben moi, je vais aller voir le verre. 1, 2, 3, 4. Va s'ennuyer. Hey, t'ennuies? Tu gars, je suis là. On va aller. Il va se retourner vers toi. Yeah. Il dit, je suis là, mon beau. Fait que j'ai dit, comme ça, t'as-tu faim? Parce que c'est le rouge hein, qui m'a dit qu'il avait faim. C'est le vert qui t'a dit qu'il avait faim. Il dit, comme ça, t'as faim? On va essayer de quoi? Je te garantis rien, mais on va essayer de te trouver de quoi à bouffer. C'est doux? Que je fasse. il envoie une image de lui qui suit, qui a l'air content. Bon, oh. Ça, il a l'air content, guys. Il veut de la bouffe, c'est bon. Fait que là, c'est à moi? Ouais. Ben, je vais le regarder, puis je vais lui dire que ben, je m'en vais chercher la bouffe bientôt, là, puis que il va en avoir bientôt, sûrement. Là, il t'envoie une autre image de bouffe. C'est tout? Non, là, il envoie du steak. Pour le dragon. Hein? Ben, c'est pour le dragon. J'ai fini. Mais tu cours-tu ou t'as... Non, je cours pas. Ça revient à la même chose si je cours. Parce que si je cours, je peux pas faire l'action. Fait que j'attends le prochain tour. Puis là, si je marche, je peux faire l'action dans les deux coffres. Bon, les dragons. Ils nous attaquent. Le jaune. Ça va. Ben oui, c'est sûr qu'il va se sauver, c'est la clé. Ah non, c'est 3, lui, excuse. Ah. Ils vont-tu manger la chouette? En fait, le jaune a marché, il s'est éloigné un petit peu. Lui, il s'envole, puis il atterrit en face de toi. Le blanc a atterri en face de Etsuko. Lui, il se rapproche de lui, puis le rouge se rapproche aussi de Eramine. Aïe, il envoie d'autres images de bouffe à Eramine. Aïe, là, je commence à avoir faim, guys. Ok, c'est au tour à Fern. Yay! Yay! Je me suis pas trompé! Bon, ben, je m'en vais vers l'ascenseur. 1, 2, 3. I guess je suis dans l'ascenseur. Fais un spot. L'ascenseur est fermé, là, tu peux pas. Ok, excuse-moi. Il s'en va tout seul. Ouais, c'est ça. Bye! J'ai le pouvoir de passer à travers les murs, tu te l'avais pas dit? Fais un spot. Tu vas faire un search, un des deux. Le truc qui est le plus proche, c'est un search. Ouais. Fait que, attends, c'est quelque chose de plus fort. J'ai 5 de search. Shit! Pet! Je pense que tu vas rester là. Tu vois rien. Ben en fait, tu vois rien. Tu étais là. Je vois pas qu'il y a un mur là. Ben tu vois le mur, pis c'est pas mal ça. Ah ben. Ben t'as une deuxième action, tu peux faire un spot pour une deuxième action. Ben ouais. Je vais avancer. Tu peux faire un spot. Oh, t'as avancé. J'ai ce bête fini. Bon, ben, je me connais ça, mais. Un spot en tant que tel, c'est pas vraiment une action. Ben, qu'est-ce que t'essaies là? Parce qu'un search, oui, tu vas être puissant en train de checker. Un spot, c'est juste comme. Mm. C'est pas une action. Mais, cool, c'est pas bien. Non, ben, en fait, avec. Non, tu vois juste un mur devant toi, puis c'est fini. Next! Colle ta langue dessus! Et ramine. T'as un mur de pierre. Bon, ben là, lui, il s'est mis en travers toi, l'enfant de chien. Je vais me rendre pareil. Là, moi, je vais faire un spot, là, genre, s'il n'y a pas d'autres bouffes ailleurs, là. Juste de même. Ouais, bonne idée. C'est quoi mon spot? Moins 10. Non, j'étais à 5, fait 19. Shit! Ok. 21, je vais compter. 21. Tu vois un autre cage ici. Qui était à côté de vous depuis le début. Ah, ok. Ici. Ah, ok. Ouais, c'est ça. C'est vrai. T'as rien vu? J'avais oublié que Miguel était allé là-bas tantôt. Attends, fait qu'il y en avait que ça serait des frites, puis il y en avait que ça serait du steak. Je vois-tu sais quoi qu'il y a dedans? C'est la même chose? Bon, sais-tu ce que le jaune veut? On sait pas. Il veut peut-être pas des frites, puis il veut du steak. Il veut peut-être. Hey, guys, j'ai trouvé de la bouffe là-bas. Fait que je vais demander au verre. Hey, tu me laisses passer. J'irai voir. Peut-être j'irai ouvrir ta cage pour que t'aies plus de bouffe. Fait que je peux-tu faire un autre diplôme? Faut que je fasse un diplomatie pour que je demande de passer. Ouais. 17. Oh! Yes! Okay. Il va se tasser. Mais il est pas obligé de se tasser, je peux. Tu sais, dans le sens que c'est du 5 par 5, là. Fait que. Il t'envoie une image pendant que tu passes à côté, une image de ta chouette. Fuck! Je pense qu'ils ont faim, guys. En tout cas, si jamais il m'attaque, là, je dis à ma chouette. Ta chouette, elle peut pas aller chercher de la bouffe? Mais c'est, non, elle est trop petite, elle sera pas bien. Ça prend grand chose, pas. Bah, elle prend un petit morceau, puis là. En tant que telle, une chouette. La chouette n'est pas utile. Mais à quoi ça sert? Ça transporte les. Ben, avec. Ben, c'est, ça me donne. Oups. Ça me donne. Moi, je n'ai rien marqué là-dedans. J'ai-tu marqué de quoi là-dedans? Non, parce que tu sais, je regarde l'attaque là. Comment elle fait d'attaque, elle? Elle fait plus 5, mais elle fait 1 des 4 plus moins 3. 1 des 4 moins 3. Non, c'est. C'est vraiment. Maximum, c'est 1. Ça, c'est elle si t'es chanceux. Elle a 2, puis elle a 2 points de vie. C'est vraiment. Non, c'est plus comme ça va être en montant de level, elle va pouvoir entre autres aller faire des touch spells pour moi, des affaires okay, okay. Est-ce mais, que ça va pas y rester. Toi, tu vas pouvoir courir hein, les prochains tours, genre. Ouais, mais le monde va pas vite. Ok, ouais. Next, c'est Etsuko. Etsuko, je vais faire un spot, voir combien il y a de fruits, à quel point il y en a dedans. Ok. Vas-y. T'es assez proche, fait que genre un 10, trois, ça va être. Mais si tu lances ton dé, ça va être. Je peux-tu arriver en face puis regarder dedans? Ouais. Ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ce que tu vois en dedans, c'est toutes sortes de fruits, des bananes, des ananas, des pommes. C'était lequel qui voulait des fruits? C'était le vert. C'était le vert. Je suis. Mais c'est pas le vert qui vient de lui envoyer une image de sa chouette. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il va n'importe quoi. Ah, je pense peut-être faut qu'on lui fasse un bon. J'ai pas mis de skills dans le cooking, par exemple. Est-ce que je peux prendre la cage? Oui, tu peux la prendre. J'ai pas d'action à faire. Y a-tu. En fait, c'est juste un strength. Mais ça peut être juste strength. Ouais, c'est juste strength. Puis il faut. Tu veux savoir s'il est capable de la lever, c'est ça? Ouais. Mais j'ai pas beaucoup de strength. Ouais, c'est à 10. Mais en tant que tel. C'est une petite cage. Là, avec 10 strength. C'est pas super lourd, mais si je vois si t'es capable de la tenir sans l'échapper. J'ai 10 de strength. Mais c'est l'arme d'un humain. Ben, je la prends. Il faudrait que tu lances un dé, je pense. Ouais. Faut que je lance un dé? Ouais. Ben, ouais. Ça va être 10. Faut que tu aies 10 et plus. Avec un dé 20. Ouh! Ah, t'es parfait. Ouais. Ok, fait que là, tu la prends dans tes mains. Yep. Fait que là, t'as la cage de fruits avec toi. Puis là, j'ai bougé mon 6. J'ai la cage de fruits avec moi. Parfait. Fait que je vais essayer de revenir plus haut. Je vais essayer de monter ici puis arriver par ici. Fait chier. Ok. Mais je peux-tu courir avec la cage? Non, tu vas. Ben, courir avec la cage, ça va être genre. Genre, mettons le 2 tiers de ce que tu veux faire. Au lieu de 12, ça va être genre moins 8. Mais marcher, ça va être normal. Marcher, ça va être normal. Ok, fait que. Dragon. Ah, il mange une fesse. Lui, il est littéralement quasiment en train de te monter sa jambe. Il signe. Le dragon blanc est en train de monter sur la jambe à Etsuko. Lui, il est ici. Encore, il sent un peu les pieds. Oh, moi, c'est les pieds. Il voit que j'ai des grands pieds. Puis lui, ben, il atterrit en avant de toi. Ah, c'est-tu qu'ils font chier. Puis, comment, lui aussi, les deux, en fait, les deux sont en train de tourner autour de tes pieds. Là. Puis lui, il reste là en train de jouer avec ses... Le jaune, il reste là en train de faire... de jouer avec ce qu'il a dans les mains. Avec sa clé. Guys, vous êtes correct? Moi, je corrige des fruits, je vais y en donner un, puis je vais me sauver. Ok, c'est au tour à Fern. Ok, ben là, je suis en train de lécher le mur. Je peux pas te tenter de... Search. Faut faire, ok. Search. Essaye d'avoir un bon chiffre. Hein. Essaye de pogner un spot pour trouver d'autres fruits. Believe in the heart of the dice. Ouais. Oh! 19! Je n'ai pas besoin 5. De lancer. Bon, ben, ça sert à rien. Ce que tu vois, dans le fond, c'est la ligne de séparation des portes de l'ascenseur. Mais la seule chose que tu trouves bizarre, c'est que dans les autres étages, il y avait des pitons avec des lumières. Mais là, il n'y en a pas. Fait que tu peux pas l'ouvrir. Tu vas perdre ton temps. Là, je pense que je vais me faire bouffer un pied bientôt. Guys. Ok. Cool. Il est dans moi. Est-ce que je peux faire un spot pour voir s'il y a d'autres choses qui kick off? Mm-hmm. Je pense que j'avais juste pour un plus 4. Mais c'était quoi tu voulais faire? 10. 10. Ça va pas rien de spécial. Il y a une porte. Il y a la porte de l'ascenseur. Il y a comme une porte, mais il y a rien pour l'activer. Mais fait que ça devrait peut-être dire que. Je retournerai vers le jaune. J'étais toi pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose de plus. On a une fesse. Ouais, ben j'ai joué deux fois une action. Ok. Ouais, non, trop tard. Tour à Eramine. Bon, je demande au j'ai un petit mystique pour mon tapis. Tu vas juste pouvoir l'avancer de 4, toi encore. Ben, c'est parce qu'il faut. Oh. Il se mettre devant moi, là. Puis je peux pas contourner, sinon je suis pas en feu. Je vais essayer d'éviter ça. Pas une magie de code, là. Blizzard. Ah, je vais pas faire ça, là. Il y en a deux sous moi, mon mot. Tu peux pas éteindre le feu, genre rain. Non. La pluie. Non, ça, c'est une école que j'ai pas étudiée. T'as été à quelle école, toi? J'ai allé à une école, là. Fait que je demande, est-ce que c'est possible, je m'en vais chercher de la bouffe, là. Fait que si t'es patient, et juste là, je vais te donner ça. C'est à quel tu parles, le vert ou le rouge? Ben le rouge, parce qu'il est devant moi. Le rouge, il t'envoie encore une... Ben il t'envoie une image de ta chouette aussi. Puis là, mais est-ce que ça veut dire qu'il me laisse passer ou pas? T'envoie une image de ta chouette. Est-ce qu'il me laisse passer ou pas? T'envoie une image de ta chouette. Fait que si j'ai, tu sais, comme je fais un pas en avant, est-ce qu'il a eu l'air de vouloir me... Il commence à faire, tu sais, les chats, mais bon. Ouais, ah, shit. Ok, C'est un peu ma chouette, là. Elle a combien, elle a de la flight, là? Si je la laisse aller, elle va-tu réussir à sourire, on va se faire ramasser? J'espère qu'elle mourra pas. Il se déplace à combien? Il se déplace à 60 feet en volant. Ouais, il se déplace à 40 feet. Fuck! Oh non! J'aimerais bien ça t'aider. Je peux... Tu non, guys... Je pense que je sais quoi. J'ai un sort de quoi? Non, mais là, vous comprenez que vous avez des cages avec de la bouffe, mais ils sont quand même fermés, les cages. Oh non, on est capable de... Ok, je reviens! Je vais revenir puis je vais ouvrir le cage. Là, guys, ils ont vraiment faim. Je pense que je vais perdre une chouette puis 2-3 pieds. Puis, peut-être une main ou deux. Puis... ok, ben je vais en au vert. Tu me laisses-tu passer, mon beau? Puis il va me faire encore la chouette, c'est ça? Non, lui, il va pas te faire la chouette. Il va te faire des fruits. Il va avoir une image de fruits. Ok, je pense que le vert veut des fruits. Mais il m'a montré la chouette tantôt. Ouais, mais ça change. Fait que ce qu'il me laisse passer? Essaye. Fait que j'avance un pied vers lui, tu sais, tranquillement. Lui, il se tasse. Ah, il est fin. Oh my god. 1, 2, 3, 4. Bon, comme ça, il va pouvoir m'entourer. Et où la serrure? C'est pas à côté de la porte. Mais je pense que c'est la serrure des cages, dans le fond. Au pire, on pourrait la péter, là. C'est une serrure. Je sais pas, c'est toi qui l'as, là? La cage, ouais. Ouais, ça a l'air d'être une grosse serrure, là. Toute magique pis tout, tu penses qu'avec attends, un petit... Attends, je vais checker. Ça, c'est quoi ça la serrure? Ça ressemble à quoi la serrure de la cage? C'est à toi à jouer, hein? Ouais. La serrure, t'es de côté. C'est une serrure, un cadenas normal, tu sais, avec cadenas avec... comme ça. Pis ouais. Je sais que c'est une jaune qui a le trousseau. Je peux t'envoyer télépathiquement quelque chose à un des dragons? Je suis trop loin. Tu peux... ben ça dépend lequel tu veux prendre. Ceux qui gossent à l'ex. Ceux qui gossent à la mèche. Ouais, tu peux envoyer. Envoyer un email. Est-ce qu'il faut que je lance Non, tu peux juste envoyer, c'est correct. J'envoie que j'ai des fruits, là. J'ai une petite cage avec des fruits. Ok. Le rouge s'en fout, mais le vert, il regarde dans ta direction. Je peux pas ouvrir la cage, fait que je peux pas donner aucun fruit. Ben, tu peux essayer de la briser. Ouais, c'est un petit cadenas, c'est vrai. Je peux donner un coup de bâton dessus. T'as un bâton, toi, comment? Non, j'ai une épée. L'épée. Est-ce que j'essaie de l'ouvrir tout de suite ou je me rapproche de vous avec la cage avant de la briser? Parce que si je la brise, eux vont pouvoir l'ouvrir aussi. Ils vont peut-être juste comme l'ouvrir puis... Ben peut-être qu'ils vont se craper, mais là ce qu'on a l'air de comprendre c'est que le rouge en sac, lui, il a l'air de vouloir de la viande en sac. Mm-hmm. Ben allez voir, je vais aller voir ce qu'il y a dans la cage là. Il y en a peut-être d'autres ailleurs. Ouais. C'est vrai. Ok. Fait que je donne un coup d'épée dessus, j'essaie de l'ouvrir. Ok. Résistance de 12. Résistance de 12, ça veut dire faut que tu lances ton dé, faut que tu aies plus que 12. Avec ton strength. Ton dé plus ton strength, ouais. Le dé plus le strength. Ouais. J'ai 10 de strength. Mais non, mais c'est ton strength modifier. Mais t'es 0, je pense. Fait que ça va être 0. Juste plus 12. 12. Ok. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le cadenas brise. Il tombe à terre. Le dragon, il est un peu surpris. Il a peur un peu. Il recule. Oh. On va voir ce qui se passe. Ouais, il coupe ça à la tête. Moi, ben, je prends un fruit qui est à l'intérieur puis je donne au gris. Non, c'est au gris. Il se ravance puis il mange le fruit. Le bottelé. Puis les autres fruits qui sont à l'intérieur, ben, je les laisse dedans puis je pars avec la cage. J'avance de 6. Okay. C'est au tour à Etsuko. Non, c'est dragon. Ah, c'est vrai. Ben, il a fini de manger déjà? Il mange vite en essayant. C'est un petit fruit. Je pensais qu'elle allait me foutre la paix. Mais il tue encore. Il en veut d'autres. Oh, mais c'est correct. Il sait que t'es son ami, là. Mm-hmm. Ben, lui, il vole en haut. Tu vois, je t'ai éloigné un dragon, Alex. Yeah! Je sais pas, mais il regarde pas mal ma chouette. Je pense qu'il veut s'accoupler. Ah, je pense qu'il veut s'accoupler, guys! Le jaune, c'est vrai, c'est le jaune, la chouette. Le jaune, il continue à se passer à la clé. Ok, c'est au tour à Fern. Yeah! Go Fern. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que faut que j'aille aider quelqu'un? Tout le monde s'en va pour chercher les fruits? Ben pas tout le monde, il y a le rouge et le suis encore. Le vert s'en va vers les cours vers le jaune. Est-ce que je cours ou je regarde s'il y a d'autres cages? Moi je regarderais s'il y a un autre cage, peut-être dans ton coin. Ouais, parce qu'il y en a eu aux deux coins, il y en a peut-être aux deux autres coins. Pour 4 dragons, 4 cages. C'est quoi cette logique? Mais je fais exactement ça. Fait que j'imagine qu'il faut que je fasse un spot. Ouais. 10, 12. 12. 5. Je vois pas grand chose. Voyons, t'es dans ma poche, toi. Est-ce que je bouge ou genre je tente le mur? Ben, va dans un. Ouais, ben, tenter le mur, tu l'as pas fait. Ouais, mais sinon, au pire, va dans plus dans un coin, peut-être tu vas mieux voir, là, parce que là, t'es plus loin. Dans le coin, ici, peut-être. De toute façon, si t'en vas vers le jaune, tu peux passer par là. Hein. Faut que tu une cage, ça va être ouais, bon. Ouais, ok. Es-tu passé sur une cage? Non. Tu vas passer par ici. Bon, c'est à moi? Ouais. Moi, j'envoie ma chouette attaquer. Non, c'est pas vrai. Farouche-les pas. Fait que, ben moi, je vais continuer à marcher là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pars à courir. Ok. Puis, juste avant, j'ai dit, je m'en vais chercher à manger, là. Tu sais, fait que, ce sera pas long, là. C'est rien de personnel contre toi, là. Cherche un bonhomme. Ça va être peut-être meilleur qu'une chouette. Je pense pas, mec, que ça va marcher. Il t'envoie une image de chouette, okay. Puis il t'envoie une image d'une cage qui ressemble pas aux deux autres cages qui sont. Ah! Je pense qu'il y a une autre cage, guys. c'est ça. Le rouge, il me fait des propositions indécentes. Est-ce que les cages ont des couleurs par hasard? Non. Ok. Mais les choses à l'intérieur sont différentes. Fait que là, juste de même, est-ce que je vois peut-être pas? Ouais, ouais, ben tu la vois. Là. Fait que le jaune va voir quelque chose de chacun à l'intérieur. Ouais. C'est quoi? Ce que tu vois à l'intérieur, c'est de la viande. Ça, mais... Je vois de la viande, guys. Où ça? Devant moi. Devant toi? Dans la cage. Là. Dans la cage. Loin. Ouais, je pense que c'est le cadavre de quelqu'un. C'est pas ta chouette? C'est pas ma chouette, non. Ma chouette est encore là. Un peu moi checker. Hein. J'ai rien fait. Mithy. Okay. Autour Etsuko, t'as fini Alex? Moi je peux pas courir. Si je cours, c'est 8 maximum. Non, c'est. Ouais, 8, c'est vrai. Pourquoi t'es passé par là? T'es bien drôle. Ben, tu voulais je passe par là? Non, t'es correct. J'ai pas deux. J'ai deux choix. Par là ou par là? Mais là, moi, je peux. Ouais, je peux pas. Je pensais revenir par ici et passer au milieu, genre. J'aurais peut-être dû passer par là, voir s'il y aurait pas une cage. Tu peux changer d'idée. Trop tard. Ouais, mais il est dans mon chemin, lui. Ben, ah ouais, je l'ai pas vu. Passe au travers. Qu'est-ce que je fais, les gars? Passe au travers le feu. Il me donne des mauvaises idées. Mais... Crève, crève! Ça, c'est des fruits qui attirent clairement ces deux-là. Ça, c'était la viande qui. Elle attire au moins le rouge. Mais je suis pas sûr. Parce que là, lui, il m'a envoyé une image d'un autre cage. Fait que c'est peut-être pas de la viande qu'il veut. Fait que là, il y a deux autres cages. Il faudrait idéalement trouver la cage. Mais je sais pas s'il y a deux. Je sais pas s'il y a deux autres cages. Il y a peut-être juste une autre cage. Mais... Si on suit la logique des jeux vidéo, il y aurait deux autres cages. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi, Fern. Ben, ouais, mais tu peux négocier avec. Dans le sens, si mettons, en as-tu beaucoup des fruits? Ouais, il y en a quand même pas mal. Fait que tu pourrais y en donner un pendant qu'il mange. Tu disais, hey, laisse-moi passer, puis je te donne un fruit. Puis, ouais, je pense que... Ouais, je pense que je vais lui donner un fruit, puis je passe. Je peux passer à côté, ben, il est occupé à manger. Puis je vais passer par là. C'est correct, on s'est pas fait attaquer. Non. Tu peux faire un spot, puis je peux voir loin. Quel fruit tu as donné? Ben, je sais même pas ce qu'il y a dans le cache comme fruit. C'est toutes les sortes de. Ben, il y a des bananes, des ananas, des pommes, des oranges. J'ai donné une banane. Ok. T'aurais pas dû me donner une banane. Il est en train de la mordre, mais vu que tu sais, il sait pas comment éplucher ça, il est comme. C'est correct, ça arrive. C'est tout parfait. Donne des bananes. Il risque de glisser dessus. Je fais un spot. Ok. Voir s'il y aurait pas un autre cage dans les parages. Yeah. Oh, oublie ça. En fait, t'as vois pas. C'est ça. Enlève la cage de devant tes yeux. Ça la regarde. C'est tout au dragon. Le blanc s'astine avec la banane. Fait qu'il bouge pas. Lui, il reste là puis il bouge pas. Le jaune bouge pas. Le rouge s'approche beaucoup des ramines. Ben, c'est bien. Tu veux du steak? Non, c'est autre chose. Puis le rouge envoie une image à Eramine. Oh. Encore une autre cage. Je sais pas. C'est différent de celle-là qu'il t'a envoyé avant. Oh. Oh, il y aurait peut-être une quatrième cage. Puis, on voit pas ce qu'il y a dans la cage. C'est donc. Dans la cage que tu vois, c'est des légumes. Ah. Puis l'autre d'avant, est-ce que je m'en souviens? L'autre, c'est encore de la viande. Oui. Fait qu'il y a deux viandes, une légume, puis une fruit. Fait qu'on peut se faire un bon souper, guys, ça a faim, là. On crisse ça dans le feu, puis on se fait une bonne bouffe. Meilleur qu'hier. Fait qu'eux. Mais là, il commence à être un petit peu plus agressif. Il commence à le gratter un peu plus. Ouais, non, mais il fait son mieux, là. Tu sais que c'est quasiment rendu, là. Ces petites jambes, il faut pas porter plus que ça. Mais tu peux pas prendre la cage, de toute façon. Non, mais je veux la briser. Est-ce que je peux tirer une flèche qui va comme attraper lui au passage, puis comme va l'accrocher au mur plus loin? Tes flèches vont pas si loin que ça. Oui, avec quoi comme. Ok, c'est à mon tour. Après, il faut peut-être juste essayer d'attraper le genre. que là, je vais faire un autre spot pour savoir où sont mon cage. 17. Shit. Ok. Tu vois une cage vraiment proche. Non, c'est où est-ce que le foncé, là? Juste là. Puis ce que tu vois aussi à travers ça, c'est que le jaune se retourne comme ça, puis tu vois quelque chose de jaune qui flash dans ses mains. Ça ressemble beaucoup aux autres pitons qui étaient dans les autres. Oh, il a volé le piton de l'ascenseur. C'est normal, elle texte dans un donjon-là pour que tu puisses arracher le piton de l'ascenseur et la fonctionne encore. Fait que c'est un piton jaune. Ok. Tu fais-tu d'autres choses? Ben, je m'en vais dans la cage. Ok, je suis rendu à la cage. Ok. Mais t'as fini. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Je peux pas toucher à la cage. C'est la viande qu'il y a dans la cage. Je la regarde. Il pourrait attaquer la cage. Ben, je vais péter là, s'il veut. C'est pas une troisième action, ça? Il a marché, il a fait spot. Mais il a fait spot, c'est pas une action. Ok, ben, tu peux la capéter si tu veux. La capéter. La péter. Ou la. Comment on appelle ça? Unlock, moi. Ok. Vas-y, unlock. Difficulté 12. 12? Comment j'ai déjà? Je sais pas si j'ai déjà 12. Okay, open lock, j'ai plus 4. 11, 15. Parfait. La cage s'ouvre sans aucun problème. Ce que tu ouvres, c'est de la viande. Ce que tu vois, en fait, c'est du poisson à l'intérieur. Ça fait qu'il y a plusieurs types de viande. Le poisson, puis la viande. Okay. Ben, est-ce que tu peux en mettre dans mes poches? Ou... Ben, tu peux en mettre dans tes poches si tu veux. Là, ouais. Ben, tu peux partir avec aussi. Tu peux l'emmener au complet. Mets la cage. Capable, pas non, comme mais moi. On peut transporter des items, mais à un moment donné, il faut bien emporter. Veux-tu envoyer des images aux... Je t'aide, j'ai rien dit. Ouais, il t'aide, là. Envoie des images aux jaunes. Ouais, avec toi, dénudé, avec la viande qui couvre le corps. Ok, fait que là, il y a un poisson. Je prends un poisson qui est dans la boîte, puis je regarde le jaune. Petit jaune! J'ai un cadeau pour toi. On fait ça méchant. Le dragon jaune, il te regarde, il lève la tête, puis il te regarde un peu comme un chien, comme ça, puis il y a comme la langue qui sort. Oh, qui est cute! J'en veux un! C'est au tour à Eramine. Ouais. Mais, je te dis ça là. Ça va être long avec Arrive à la ouvrir une serrure, c'est un full round action. Fait que ça veut dire que tu peux pas rien faire, tu peux juste faire ça. Ok, ben je vais te le laisser pour cette fois-ci parce que je le savais pas non plus. Fait qu'on va le savoir pour la prochaine fois. Non, je le dis, tu sais, mais sûr, je pense que t'as J'ai les mains vraiment habiles puis vraiment vite. Elle était facile à ouvrir. Bon, y'a pas l'air. Ok, ben moi. Je dis, hey, je suis proche de la viande, là. Fait que si t'en veux, là, je vais t'en donner. Je veux pas genre juste tirer une flèche, puis ça va l'ouvrir, non? Non, mais ça s'en charge à rien. Puis je pense pas être super bon. De toute façon, mon emballage, ça me prend un tour complet, la charge. C'est vrai, ouais. T'envoies une image de lui qui mord ta jambe. Oh! Non, ok, mais je cours, là! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis quasiment rendu, là! Ah, mais le dragon court aussi vite. Il bouge. Prochaine mais je sais. Pas. Mais le dragon va voir la cage au prochain. Il se dit, garde, je te l'ouvre, là! Je te l'ouvre, là! Et tu cours? Je peux pas aller plus vite que ça. Le divan qui te regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est une action si je laisse des fruits en arrière? Non. Tu vas jouer comme. C'est quoi la compra à faire? Excel et Gretel. Ansel et Gretel. Ansel et Gretel. Je vais courir de 8 puis en courant, je vais laisser un fruit ici. Ok. Fait que je laisse une pomme. 1, 2, 3. Poup! Je laisse une pomme. Poup! Ok. 4, 5, 6, 7, 8. Ben, je pense que ce serait plus si tu jettes une pomme. Que... Ouais, je cours. Il va regarder la pomme, il va faire comme. Ouais, tu me prends pour ça. Peut-être. Ben, il saute dessus puis il commence à la manger. Ok. Yeah. Je pense que je vais faire bouffer un peu. Il a sauté au dragon. Oh. Oh. Ça sent la fin pour moi. Il va essayer de te mordre. Ouais, shit, c'est clair que je meurs là. J'ai juste 4 points de vie. 4 points de vie. Je peux te faire te ressusciter, moi. Ouais, ouais, mais. Je suis juste loin. C'est si proche. Puis j'ai pas le temps d'assez, hein. Je t'attaque, je te fais du mal. T'es à 13? Ouais. J'étais à 14, je suis correct. Ok. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il essaie de te mordre, plus tu t'enlèves ton pied juste à la dernière minute pour pas te faire poigner. Seigneur, vous voulez le coffre. Mais il commence à faire comme. Il commence à grogner un peu comme un chien, là. Il aurait fait quoi si on n'était jamais venu, lui, qui ruge? Ouais, ça serait bouffant entre eux autres. On aurait dû attendre, lui laisser s'entraîner. Ouais. À chaque étage, on fait juste attendre. Ouais. next, c'est. Etsuko. Déjà? Mais Rémin n'a rien fait. Ah, c'est vrai, non, c'est le dragon. Après les dragons, c'est t'as bougé. J'ai joué, oui, c'est vrai. Le petit jaune, là, moi, j'y fais ça de même avec le petit poisson. Il a atterri juste là, de l'autre côté de l'affaire. Lui, il a fini de manger sa pomme. Déjà? 1, 2, 3. Il te suit tranquillement. Puis lui, il a fini de manger sa banane. 1, 2, 3. Ça fait combien de fruits qu'il mange, là? Il n'est pas plein, là. Son petit, ces bêtes-là. C'est débarrasse. C'est comme des charognes. C'est exactement ça. Ok, c'est Toto Raffin. Yes! Fait que là, il y a le petit jaune qui me regarde avec sa petite face de. Genre, dans ses mains, il tient le bouton pour l'ascenseur. Puis il est comme genre. Tu sais, les grands yeux, genre. Oh genre, my god! J'ai comme faim de moi de la c'est bouffe. Quoi le film des dragons, là? Hein, lequel? Le train of Dragon. Ouais. Ok. Alors là, genre, je tiens. J'ai comme tous les poissons devant moi. Je fais comme. Je pointe le. Ben, je parle en fait, j'y comprends. Tu peux y parler. On fait un échange? Lui, il regarde son petit piton. Il regarde toi avec le poisson dans les mains. Il a le petit piton. Là, il met dans sa bouche, puis il comme. Oh! Puis il veut te le donner. Bon, je suis comme un mourir. Too much cuteness. Il va s'évanouir, lui, là. Fait que finalement, je fais juste m'asseoir à côté de lui, puis je flamme. Tu es tout le poisson, je te le donne, donne-moi rien. Ben, on fait un échange, je prends le bouton, puis j'ai dit merci, puis je donne le poisson. Fait que lui, il commence à manger son poisson. Puis pendant ça là, mais je prends des poissons dans mes poches. J'aime okay. Ça sentir les poissons. Cool. Tu pèses-tu sur le bouton dessus? Fait que je prends-tu vraiment des poissons en disant comme j'ai des poissons en ma possession? Ou... Ben tu peux, mais j'imagine que tu vas les jeter après. Tu peux les mettre dans ta feuille, là, mais j'imagine que tu vas les jeter après le prochain étal. Je peux pas croire que tu vas garder ça sur toi. Les poissons, ça se mange? Oh ouais, c'est bon. Y'a pas un petit étui, genre? Parce que je suis végétarien. Ça... Hein? Y'a pas un étui qui pourrait mettre de la bouffe? Ben y'a un petit sac, là, comme tout le monde ici. Ah, ok. Fait que tu prends un poisson. Un poisson? Ben en fait, mettons deux poissons. Hey Fern, t'as trouvé le bouton? On décolle. Oui, j'ai trouvé le bouton, guys. Essayez de pas vous faire tuer. Non mais Fern, ça tente-tu de peser-tu voir si la porte s'ouvre? Fait que là, j'ai pris le bouton. Je peux remarcher vers l'ascenseur. Faire un spot voir si la porte s'est ouverte. Ok. Je fais tap-tap sur la tête du... Pas d'accord. T'es trop cute, mais faut que je m'en aille. Que je me vais d'abord. Il en reste du poisson dans la cage en passant. T'as pas tout vidé la cage. Ben, c'est clair, il va-tu le bouffer? Ok, bon, ben, il va se relever. Ok, mais là, tu me le dis-tu, ça, qu'il en reste? Ouais, mais il a envoyé. Oh non, ouais, c'est vrai. Et toi, tu vas juste péter la cage. Non, mais c'est parce que si moi, il me dit ça, je vais lui dire, il y a une cage ouverte là-bas, là. Ah, c'est vrai. Guys, non, mais. Télépathie. Ouais. La télépathie. Guys. Je viens d'ouvrir j'ai le bouton pour l'ascenseur, fait que aussitôt vous pouvez lâcher tout puis venez vous en vers l'ascenseur puis ben il y a une cage à poissons là, c'est du monde. C'est juste du poisson? Ouais. C'est juste du poisson. C'est en 5 lui de la vie. Ça va pas chaud d'ouvrir ta cage. Je sais. Carnivore, il y a de la protéine pareil. Okay. Là, je flatte le coin de l'ascenseur. Ok. C'est à Ramine. Fait que je dis au dragon, hey, il y a une cage là ouverte avec plein de poissons dedans. Ça te tente pas, non? Ok, bon, ok. fait que moi, je vais lancer une dague sur la cache à serrure. Oh. Shit. Ben, c'est passé ça. Ça va être 13. Comment 13? C'était pas 12 tantôt? Non, c'était pas vrai. Mais là, tu lances quoi dessus? Une dague. Une dague. 15. Plus 5. 15. Ok, cool. Le canochi, puis il vient briser, puis il tombe à terre. Ok. J'y shoot dessus. Fait que là, il commence à manger. Okay. Il se roule dans la boule. Il se roule dans la boule, il aime ça, là. Il adore ça. Là. Ok, fait que je vais en prendre. En tout cas, j'ai-tu encore le temps d'en prendre ou j'ai juste fait ça comme action vidative? Ben, ouais, tu peux en prendre. Ouais, je suis pas sûr que j'aurais le. Mais là, c'est parce que j'ai attaqué puis j'ai bougé puis je suis pas sûr que j'ai le droit. Puis la cage est ouverte, fait que ça va tenir occupé pendant un bout, je pense. Ouais. Tu peux juste t'en venir puis te sauver. Mais. Ah, oh, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, oh ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Bon, je vais attendre le prochain coup pour le rouge pour qu'il commence à aller sur. Mais il était pas là. Il était ici. Il était ici. Ouais, ben, c'est vrai. Fait en fond, je l'ai placé là. J'ai attaqué. Puis, j'ai ouvert la cage. Puis, ben, c'est beaucoup d'action en un tour, je trouve, là. Mais. Je me laisse. La cage est déjà brisée. C'est correct. Ah, je sais, mais fait que j'ai pitché, mais en tant que je pense pas que j'aurais le temps de faire autre chose. Non. Ok, parfait. Cool. C'est au tour au Etuko. Ben moi je laisse la cage là ouverte, puis je laisse des petits fruits en arrière de moi, là, puis je m'en vais. Je cours. Ok. Alex, t'es loin. Non mais je cours vite, je t'avais pas. Ah oui, hein. Ok. C'est au tour dragon. Le rouge s'envole puis atterrit littéralement dans la. Correct. Dans la cage. Ferme la voix! Il mange tout ce qu'il y a là-dedans. Ben, il mange tout? Pas tout, là, mais il est en train de manger tout ce qu'il y a dedans. Le jaune rentre dans la cage, commence à manger tout ce qu'il y a dedans. Le vert et le blanc se pitchent dans la cage et commencent à se battre entre eux pour avoir les fruits qu'il y a dedans. J'avais laissé des petits fruits aussi en arrière. Ben, ils ont mangé. Déjà? Fait faire un spot de coup qu'il y a une autre cage. C'était juste des bananes, fait que ça a été l'or, hein, qu'ils ont. Fait que c'est tout pour l'instant. C'est au tour à Fern. Je te crie au loin. Ouvre l'ascenseur! Ouvre l'ascenseur! Je me place vers les cracks de l'ascenseur. Je colle le bouton sur une main puis je pèse dessus. T'as même pas besoin de le coller, tu peux juste peser dessus. C'est Bluetooth! Dessus. Ouais, c'est Bluetooth. My god! Les pas de l'ascenseur s'ouvrent. Ouais! Tu peux rentrer dedans si tu veux. Ah, quelle aventure! Je t'ai soufflé. Je me reviens de bord, je sais pas qui a tout le monde. Tu fermes les portes puis tu t'en vas. Ben avec le bouton, tu sais. Ils sont pas les poignets là. Je me recule en faisant ça, mais je fais comme ça une joke, je vous aime. Cool. C'est au tour à Iramine. Moi, ce que je fais, je saute sur le dragon, je pogne un morceau de viande, je le mets au-dessus de mon bâton avec une corde, je fais yeah, yeah! Dans cette blague. Okay, parce que je pense pas que le dragon soit assez gros pour te supporter. Ah, mais non, il est plus petit que moi. Il va mourir. Dans ce tête, mon nice. Bon. Moi, je fais comme, hey, merci dragon, ça en verra, régale-toi. Ok, bye! Fait que, techniquement, le dragon continue à manger, puis Alex, excuse-moi, Iramin, tu devrais avoir le temps de te rendre jusqu'à l'ascenseur avant qu'il t'attaque. Ok, fait que tu veux qu'on fasse. Non, on va les faire, tu te rends jusqu'à l'ascenseur, les portes se ferment devant vous. Oh my god! Et vous avez. Attends, avant que les portes se ferment, je regarde le petit jaune, je fais comme, bye! Donc, Gary, tu regardes, tu fais comme. En fait, il envoie une image de main qui fait ça comme ça. T'as envie de l'adopter, Anne. Il y a quasiment des émoticons. Il n'y avait pas une affaire spéciale qui aurait pu l'amadouer puis ça devient son pet. Non, il n'y a pas Animal Handling. Ouais, mais même là, Animal Handling, c'est des animaux. Ça, c'est pas des animaux, c'est des dragons. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est toi le boss. Ok, non. Fait que vous montez, l'ascenseur monte jusqu'au prochain étage. Vous arrivez ici. Puis si vous mettez le bonhomme là. Ok, donc. Bienvenue. Oh, attends, je vais juste ouvrir qu'on est rendu. Il n'y a personne qui fait de spot dans l'ascenseur pour avoir des couleurs dans cette. Je vais le faire, le spot. Non, ouais, okay. Moi aussi, je fais un spot dans l'ascenseur. On fait tout un spot dans l'ascenseur. On fait tout un spot dans l'ascenseur. C'est même pas dit qu'est-ce que vous voyez. Non, mais dans l'ascenseur, là. Dans l'ascenseur. Oui, ok, dans l'ascenseur. Okay, ouais, je fais un search. Spot, je sais pas quoi. Et je cache plus. Tu vois absolument rien. Ouais, je suis avec, guys. 7 plus. Tu vois absolument rien. Ouais. Non, mais moi, ça fait. Tu vois rien. Ah, ben, c'est juste blanc. Il y a les, comme d'habitude, il y a les pitons en bas, en haut. Et moi, c'était 9, là, mon total. Ça change pas grand-chose. OK. Ce que vous faites, là, vous arrivez finalement au l'étage 4. Les portes sur vous. Tu bienvenue au 4e étage. Donc, les portes sur vous. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un genre de long corridor avec des torches qui flottent dans le, jusqu'à une silhouette là-bas au loin. Ok, fait que c'est pas ouvert là. Non, là c'est ouvert, c'est juste que là il y a des torches qui flottent dans le coin ici. Ok, ça flotte, c'est pas sur des murs. C'est des torches qui flottent dans les airs. C'est comme une magie, genre, c'est du feu magique qui flotte dans les airs. Des boutons bleus, qui bleu, c'est en passant, une belle image bleue, une belle couleur bleue. Mais c'est des torches, c'est des flammes. C'est des flammes, torches qui flottent. Moi qui ai pas un bout de bois. Ouais, il y a un bout de bois qui flotte en tour. Des torches, pis c'est bleu, pis ça flotte, pis ça va. Ben, y'a un bout de bois en dessous des torches. Ouais. Ben, t'sais, y'a le feu, y'a la torche. T'as la torche qui flotte, c'est tout. La torche qui flotte avec du feu. Je suis habitué, moi, à des trucs magiques, fait que je suis comme tout ébloui. Ça fait une belle ambiance bleu-ish, un peu club. Wow. Y'a-tu de la musique? Ok, la musique va marquer. Je pense que je suis dans le même feeling, je fais juste fixer le feu, pis genre, je suis pas capable de danser. Ok. On fait notre maison. Là, vous voyez juste une silhouette au loin, pis la silhouette vous regarde. Puis elle fait comme. Salut! On fait, salut. Elle fait une comme... Allô! On fait la même chose, allô! Moi, je tire l'arbalète. Range ton arc, range ton arc! Ok, lancez votre... Initiative. Initiative. Ok, il faut vraiment... C'est quoi l'initiative? Savoir c'est qui joue en premier. J'ai 9. Ok, fait que... C'est plus initiative modifier, ouais. Fait que 14. Fait que 14, toi, t'as quoi? 15. 9. Ok, fait que c'est encore et Ramin. Moi, je suis une machine. Après ça, c'est... 14, c'est Fern. Après ça, c'est... Comme ça, le blanc. Ok, c'est à toi, Eramine. Ok, moi je sors ma grosse hache de guerre à double tranchant, puis je Non, c'est pas vrai. Je suis un barbare. Tu cours de 30. Ouais, mais normalement, un barbare, ça court plus vite. Moi, je vais faire un. C'est quoi, c'est du re-magic? Non, re-magic, je pensais juste pour un spell, c'est l'estimante que j'ai pris comme ça. Pourquoi t'as pris des spells de merde? Mais ce que je trouve, c'est drôle, là. Faut que je cache mon identité le plus longtemps possible. Je fais pas de sort, mon dieu. Hey, c'est vraiment un barbare. Ok, ben moi j'avance. J'avance 4 comme ça, il va sortir. Il faut essayer de me rattraper après. 1, 2, 3, 4. Puis je me mets en mode defense. Ok. Mais je l'observe. Ah non, mais je me mets en mode defense. Pas vrai. Je fais juste un salut. Salut. Puis il fait salut. Plus qu'il monte, genre son, avec son autre main, il monte quelque chose. Puis il y a une lumière orange ici. C'est le bouton de l'ascenseur. Puis après ça, il leur descend. C'est notre premier vrai combat, je pense. Mais je suis pas sûr, là. Il nous a dit salut, fait qu'il est fin. Fait que. N'importe qui a un cœur, tu sais que. Ah oui, Fern, je le sais, ça. Fern, t'es bon là-dedans, Fern, avance, vas-y tout de suite. Séduis-le. Ok, bon, ça sert pas grand-chose d'avancer. Dénude-toi un peu, là. Calme-toi, toute chose à son temps. Ouais. Je fais un. Est-ce que je peux faire un spot pour voir s'il y a d'autres choses dans la pièce? Mm-hmm. C'est plus 4 que j'ai. 18. Alors, 18. Ce que tu vois derrière la silhouette que tu vois là-bas, c'est comme un genre de. Tu sais, les théâtres de marionnettes. Oui. Tu vois une genre de grosse affaire en arrière de lui avec des rideaux. Okay. Fait qu'on voit pas l'ascenseur. Vous voyez pas l'ascenseur. C'est un genre de truc de rideau. Ouais. Qui est quand même assez gros. Là. Je vais le dessiner sur la. Fait. Fais un dessin. Peut-être que lui est immatériel. Puis genre. Peut-être que c'est un show de théâtre qu'on va assister. Là, il veut qu'on paye. On pourrait passer à côté. Voilà. C'est ce que tu vois. Faudrait y parler. Ça va, c'est pas. Ok, ouais. Il y a le boss de la fin qui est là, qui contrôle lui avec des cordes, puis genre fait « Viens me voir! » Puis là, quand il va se rapprocher, il va sortir, puis il va tout dessus. Tu penses? Comme ça. T'as-tu fini ton tour? Ton tour? Ben, j'ai juste fait un spot. Ok. Ouais, c'est vrai, tu peux bouger encore, c'est vrai, t'as raison. Puis, ben, je vais me placer à côté de mon petit ami Bob. Salut! La figure fait encore salut! Ce tour est-tu court? Je garde mes magies. Hein. Oh, ben, en tant que tel, je sais pas ce que tu as. Detect Magic. Ça pourrait être cool, par exemple. Ouais. Mais c'est juste c'est ça. On est au début de l'étage, on va attendre. Si on est pogné, ça va. Au niveau 4, fait qu'il reste 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est plus magie au niveau 7. Moi, je m'en rends en avant de vous deux. C'est bon. Moi qui ai plus d'armure. Ouais. Ce que je vois, la silhouette est comme. Ouais. Et comme genre, oh my god, pour vrai, faut que vraiment j'attende ça. C'est autour à Eramien. Non, il dit pas ça, mais tu vois qu'il est comme. Il vient de dénouer genre de comme. Oui, il est comme. Bon, j'ai avancé. Puis on lui a dit, je disais salut. Fait que moi, j'ai dit verbalement salut. Est-ce qu'il me fait. Ben, en fait, je fais, hey, salut. Est-ce que c'est vous notre prochaine épreuve? Il fait comme, salut. Ouais, c'est moi. Il parle? Ouais. Ok. Puis il y a la sympathie. Personne. Ben il dit, ah salut, c'est moi! Il peut pas faire une discussion avec, genre, comme. Ben c'est. Je réponds à ce qu'il me dit. Ben là, en fond, est-ce qu'il faut vraiment avancer jusqu'à. Ben est-ce que vous voulez avancer jusqu'à. Ouais, lui? Bon, jusqu'à lui, sans. Est-ce qu'on Allez-y. Veut vraiment. Allez-y. Non, mais on peut le faire, on est pas loin, là, quand même. Ouais, non, mais je sais, mais dans le sens que. C'est... Non, mais on fait des trucs à chaque tour, quand même. Mais... Ouais, ok. Ben, c'est parce que moi, j'aurais avancé, puis en avançant, j'aurais dit, donc, c'est vous notre prochaine épreuve. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'épreuve? Vous allez nous attaquer par surprise ou. Oui, oui, je vais vous attaquer par surprise. Non, vous n'en mais... attendrez pas. C'est moi la prochaine. Vous êtes quand même assez loin. Mais non, mais j'avancerai, mais c'est juste qu'on veut y aller tour par tour. Continue d'avoir une discussion avec, là, il est okay. capable de vous parler. Ok, il fait comme, oui, c'est moi la prochaine épreuve, mais vous êtes vraiment loin. Ok, on va avancer encore. Ok, guys, avancez. J'ai fait mon tour, moi, je peux plus avancer. Ok, fait que c'est à moi. C'était-tu quelque chose de plus? Est-ce que je peux l'inspecter de loin? Ouais, c'est ouais, une ouais, spot. Action. Encore. Fait que 18, 19, 20, 22. Shit! Ce que tu vois, c'est que c'est un homme. Il est comme genre de même. Ben, avec les mains dans le dos, comme ça, pis il est comme. Il a fait salut tantôt. Ouais, pis il fait comme salut, pis là, il est comme. Ah ouais. Je vois rien, genre, il est pas accroché après les cordes. Non, il est pas accroché après les cordes. Tu vois la patente derrière de lui, comme t'as vu tantôt. Il y a rien de plus. C'est juste un homme. C'est un homme. Un gnome. Okay. Ah, c'est peut-être ton petit ami. Il y a un beau petit chapeau pointu comme ça, avec une belle barbe blanche. Ok, mais là, il est grand. Il est pas grand même, dans le fond. Il est un petit peu plus petit que vous autres. Ben, pas toi, là, il est plus grand que toi, mais il est plus petit que vous autres. Ok. On va l'avoir. Il est là, puis il est bien habillé, beau chapeau, tout ça, bien la belle barbe, bien coupé, tout le kit, puis attends. Ah! Ben là, est-ce qu'on est assez proche? Ouais, tu peux y parler encore si tu veux. Ben, hey, on est assez proche ou on faut se rapprocher encore? Rapprochez-vous! Mais là, ok, moi je. De quoi vous avez peur? Je se rapprocherai jusqu'à temps qu'on soit comme en face de lui. Je pense pas qu'il va nous attaquer. Ben non, on vient de savoir si c'est un gnome là parce qu'il l'a inspecté. Ben non, mais on savait ça. Mais on savait pas. Ben, si vous voulez, si vous êtes tous d'accord, vous pouvez avancer jusqu'à lui. Moi, je fais qu'avancer, j'ai rien d'autre à faire. Non, mais tu veux pas qu'on fasse juste avancer puis qu'on... Ouais, on peut. Ouais, on va avancer jusqu'à lui. C'est ça. C'est correct comme ça ou vous voulez que quelqu'un soit au centre? Je sais pas quoi, en tout cas. Bonjour! Salut! Je suis Pippa, Double Block. Je vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes très rare à se rendre jusqu'ici. Ici, c'est le level du... comment on appelle ça? Pour reprendre votre force. Ah, pour vrai? Ouais. C'est juste ça qu'on a à faire? Mais avant, j'ai une énigme pour vous. Ah, shit. Ok, oh, ça va être mes skills, ça. Ça me rappelle une histoire, justement. barbare, c'est pas un petit peu... Si vous réussissez l'énigme, je vous donne le bouton orange pour l'ascenseur et monter au prochain étage. Vous avez plusieurs choix après l'énigme. Je vais vous les donner après. En attendant, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts à savoir les lignes? Ok, mais juste une question. Fait, oui. Si, mettons, on n'arrive pas puis on essaie de te péter à gueule, j'imagine que t'es super fort ou il y a quelqu'un qui va venir nous péter à gueule. Genre. Ok. mais c'est genre, fait que on sait, tu sais quoi? Juste... L'étage ici, c'est l'énigme. Si vous répondez pas à l'énigme, l'étage... ou si vous trichez à l'énigme. On va vous tricher. Ben, si vous me tuez puis vous répondez pas à l'énigme, okay. Le test est fini. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Ah, ça c'est après l'énigme. Ok, fait que. Ça doit être à faire pour nous. Calme-toi la testostérone, là, Bob. Hein? C'est ça qui va nous donner plus d'énergie. Non, on n'a pas perdu point de vue encore. Oh, juste... Oubliez pas qu'il y a plein de caméras et que Bri est en train de regarder. Si vous trichez, elle va vous voir. Mm-hmm. Ok, vous êtes prêts? Oh, j'adore les énigmes. Quel est l'être qui marche sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir? C'est une blague, là. Fait que c'est l'homme. Shit! Non, c'est pas juste! J'en ai une autre! J'en ai une autre! Il y a un livre? Ouais, il y a un livre devant lui, il sort un livre et il est comme. Ah! Oh, fuck, je me suis trompé! Voir que tout le monde connaît cette mauvaise énigme là, vous êtes les troisièmes à me donner! Ah, fait qu'on est pas les seuls à être passés. Non, vous êtes pas les seuls, mais il y en a pas beaucoup qui ont passé jusqu'à moi. Okay. Fait que là, on l'a réussi! Oui, vous avez réussi! Oui, c'est tout! Fait que là, on peut se faire tout soigner puis tout, puis. Non? Ce que vous avez. Il se recule un peu, il ouvre les rideaux. Les femmes. C'est un magasin. Oh! On n'a pas d'argent. Vous avez. Maintenant, vous êtes rendu à la moitié du test. Je vous donne chacun une potion de heal. Fait qu'on se remplit et on l'utilise tout de suite? Non. Vous la gardez sur vous. Parce que moi, j'ai perdu de la vie. Ici, c'est comme un genre de temporel. C'est comme un étage temporel magique. En fait, vous allez tout reprendre vos. C'est comme si vous passez une journée, une soirée ici, 8 heures. Vous allez tous vous soigner. J'en reviens à 10. Ok, fait que c'est potion de guérison. Ouais, ça potion 5. De guérison. Qui donne combien? Qui full on. Full heal. Ok, full heal. Avec 4 points de vie, je capote. T'as juste 4 points de vie? Ouais. Et c'est un magasin aussi. J'ai plein de choses magiques, plein de potions, plein de choses. Oh, c'est plate, vous avez pas d'argent. Ouais, c'est le roi, il nous a tout piqué notre argent. Enfin, je veux dire, il est bien fin. Mais vous avez quelque chose qui vaut vraiment beaucoup. Nos bracelets télépathiques. J'ai deux poissons. Oui, vos bracelets magiques. Ah, il donne nos bracelets, c'est bon avec ça. Pas. Non. On est capable de parler entre nous. Moi, je vais pas donner, c'est souvent des tests d'équipe, fait que je refuse. Ok, tu nous donnerais combien pour ça? Non, en fait, je vous donne pas d'argent, ouais. Je vous donne des choses magiques. C'est alors, j'ai des potions de sleep, j'ai des items de genre de magique, genre des haches, des armes, des épées, j'ai des plein de sortes de potions, healing, nommez-le, je l'ai ici. Moi je dis... On prend le bouton. Mais... Quoi, comment ça, mais? Je veux votre bracelet. Si on prend un item. Si vous prenez une tête supplémentaire. Moi je dis, si vous êtes pour vous débarrasser, moi je me débarrasse pas de mon bracelet. Moi non plus, first. Si quelqu'un est pour se débarrasser de son bracelet, il faut au moins qu'il reste une personne avec le bracelet, puis je suis sûr que plus tard, on va en avoir besoin. Ok, moi mais est-ce qu'il nous a donné le bouton? Ah oh, oui, il vous l'a donné. Okay, donc, je vous donne le bouton, vous pouvez partir après avoir été régénéré. Si on pèse le bouton, les portes s'ouvrent? Oui, les portes s'ouvrent. Oui. Fait qu'on peut le tuer. Je veux dire... Vous pouvez me tuer, mais ce qui arrive, c'est que le test va être annulé. Je sais. Okay. On n'est pas dans un vrai donjon. Ouais, c'est ça. C'est, on est encore un test ici. Hein. Dang. On est dans le il y a des enfants qui nous regardent. Ouais, hein, c'est vraiment on ça. Est à Paris, là. Bon, donc, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous voulez me donner un de vos bracelets? J'ai une question, moi, mais toi, on peut-tu venir te revoir? Y a-tu un moyen plus facile de venir ici que. Je peux-tu passer, là, une fois que la tour qu'on a passé l'épreuve, là, si maintenant, un moment donné, je vais revenir là, un autre jour? Là. Les ascenseurs font juste monter. Donc, ici, c'est la moitié du chemin. Donc. Bon, mais les dragons, ils nous connaissent. La femme chouette, nous connaît. Ce serait pas trop difficile sans revenir. Ouais, mais il n'y a pas de piton pour descendre en bas. Bon, mais on va faire quoi? On va aller au 7e. Ah! Vous allez voir rendu là. Lénine, redescendre! Vous allez voir rendu là, je le sais pas. Ok. Non, sûrement un ascenseur spécial en haut, je me suis pas rendu jusque là. Fait qu'il reste là pour toujours, ça veut dire, c'est un gnome là. Il habite là. C'est vraiment. Depuis sa naissance. Ok. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi, je donne pas mon bracelet, je m'en vais vers l'ascenseur. Il sort la clé, la clé de pour ouvrir les bracelets si jamais vous voulez en donner. Ben, est-ce qu'on peut prendre les clés sans lui donner le bracelet? Qu'est-ce que tu me donnes en échange de la clé? J'ai deux poissons. Il y a un de tes cousins sûrement que tu connais, là, je me souviens plus son nom. Rani de Green. Il est sûrement ton cousin Rani, vous connaissez tout. Là, j'ai fait est-ce que t'es en train d'insinuer qu'on est des co-sanguinages dans notre race? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous êtes tellement comme gentil puis plein de gaieté que clairement vous connaissez tout le monde autour de vous. Désolé, la clé est à moi, je la garde. Je te donne une dague. J'en ai plein dans mon store, j'en ai je peux te changer une dague contre... Y'a quoi? Oui. Pourquoi tu veux l'échanger? Je sais pas qu'est-ce que t'as. Non, mais y'a quelque chose qui te tente? J'ai des couteaux, des épées, et évidemment une dague, ça... T'sais, ça va être la même valeur dans le fond. Mais est-ce que, t'sais, je veux dire, il essaie de nous enlever les bracelets, faudrait que tu nous montres qu'est-ce qu'il pourrait nous tenter. Genre, quel item là-dedans? Moi, je suis un barbare, là. Check Bob, là, bon, c'est j'ai juste. J'ai une épée magique de plus 2 d'attaque. Fait que c'est plus facile de toucher. T'as-tu bâton? Ça fait pas plus de dommages? Non, c'est le même dommage. Moi, j'aime ça les dommages. C'est dommage. T'as pas le bâton du roi, par hasard? Non, j'ai vraiment pas le bâton du roi. Vraiment pas. Tu sais, c'est quoi le bâton du roi? je parle en gnome, là. Tu sais, c'est quoi le bâton du roi? Ah oui, c'est vrai, tu parles en gnome, toi. Ben oui, tout le monde qui sait c'est quoi le bâton du roi. Ben, en tout cas, tous les gens qui travaillent pour le roi savent c'est quoi le bâton du roi. Tout le monde sait c'est quoi? Ben, toute la cour du bâton du roi, le sait. Le bâton du roi le savent c'est quoi le bâton du roi. Ils savent ça, puis là, ils savent pas où est-ce qu'il est. Non. Bon, un peu... Hey, oh, ok. Ok. Ok, bon, t'as-tu quoi pour un prêtre? Un apprenti qui... cherche de la magie. J'ai des armes de prêtre, j'ai une Bible. Ah, une Bible? Qu'est-ce que je fasse avec ça? Je suis déjà bien équipé. Un roublard, t'as dit de quoi? Un roublard, j'ai des dagues, j'ai des chives. Ah, je sais. Des quoi? Des chives. C'est des petits couteaux pour attraper de derrière. J'ai attrapé les derrière. Stabé les derrière, c'était mieux. J'ai une cape magique d'invisibilité. Ouais. J'ai plein d'items magiques. Ça appartenait à qui ce cape-là? Je sais pas, moi, Harry Potter. Est-ce que je peux. Tu disais qu'on peut s'échanger des choses de même valeur, mais est-ce que je peux t'échanger deux poissons contre une chose qui pourrira pas dans mon sac? Ouais. Les options que tu veux? Ouais. J'ai des dagues. Fait que je peux t'échanger deux poissons pour une dague. Puis, ou des flèches, si tu veux. Des flèches. Ok. Je te donne 5 flèches. Puis je prends tes poissons. Puis j'ai un ami magicien. J'ai un grimoire de magie de 0-1. Fait que t'aurais un spell de plus. Comment 0. Tu m'as dit que j'avais de flèches qui me donnait? Je sais pas. J'ai pas compris. Fait que je pourrais utiliser Je te donne 5 flèches. Ouais, mais je les ai toutes, les spells de niveau 0. Quand tu commences ta journée, t'en aurais un de plus. Ah ouais. Hey, 0. Ouh. T'en as pas genre des spells niveau 1? Non, pas encore. Ah, c'est plate. De toute façon, qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Ben, c'est ça, mais je vois que ce que je pourrais te donner en échange, ça vaut pas de la merde. Fait que, je veux dire que de toute façon, ce que tu me donnes, ça vaut pas grand-chose. Fait que, tu sais, la Bible, moi, me servirait à quoi? Ben, ça serait la même chose pour que... Ça me donnerait une magie plus. Ouais, une magie plus par chose. Niveau 0. Niveau 0. Est-ce que je peux faire un spot sur sa caravane? Si tu veux. Fait que j'ai un bracelet. Ouais, fais donc un volet. Ben, en fait, c'est comme un... C'est comme une caravane magique dans le fond. Quand tu ouvres les rideaux comme ça, pis ça a l'air vraiment gigantesque à l'intérieur. Mais quand tu tournes la base. Ouais, c'est vraiment minuscule. Mais il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Il y a des armes, il y a des vêtements, des armures, des magies, des sleeping potions, des healing potions, des poison potions. T'as pas quelque chose qui peut nous faire monter directement au 7e étage? Et... Non, c'est un peu triché ça, désolé. C'est pas triché, bon. C'est bargaining. Je te donne la chouette, tu me donnes quoi en échange? Oh my, je te donne... je peux te donner un chien d'attaque ou je peux te... Il y a ça en arrière. Ah ouais! Un chien, il va juste... Ou je peux te donner... un bébé dragon. Un grimoire pour les level 1. Ouh! Un level 1 plus par ça fait quoi avec ma chouette? C'est à moi, je vais ce que je veux avec. Ouais, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas t'en manger. Ta chouette, elle te regarde, fait comme... What? Genre. Ok. Est-ce que t'as de l'information sur les prochains étages? Fais un diplomatie. Bonne affaire, Fern. Je vais t'appeler dans le sens du poil. J'ai plus 7. Shit! T'es le plus diplomate. J'ai 14. T'as 6 plus 7? Tu l'as pas. Excusez-moi. Non, désolé. T'es bon toi en diplomatie. Ouais, je suis bon aussi en diplomatie. Je peux pas vous aider pour les prochains. Moi, je suis pas bon. Je vous aime bien, là, mais je peux pas. Désolé, je suis payé pour être ici. Puis, genre... Ben écoute, puis moi, je suis sûr que t'as de l'information. Là. Oh! 20! Shit! C'est moi le plus diplomate. Ok. Ok, là, faut que je décide de qu'est-ce que je veux te dire. Tu dis tout, là. D'une, tu sais répondre. C'est le 6e, ça, parce que c'est le 6e après. Non, il y a un bouton magique d'ascenseur qui fait monter jusqu'en haut. Ouais, ben ça, vous le savez, il y a un bouton d'ascenseur à monter jusqu'en haut. What? Ben c'est pas ça son indice. Mais pas jusqu'en haut, juste pour le prochain étage. Okay. Non, c'est pas ça l'indice. J'espère, parce que. Ce que je dis, c'est que. C'est un indice pour le 5e. Pour le 5e, il va y avoir 3 gargouilles. Nice. Faites attention à vos mouvements. Oh, on va jouer à la statue. Ils vont faire mon mist, ils nous verront pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ok. Je savais que t'avais plus d'informations. Ben yo. T'es fin. Ok, merci. Merci. Je dis ça en nom, mais t'es fin, man. T'es fin. Merci. C'est bien que tu connaisses notre langue. Je trouve ça vraiment impressionnant. Écoute, j'ai travaillé avec des gnomes, puis c'est ça. Ils étaient pas tout aussi fins que toi. Oh. Toi, t'es un particulier, là. Tu sais. Donc, je vois que vos collègues s'en vont. Ouais, mais c'est ça. Ils savent pas tout aussi bien vivre que moi, mais merci. Hein. Ça me rappelle justement une histoire. C'est lui qui se cache pendant qu'il commence à faire. Donc, j'en conclue que vous voulez pas me. Mais c'est très gentil de votre part. On va y penser. Peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être se recroiser. On sait pas. Hein. Okay. Personne qui m'enlève mon bracelet de l'amour. Si jamais vous rencontrez des gens qui cherchent des choses. Vous dites mon nom, PayPal Double Block. Attends. Mais dis-moi. PayPal. PayPal. Genre P apostrophe P A. Double Block. Double Block. PayPal ben, Double Block. Mais justement, les affaires, ça doit pas trop marcher si bien. Non, mais il y a des gens qui réussissent à rentrer des systèmes à l'intérieur. Je sais pas comment ils font, mais techniquement, tout le monde ici devrait arriver avec rien. Mais il y en a qui trichent. Qui amènent des choses, fait que j'échange. Ouais. Il y en a beaucoup qui vendent leurs bracelets pour une raison que j'ignore. Oh. Fait que, puis, pour vous, c'est une bonne affaire. Pour vous, c'est une bonne affaire. Pour moi, c'est une très bonne affaire. Ah. Pour les gens, je sais pas à quel point ça les aide à aller au level 6. Ah, qu'est-ce qu'il y a au level 6? Bye! Ah, les ascenseurs à la ferme. On va effacer le magasin. Là, vous arrivez ici. Et là, t'as pris tes points de vie. Ouais. Ouais. Tout le monde reprend ses points de vie. C'est sûr. Yeah, je reste à 5. Vous prenez vos magies aussi. Ah, là, j'ai autant de points de vie. Avoir su, je l'aurais utilisé. Non, c'est fini, ça, le monde. Je n'avais pas utilisé une. Ils savent pas encore que je suis un barbare. Fait que là, on est level 5. Ouais, level 5, je vais juste retrouver. On gagne des points de vie. Il y a 3 gargouilles, il faut faire attention à nos mouvements. Là, ce que je vais prendre, c'est je vais prendre ces 3-là pour les gargouilles. C'est vrai, il y a des gargouilles. Fait que là, il faut faire attention à nos mouvements. Ok. Les gargouilles, c'est fort. Ça va péter à la gueule. Ils sont direct devant de même. Ouais. Ok. On se sent pas du tout intimidé. Vous arrivez dans la salle, les portes s'ouvrent devant vous. C'est très éclairé, il y a quand même beaucoup de lumière. Il y a aucun. Le plancher est très aussi large que les autres planchers. Vous voyez tout. Ce que vous voyez en avant de vous, c'est 3 gargouilles qui sont à peu près la même grandeur que vous. Il bouge pas. Il y a une gargouille qui a des ailes, qui est en face de Miguel, une gargouille qui a des grandes griffes en face de Michael, et une gargouille avec une... Excuse-moi, il faudrait que je dise vos noms. Des ailes en face de Etsuko, une gargouille avec des grandes griffes en face de Fern, et une gargouille avec une très longue langue en face de Ali. Fais-moi, j'ai les coutons devant moi. Genre. OK. C'est ça. Fait que là, ils sont là, puis ils vous regardent, puis ils bougent pas. Ils sont comme en statue, comme... De même, avec la langue ou avec les ailes ou avec l'autre, c'est quoi, c'est les griffes. Donc, c'est ça, lancez votre D20. 9, 10. Ok, fait que c'est Fern en premier, après ça. Waouh! Vous êtes pas jamais. Okay. C'est après ça, c'est. J'étais très bon en diplomatie. Etsuko. C'est vrai. Moi j'ai 6. Après ça, c'est Eramine. Puis après ça, c'est les gargouilles. On lance. Et il faut faire attention à nos mouvements. Ouais. Mais attendez, guys. On n'a pas un moyen de marcher sans faire de bruit. Moi je bouge pas. Ben moi j'ai des trucs pour bouger. C'est toi qui commence à passer. Ah, mais c'est une voix, je pense. Je sais pas. C'est très clair. Il n'y a aucun. Je peux-tu faire genre un knowledge. Oui, si tu veux. Knowledge, je sais pas quoi là. Ouais. Pour connaître plus la gargouille, qu'est-ce que je commence. Ouais, c'est Fern qui commence. Vas-y. Mais c'est. Ton knowledge, c'était. C'est ça, je me demande, c'est un knowledge. Moi, j'ai juste le calme, j'ai pas mis là. Non, ça serait peut-être. C'est peut-être donjon, encore une fois, juste une gargouille, c'est cool. Allez voir. Allez voir les knowledge, c'est cool. On sait jamais. En ce moment, les gargouilles sont toutes grises, ils sont toutes pareilles, c'est juste qu'ils ont des éléments de physique qui est un peu différents les uns des autres. Okay. Ben, c'est à mon tour, je dois faire un spot, parce que je n'ose pas bouger. Ok. 10. Tu vois absolument ce que je viens de te dire. C'est le plancher, il est vide, puis tu vois 3 gargouilles qui vous regardent. J'ai un bon knowledge, j'en donne. Fait que tu fais, rien? Non, je reste là, j'attends de voir si peut-être Bob il y a des informations supplémentaires. Bob? C'est moi ça. C'est Ramin, c'est pas Bob, ok? C'est autour à Etsuko. C'est quoi le sense motive? C'est, mettons... Quelqu'un te ment, t'essaies de savoir ouais, si... Ouais, c'est ça, ou si quelqu'un il te fait un, genre un clin d'œil, genre « Hey, je vais faire ça! » C'est quoi ça, son but en arrière, ouais. C'est quoi? Ok, ok. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant qui pourrait me donner des infos, là? Parce que je connais pas, mettons, les scènes, non... Spot, tu vois, on voit tout dans la salle, fait que j'ai rien à spotter. Non. Est-ce que je peux mettre ça pour architecte? Il n'y a pas un truc qui permet de marcher ou... Je vais checker c'est quoi les gargouilles, c'est quel genre de... Tu sais quel genre de création les gargouilles? Gather information. Ça donne pas grand-chose. Non, pas trop, c'est pas mal. C'est quel type de knowledge qu'il faut? De knowledge? C'est ça, j'essaie de voir. Hein. J'en ai des points dans le lac knowledge. Au niveau de plein. Fkangorl, c'est un monstre. Ok. Qu'est-ce qui ferait que c'est un monstre humanoïde? Dungeonery? Mais je sais pas, à moins que notre DM prend en considération que j'ai quand même. C'est pour être nature, mais j'ai quand même beaucoup de points en local, d'historie, géographie, dungeon. Mais qu'est-ce que t'essaies de savoir? Savoir c'est quoi qu'est-ce que ça fait? Ben ouais, c'est quoi une gargouille? Quoi qui se mettrait la puce à l'oreille dans mes connaissances, dans ce que j'ai lu? Vas-y. Ben je sais pas. C'est à moi, c'est à moi. Ouais. C'est à toi. Ben, tu peux essayer, hein, tu peux essayer, dans le fond, faire un jet. Puis... J'ai rien. Ok, ben je fais un knowledge. C'est quoi, c'est nature? Nature, ouais. 14. T'as rien de plus par-dessus? J'ai rien de plus. J'ai ok, ben ce que tu sais, c'est que ça a beaucoup de points de vie. Shit. Ça voit dans le noir. Mais Bob, il va nous sauver. Mais il fait clair. Il fait clair. Bon. Fait qu'il voit pas. Fait qu'il... Est-ce qu'il voit dans le clair aussi? Il voit, hein? Est-ce qu'il voit dans le clair, dans le jaune? Ouais, il voit dans le jaune. Fait qu'il... Est-ce qu'il... Il voit à 60 pieds dans le dark vision, dans le noir, quand il fait... Puis quand il fait jour, il voit partout. Ouais, c'est la même chose. Fait qu'il faudrait faire du noir. Ce que tu vois, c'est que les gargouilles, quand ils sont comme ça, ils bougent pas, c'est que tu peux pas les différencier par rapport à des vrais gargouilles sur des églises ou sur des châteaux, des parfums. Ouais. Fait qu'on les voit comme des statues, ouais. En ce moment. Ouais. On s'entend qu'il faut se méfier des gargouilles. Et la source de la lumière, elle vient d'où? Pourquoi il fait clair? Ah, oh, il y a plein de lumière sur les murs, partout ici. Puis en haut, il y a comme un gros globe de lumière qui allume toute la salle au complet. C'est genre de globe tu pèses dessus, puis après ça se... Ouais, c'est un gros géant, un gros globe géant que tu pèses dessus, puis que ça allume. Ouais, nice. Je veux pas couper ta tête, mais est-ce qu'on voit quelque chose en rapport avec le... Oui, tu vois les portes de l'ascenseur, l'autre bord. Est-ce qu'il y a un bouton? Non, il n'y a pas de bouton. Dang! Il n'y a pas de bouton, fait que ça, dans les gargouilles. Mais là, ils sont comme en statue. Ouais. Qui bouge un peu. Tu peux faire un move silently. Ah, t'as ça, toi? Non. Non, mais il peut essayer. Mais je peux essayer. Clairement, moi, je peux le faire. Mais je peux essayer parce que. Ok, je vais te laisser le faire. Parce que moi, j'ai comme moins 4 là. Fait que là, t'arrêtes. Tu fais rien. Je vais essayer d'avancer de 1. Ok. Non, mais je prends rien. Non, mais pour un move silently. Ça me prend quoi pour bouger? J'ai 17 moins 4. Ça fait 13. Avance. Je pense que ça va peut-être ton jeu. Ah, ah, ils font les mêmes mouvements que nous on fait. Penses? Oui, je suis convaincu. Je pensais que c'était la pile. Ok. C'est à moi? Non. Ils ramènent, ouais. Ouais, je pense que je sais quoi faire. Eux, ils ont pas un mot, faire eux autres. C'est les derniers qui jouent, eux. C'est ça? Là, tu crois jouer, sur toi, ils ramènent? Faut faire en sorte qu'ils se rentrent dedans. Ok, depuis le début. Mais non, attends un peu, c'était moi. C'est après toi, c'était... Tsuko, vas-y, c'est grave. Tout ce temps-là, c'était juste Miguel. Ok, ben moi, je vais essayer de savoir si j'ai plus de connaissances. C'est pas moi. Pour nous aider. Ok. Je serais 16. T'as fait quoi? 4, 13. Mais t'as pas plus de choses que Miguel. C'est la même chose. Ok. C'est correct. Faut faire en sorte que. Non, peux-tu faire en sorte qu'il se rentre dedans? Ben, il faudrait que nous, on se rentre dedans. Ouais, je sais. Mais je vais juste. Oh, moi, ça me dérange pas. Ah, ok, fait que moi, je vais faire ça en arrière de lui, voir si elle fait la même chose. Oh. Mais c'est automatique, c'est même pas leur tour. Fern est tout émoustillé. Okay. Puis. Ça va être son étage. Je vais dire à ma chouette, fais juste ça de même, genre jusqu'ici. Ok. Si tu veux aller ouais, même petit jeton, pour voir. Plout. Fait que là, ils vont faire quoi, là? Parce que si on est 4. Je pense à rien. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, un des trois qui a le bouton, puis. Hey, il allait me dire de quoi? Dire de quoi, mais je vais pas t'aider. C'est à toi, Fern. C'est les gargouilles. Les gargouilles font rien. C'est autour à Fern. Là, ça veut dire que si on continue à avancer, ils vont avancer vers nous. Ouais. Fern, bouge vite. Cours! Cours, Fern, cours! J'utilise Move Silent Key. Ok. Je pense pas que ça va changer. Parce qu'il nous voit. Il y a de la lumière partout. Ouais. Fait que, mais oui, tu peux essayer, mais. Je pense que je vais faire mon mist au prochain tour. C'est combien t'as dit? 40. Ok, est-ce que je peux donner des ordres à tout le monde? Ben oui. Est-ce qu'on. Tu sais, lui, il a bougé devant l'autre. Non? Est-ce qu'on voit si les gargouilles mimiquent exactement nos mouvements? Non, ils sont dans leur position de gargouille. Puis quand il bouge, il glisse. Ok, ça fait que c'est comme. C'est vraiment comme il y a aussi un socle. Ouais, il y a un socle. Puis est-ce qu'on voit s'il y en a un des trois par hasard qui aurait quelque chose qui cling-cling dans leur main? Comme un bouton? Ouais. Ben fais ton spa. Fais ton spa. Ben là! J'ai les yeux ouverts là, pourtant, t'as besoin de faire de ça. Check l'air. 15, 19. Ce que tu vois, c'est que dans le rouge, c'est-à-dire celui qui est en face de Alex, c'est qu'il y a comme un. Ben il est là. Ouais, ouais ben je veux dire, c'est celui qui imite Alex. Tu vois qu'il y a une petite lumière orange dans son dos. Ah, fait qu'il faut se tourner pis que. Ah! Moi je me rends par exemple. Son, il va de dos. Ouais. Ben, ah, c'est bonne idée ça. Ok, ben je vais faire le test. Je vais avancer de 3 de dos. Genre, j'essaie de pas m'en faire jouer. 2, 3. Ah, faut que je fasse ça avec la tienne. Ben, c'est là. Ok. C'est pas bon. Toi. Ça me va. Oui, c'est ça. Ça me va. Et tout, go. Mais non, hey, c'est ma chouette. Ah, ou excusez. Hey, tu fais attention. C'est le clone qui fait le nettoyage. Ah, mais je pourrais peut-être demander. Hey, je sais pas, j'ai peur que. Ben, moi, c'est le noir qui m'émite. Ouais. 1, 2, 3. Je me vire de bord. 1, 2, 3. Le champ est libre. Elle avance de 4, mais elle va te rentrer dedans si t'avances de 4. J'ai peur, ouais. Ça décide de m'attaquer. Mais s'il avance de 2, ils m'attaqueront pas de 4. Ouais, c'est. Ouais, si t'avances de 4, c'est sûr. Ok, mais je vais faire. Ouais, mais c'était dos à elle. J'avance ici dos. Fait que là, elle va se retourner, je présume. Attends, puis moi, je vais aller chercher le bouton. T'as chouette? Ouais, mais tu vas avancer, il va t'avancer, tu vas rentrer dedans. C'est ça, je pense, ma chouette. C'est instantané. Mais j'ai comme peur. Ben, il joue à peu près en même temps. Mais là, est-ce que je peux. Tu sais, je suis capable de regarder, voir le bouton, là, il a-tu l'air d'être bien accroché? Il est accroché dans le milieu de son dos. Comment? C'est une petite affaire carrée avec le bouton orange qui est direct dans son dos. On n'a pas quelque chose qu'on peut aller chercher à distance. On peut juste. Dessus, puis vu que c'est Bluetooth. Ah ouais, c'est ouais, lance une dash. Je pense que c'est une dash. On pitch quelque chose dessus. Tu vas la lancer derrière nous-mêmes. Si ouais, tu fais non, ça, je te ça. Mets un négatif. Ok, mais regarde, je reste de dos, guys. Essayez. Je sais pas si on peut lancer un caillou de même, mais là, moi, je suis de dos parce que je suis pas idéal. C'est juste lancer un caillou, là. Tu au pire, on va recevoir une pierre. Et là, c'est moi qui va recevoir la pierre. Tabarnak! Parce qu'ils vont faire. Il est bon, lui, c'est un roublard, là. Il va pouvoir faire quelque chose. Ou je peux demander. Ok, on... hey, j'ai peur qu'il m'attaque, qu'il attaque ma chouette. Oui, vas-y. J'ai peur que ma chouette. Mais il y a deux, il n'y a pas. Ok, moi, essayé. On va voir ma chouette. Elle avance-tu? Elle a-tu un certain feed pour avancer, non? Ben, quand elle vole. C'est pas 40. J'ai dit 40. Fait que c'est 40, en vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle essaye de quoi? Genre. Là, elle atterrit sur son dos. Puis elle a ses pattes autour du bouton. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le prends et tu l'amènes. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Bluetooth. Pèse dessus. Les gargouilles bougent pas pour l'instant. Ah non, elle veut juste peser. Elle pèse, les portes de l'ascenseur s'ouvrent là-bas. Excellent. Puis là, ils se referment après parce qu'il y a personne qui rentre. Oh. Il a fallu que tu prennes la manette. Oh, mais ok, là, on essaie de quoi là? Fait qu'on bouge tout pas puis ça revient à Alex. Les gargouilles bougent pas, c'est autour à Fern. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'attends qu'Alex prenne le bouton avec sa chouette. Il peut partir avec. Mais, parce que là, mettons, lui il copie mon move. Fait que techniquement, si je le dépasse, il devrait comme s'en aller par là, ce qui fait pas de sens. Non, tu peux pas passer par dessus. Il copie mes miroirs, fait qu'il est pas. Ok, fait qu'il bouge comme techniquement en même temps. Attends, j'ai compris. Tu peux pas. On voit tout dans la pièce, fait que ça servait à rien de faire un spot. Non. Genre, y a pas des trous, puis on pourrait bouger, puis il tombe dans le trou. C'est une bonne idée, mais. Ça aurait pu, moi. J'essaie de voir dans Zelda, il y a des boss comme ça, pis c'est la seule manière de les tuer, c'est que tes fasses bouger dans. J'ai-tu quelque chose de spécial, je peux faire. Je peux utiliser une petite. On est tous doigts à dos. Mais si je fais mon fog, ils nous verront pas. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est magique. Je pense pas qu'ils ont besoin de nous voir parce que clairement, son dos, il continue à bouger. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut se rendre jusque là-bas, pis eux autres sont là. Je suis relativement grand. Est-ce que je peux prendre Bob sous mes épaules? Ben oui. Ouais. Moi, je vais me laisser faire. C'est quoi ton plan? Ouais. je vais voir qu'est-ce qu'eux, ils vont faire, parce qu'on va se ramasser sur une case dans les deux ensemble. Ah, c'est bon. Ouais, puis moi, je suis assez léger. Vas-y. On y va? Ton strength. Tu prends un strength? Un strength. Ouais, mais là, mais tu lui donnes plus, parce que là, moi, je m'aide, dans le sens que je laisse pas faire tout seul. Il y a plus deux. Moi, faut que je fasse un jet de climb. Non. Fait que je fais quoi? Il prend. Faut que t'aies 12. J'ai 9. Puis là, je l'aide. 9 moins 1. J'ai 8. Tu l'échappes, t'échappes et ramines à terre. Un petit aïeul. Ouais. Ben, tu, en fait, ça fait pas vraiment mal. Ok, c'est comme wow. Ben, sinon, je pourrais essayer avec. Eux autres, font quoi? Ok, ben, je vois. Ben, en fait, lui, il s'en allait monter sur la fin, mais là, quand il a vu que l'autre. Parce que là, il a vraiment bougé. Genre, il a sauté avec ses ailes, puis après ça, finalement, il est retombé ici. Là, tu fais. Ouais, il fait. Puis il reprend sa position. Okay, oh, il est vraiment ouais, il a vraiment essayé de sauter sur l'autre, puis là quand il a vu qu'Alex est tombé, ben Eramine est tombé, il a volé. Si j'essaie avec toi, t'es plus fort là. T'essayes de prendre, ça n'a pas marché, fait que c'est à moi. Ouais. Je sais pas s'il y avait encore d'autres choses qu'il pouvait faire. Je pourrais bouger, mais j'ai peur de que. Est-ce que je peux avancer d'une demi-case? Non, tu peux pas avancer d'une demi-case. Parce que. T'es pas obligé de faire de quoi non plus. Non, je sais, mais je veux dire, j'ai tellement de skills que je peux pas croire que je peux pas rien faire. Ben. Ça se peut, des fois, je veux dire. Fait, déguise-toi. Sure. Est-ce que je peux. Intimide-les. Je pense pas que ça va marcher. C'est sûr qu'ils ont l'air stock-up pas mal. Oui, on va rentrer dedans. Ou essaie de sauter par-dessus, mais il est capable de voler, de voir faire. Va dessus, vous allez faire juste un face-à-face dans les airs. Ouais, c'est ça. Je me revire de bord. Ok. Il se revire, j'imagine. Ouais, il se retourne aussi. Puis je me mets à danser. Lui, il est en position, fait. Je me mets à genoux. Il reste là. Je saute dans les airs. Il reste là. J'ai sauté dans les airs, puis il reste là. Ouais. Dans les airs? Je pense que ça dépend de la gargouille, non? Parce que les gargouilles, ils sortent pas. Un peu, ouais. Pas toutes. Lui, c'est quoi celle-là? C'est les griffes? Ou c'est les ailes? Ah, moi, c'est moi les ailes. Ah, c'est... Fait qu'ils ont pas toutes des ailes. Non, il y a juste, c'est juste le mien qui a des ailes, c'est noir. Fait qu'il y en a juste un qui vole. Mm-hmm. Fait qui vole? En tout cas, une certaine personne n'est pas là. Ah, peut-être que ça fait quelque chose s'ils se regardent entre eux aussi. C'est Miguel, c'est Etsuko qui a les ailes, les griffes c'est Michael, ouais. Sperm, puis à la langue c'est Alex. Ok, fait que là j'ai sauté dans les ailes là même, ça fait absolument rien. Non. J'ai sauté genre là. Ouais, ouais. Pareil. Ouais, okay. Tu peux sauter par-dessus, toi, ça veut dire. Puis là, ben je me retourne vers Bob. Ok. Salut. Allô. La gargouille se tourne vers la gargouille. Ah! Je prends-tu le risque de rentrer dedans? Ben, c'est toi qui as plus de points de vie. Vous venez de vous régénérer, là. Mais vous avez des healing potions. Ouais. Ben, j'essaie de prendre. Ouais. Okay. Ouais. Ok. Est-ce qu'il faut que je lance un dé de strength? Ouais. Yeah. Je t'échappe aussi. Tu l'échappes à terre encore. Pauvre Bob. Elle fait comme. Oh, non. Elle retombe là, même place. C'est le rouge qui a des ailes, c'est ça? Non. Non. Fait qu'il a sauté et il est revenu. Fait que dans les airs, il est en diagonale puis il est revenu dans les airs. Ben en fait, c'est parce qu'il y a tout le temps un mini décalage dans ce que vous faites. Genre comme une seconde, il a vu qu'il est tombé à terre, fait qu'il est retombé à terre. On pourrait partir. Il a comme juste sauté un peu sur place. Fait que c'est un peu plus rapide. Ok, fait que c'est à moi? Ouais. Moi, c'est qui le plus grand des deux là? C'est lui. C'est toi? Moi, je vais passer entre tes jambes. Mais genre juste comme rouler prends ton temps. Fait que faut que tu fasses de quoi vu qu'il me laisse passer. Oh ouais, tu fais ça. Fait que je passe entre ses jambes, mettons que je m'en vais jusqu'ici là, je pourrais dire là. Ok, fait que là pendant que tu fais ma chouette à 100 fois avant. Ben t'as-tu pris le bouton là? J'ai pas pris le bouton parce que j'ai essayé ça avant. Fait que là il passe puis l'autre saute pour laisser passer l'autre puis là ça marchera pas. Là, je reste. Alors, je suis pas obligé de me tourner. Peut-être là-bas. Non, je vais regarder par là. Ok. J'ai vraiment le goût de partir. Non, mais tu regardes là-bas. Ouais, c'est ça, il regarde par là. Ok, puis là, ma chouette. Ben, elle vole. Mm-hmm. On essaie de s'attaquer, ça passe là. Non. 2, 3, 4. Puis là, elle essaie de pogner le bouton. C'est pap. Elle arrive, c'est pap, pogne le bouton, puis elle peut s'envoler avec. Wouhou! Ouais, mais il faut se rendre à la porte. Mais on a le bouton, guys. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais va-t'en, elle a décollé. Non, mais je pense qu'elle va arrêter là de toute façon. Là. Ouais, je pense que quand tu fais l'action, tu peux bouger après. Ok, là, c'est aux gargouilles. Puis eux autres font rien. Les gargouilles font rien. C'est on se rend bien, je pense. Fait que, faire une bougette. Il move rapidly. Putain, là, mais la langue, les griffes. Escape artist. Ouais, je suis un escape. Hey, donne-nous donc un poisson à celle qui a la langue sortie. J'ai donné deux poissons contre 5 fucking flèches. Ah, je te dis, non, genre, je parle. Mais il est en train de se puer dans les poches. Okay. Je vais trouver quelque chose. Mais là, on essaie-tu encore de mettre pas. Mais ça va sûrement pas faire grand chose. J'ai un skill qui est marqué Use Rope, mais j'imagine qu'il faudrait que j'aille une rope sûrement. Ouais. Mettre une jambe. Indiana Jones. Essaie de sauter par-dessus. Mais non, mais elle va sauter en même temps. Puis... Mais... Non, il a dit qu'il y a une seconde de décalage. À peu près. Ouais. J'ai vraiment le goût de faire comme qu'est-ce que tu me proposais tantôt. C'est quoi? Là, il est quand même loin de moi, fait que même si je fais ce que je pense. C'est quoi je proposais? Faire aller marcher sur le mur. Ouais. Ok. Je peux un peu voir. Tu peux-tu monter ses mains? Non, mais c'est juste faire. C'est quoi comme. Il est agile, là. Ok, garde. T'as qu'à perdre du temps, là. J'ai quelque chose là-dessus? J'ai balance, bluff, climb. Diplomatie. Je marche vers le mur. Je cours sur le mur. Tu cours sur le mur? Ouais. Ok. Ok. Il y a pas de mur. Vas-y. Ouais, c'est ça. Je cours sur le mur. Il court pendant 3 minutes. Tu fais quoi? Imagine que je suis dans un jeu vidéo, là, okay. Pis une statue qui fait de la même affaire que moi. Là. C'est comme si je t'en courais sur le mur, fait que je continuais à avancer. Mais au lieu d'avancer, mais je cours sur un mur, sur l'axe de X, Y, là je cours sur Z. Ok. Puis là, l'autre bonhomme il est censé continuer en sens inverse, pour aller plus loin encore. Après ça, je saute, puis j'ai rien, il me cause plus loin. Fait que là, je fais comme toc toc toc, puis là, genre. Toc toc toc. Tu me niaises. Mais t'es bon? Moi, je fais comme. Dans un jeu vidéo, ça fonctionne! C'est au tour à Etsuko. Man, c'est habile. Quatre de temps total. On peut-tu faire comme si je termine une autre pire, là? Okay. Tu vas le faire ton tour. C'était une bonne idée. Ça dépend du designer du jeu. Qu'est-ce que je fais? Le pire, là. On leur a pas parlé. Rien. De parler. Non, on a rien fait. Eh hey, ouais. Non mais on leur a pas parlé. On pourrait leur parler. Ça te fait une diplomatie. Mais non, on sait pas. On leur a pas parlé. Ils ont pas dit un mot. Peut-être que si on parlait, peut-être que le gars en rouge avec la langue capable de parler. Faut que je fasse quoi pour. Tu parles. Tu dis salut. Salut. Réponds pas. En fait, chien. Vous êtes quoi? Pourquoi vous nous imitez? Réponds pas. T'es pas miroir. C'est pas miroir. T'as perdu 3 tours. Là. Oh, ben écoute, je vais peut-être rentrer dedans. Hein? Là, tu t'essayes, là? Ou tu peux? Comme, cours. Je suis lourd, j'ai un armure. Ben, celui qui vole, qu'est-ce qui pourrait faire chier? Mais on peut pas se battre contre ça, on va se faire ramasser. Je peux pitcher une flèche, voir comment il réagit. Hein? Il pitcher une flèche, voir comment il réagit. Lui, pitcher une flèche, à lui? Ouais. Celui qui vole. Ben oui. Ben là, il est à terre en ce moment. Là. Ben, il y a des ailes. Mais il y a des ailes. Il vole dessus? Non, c'est pas, hein. Non, il vole pas. Peut-être celui-là avec des ailes. Mais... Et un qui a des griffes, un qui a une langue, puis un qui a des. C'est lui qui a des griffes. Moi, c'est la langue. Je pense que j'essaie de le frencher. Hey, Bob, je pense que tu sors de ton personnage un peu. C'est moi qui ai ces ailes. Celui qui a les griffes, c'est le bleu. Ouais. Fait que j'avance vers Fern. Fait que lui s'en vient ici. Mm-hmm. Puis lui, il regarde comme ça, s'il est vraiment dans le truc. Puis je fais comme si eux, ils se rentrent dedans aussi. Celui avec les griffes, puis celui des ailes. Fait que je rentre dans Fern. Les autres rentrent dedans aussi, puis. Y'a rien qui se passe. Non. C'est donc bien plate. Ouais, mais son j'ai, temps. J'ai aimé ce que t'as essayé, mais ça s'est bien. C'est tour à Eramine? C'est tout. Ouais. À moi? Ouais. Bon, ma chouette. Eramine. Elle parle là. Veux-tu? Veux-tu quoi? Je me fais-tu bouffer? Non, non. Sauf que. Ah, vois-tu quoi? Je fais. Tu fais un. Ça sert à rien. Fais un dungeoning, quelque chose. Un knowledge? Ouais, knowledge dungeon. Il y a quelque chose à apprendre. Plus 8, 20. C'est ça? Ouais, ok. Mais pourquoi tu as demandé de faire ça? Parce que je trouve compliqué la vie pour rien. J'en tant que tel, mon personnage a des connaissances, mais je veux dire, j'ai pas les mêmes connaissances. On l'a fait tantôt. Mais j'ai pas eu bon, quoi de bon. Là, vous savez que la chouette, elle a pesé sur le piton. Ouais. Mais on est dans les donjons, c'est pas elle qui participe aux donjons, c'est vous autres. Ah! Oh! Hey, reviens ici, grosse conne! Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que si nous, on pèse, je gâche, ça va être désactivé, qu'on va... Vous pouvez passer au niveau suivant. Bravo, vous avez réussi l'épreuve. C'est nous, il faut qu'il pèse le bouton, pas la souhaite. La souhaite. Ouais, c'est, je dis, mais... ça nous l'apporte là-bas, faut juste qu'on se rende là-bas. Puis... Non, non, mais attends, oui, c'est nous. La porte à mais nous, puis on en même temps, tu sais, la chouette est comme une quasiment partie de moi. Mais c'est vrai. C'est bien essayé. Non, mais c'est vrai. Je okay, sais, fait, mais non. Non, mais. Ok, fait que t'es en train de me dire que si c'est nous qui pèsons sur le piton, ça va fonctionner. Arrêter de bouger. Ouais. Peut-être pas, fait mais là, ça va faire quelque chose. Fait que là, je peux-tu dire. Ah, je suis. Ah, pardon, t'as prochain. Point, t'as fini ton tour. Ah, c'est chouette, c'est au gars. Gargouilles font rien. Ah, non, attends, moi, j'ai rien fait encore. Ah, c'est vrai. Là, les gargouilles font rien. Ah, moi, j'en fais rien jusqu'à temps que t'as chouette. Attends, ah, non, non. Attends. Moi, j'avance, là, mais tu sais, comme juste, tu sais, dans le sens que j'avance, tu sais, je rentre pas dans. Je vais tranquillement jusqu'à temps, tu sais, qu'on soit comme collé. C'est clair que je meurs, guys. Non, mais je ferais tellement pas ça. Pourquoi tu fais ça? Non, mais genre qu'on soit. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais juste être collé. Là, tu sais, j'avance ma main tranquillement. Est-ce que lui, il va y aller? On avait la solution, là. Il va essayer de te mordre. Shit! Avec sa lampe, moi, je l'ai tiré une lampe. Pourquoi tu as fait ça, Alex? Je suis calme. Je vais mourir! C'était sûr que ça allait être ça? J'ai. 12. Mais non, touche pas, j'ai 14. Ok, fait que là tu t'avances ta main, puis ce qu'il fait, il essaie de mordre ta main, puis là tu l'enlèves juste à la dernière. Arrête de faire des îles mâles. La salande leur rentre, puis moi, elle va te mordre. Ce que je suggérerais, c'est qu'on se recule au maximum, parce que quand on va peser sur le bouton, peut-être qu'ils vont devenir méchants, je sais pas. Ok, mais moi j'ai fini. C'était le tour à. Fern. Gargouille, ils font rien. Fern. Ça n'avait pas eu de chouette, ben ça. Avant de rentrer dans l'ascenseur, est-ce que l'ascenseur est fermé? Non. Ok. En arrière, toi. Ben tu peux peser sur le piton. Je pogne une fesse du coup avant de rentrer dans l'ascenseur pour voir ce que les. Tu fais là, Fern? Ce que les gargouilles font. Est-ce qu'ils se sont pognés les fesses? C'est ça le but du jeu. Non, ils ont juste glissé. Ça meuse, Fern. Ok, Ituko. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ramène ta chouette, toi. Est-ce qu'il va. Ben, est-ce que tu vas être trop loin de ta chouette, par exemple, après avoir bougé? Ben oui. Elle peut faire un double mouvement, là. Puis, ben, elle peut passer. Elle passe au-dessus, ici, là. Mais en tout cas, elle vient se poser sur moi, dans le fond. Là. Non, elle peut. Ouais. Elle est au-dessus de moi, puis elle lâche le bouton, dans le fond, puis je l'attrape, là. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec le bouton? Le garage au bout de mes bras. C'est quoi cette affaire de fuck? Fait que je me retourne, je fais comme Hey, hasta la vista, baby. Non. Fait que tu fais sur le bouton, ce qui arrive, c'est que les portes là-bas s'ouvrent, puis les gargouilles, ils se mettent sur chaque côté comme ça, puis ils vous laissent passer. Seigneur, c'est tout. Fait qu'on peut y aller sans. C'est beau, on a passé le tableau. C'est juste ça. Ah, oh, man. Juste pogner la maudite manette, fais sur le bouton. God. Fait que là, voilà, vous arrivez au sixième étage. Oh là, c'est sixième, là, il l'a dit, ça va y avoir besoin de nos sièges, okay. Nos sièges pour bracelets. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous arrivez au sixième étage, bravo en passant, cinquième étage, je pensais jamais que vous vous rendiez jusque-là. Ouais, à ce point-là. Mais pourquoi? T'as si pas confiance en nous? Mais c'est parce que. T'es supposé nous aider sans nous aider, là. Ben, je pense non, que ça soit un vrai défi. Ok, vous arrivez au sixième étage, ce qui arrive, c'est que là, les portes. Ouais, je sais. Je fais la porte. Les portes s'ouvrent pas tout de suite. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est bien long. Lancez votre dé de constitution, mais de D20. Ok, fait que là, c'est quoi? C'est Ralin le premier. Ah, c'est initiative modifier? Fern en deuxième, puis moi en dernier. Ouais, j'étais à 17. Fern et Etsuko. Ok. Donc, les portes s'ouvrent. Yeah. voyez absolument. C'est assez sombre, mais il y a quand même assez de lumière. Et autour ici, il y a de la lumière comme ça. Fait que vous voyez quand même assez en face de vous. Ça rend plein de choses. Qu'est-ce qui est clair? Il y a des lumières en haut, là, ici. Puis il y a des lumières de l'autre bord pour l'ascenseur aussi. Okay. Fait que ici, vous voyez. Ici, c'est très noir. Puis là-bas, vous voyez au loin. Light! Tu veux faire une ligne ou on s'en fout de ça? On peut faire la ligne. Fait que genre, vous voyez à peu près ça, puis l'autre bord à peu près la même affaire. Fait que ici, genre. Ouais. C'est pas à peu près la même affaire. Ouais, genre, on sait qu'on joue au basketball. Ouais, c'est basket, vrai, ouais. Ça ressemble au hockey. Fait que tout le reste, c'est basket, ouais. Donc, vous voyez, le reste, c'est noir, ça, vous voyez rien. Mais là, tout est là, light. Les portes de l'ascenseur sont en train de refaire. Je vais régénérer. Mais light, on ne voit pas super loin, ça me suit. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est des barres différentes. Guys, il a dit quelque chose d'une information importante. Disant que. Qui ça? Des portes, je pense que aussitôt qu'on va sortir, on ne pourra pas retourner dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans l'ascenseur de toute façon? Je ne sais pas si ça va monter. Nous protéger. Protéger contre quoi? Et Ramin, c'est toi qui commence. Fait moi, je peux sortir, puis vous, vous restez en l'ascenseur. Ok, mais guys, est-ce qu'on peut. Moi, je sortirais. Attends, avant de sortir, je vais faire un spot dans l'ascenseur. Ben, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Non, ouais, spot search, là. Hey, command, là. Hey, pas grand chose. 12. 12? Ben, l'ascenseur est pareil comme tous les autres ascenseurs que vous avez pris à date. Ah ouais? Ils ont pas pu innover un peu. Non. T'as les mêmes questions sur le côté. Y a-t-il la même musique? Non, y a aucune musique dans ces ascenseurs. Sans parler, y a pas de musique. Ils sont vraiment cheap. Ok. Ben, écoute, je vais. Mais là, les portes sont ouvertes. Allô? Ouais. Es-tu quelqu'un? T'entends rien. Moi, j'attends. Tu fais rien? T'as fait un. Moi, je reste dans l'ascenseur. Je vous laisse aller. Pissou. Je t'en parle pas, mais ouais, mais. Je me concentre. Je suis un cléric, je suis un prêtre. Ben ouais, mais c'est ça. C'est le premier à sortir. Ouais, mais toi. J'ai une grosse armure, c'est tout. C'est ça, t'as une grosse armure. Tu sais, j'ai pas assez d'argent de machine à peur. Je suis paumé. Ok, Mikes, excuse-moi, Fern, c'est à toi. Ben, Irami ne décide de rien faire. J'ai fait « Allô? » C'est tout. Il n'y a personne qui m'a répondu. Ok, moi, vu que je suis vraiment une personnalité curieuse, j'avance. Tout de suite, c'est à rien faire. Les portes se ferment direct quand tu sors dehors, les portes se ferment. Fait que t'es le seul à être là, à l'extérieur, pis t'es le seul à faire cette chose. Pis vous autres, vous faites comme. Wow! Vous pouvez frapper dans la porte, y'a rien qui se passe, et vous pouvez pas ouvrir les portes, sont vraiment bloquées là. Fait que les bracelets, on peut pis là, faire. Vous. Que, je là, prends une dague, je sais. Vous essayez d'ouvrir, pis après à peu près 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Après 5 minutes, il dort, lui. Ouais, après 5 minutes, les portes s'ouvrent. Pis ce que vous voyez, c'est deux ferns en face de vous. Ils sont attachés sur une chaise bandée comme ça sur la bouche, les yeux bandés, attachés sur la chaise. Les deux font. Ouais, c'est drôle. What? J'ai dormi. Donc, c'est. Fern ne peut plus bouger. Fait que Etsuko, c'est à toi. Fait que je fais un Detect Magic, c'est 60 feet. Fait que je me rends jusqu'à eux, c'est sûr, qui est à 35 à peu près. Puis je reste dans l'ascenseur, je fais ça à partir de l'ascenseur. Fait que je fais mon Detect Magic. Detect Magic, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a absolument pas de magie en ce moment dans la salle. Fuckers. Fait que là, je peux bouger. Mais il sent pas que moi je suis un peu magique. Hein? Il sent pas que moi je suis magique. Ben, il sent que toi, t'es un peu magique. Je sais que t'es un mage. Mais non, fait, dans le fond, il devrait sentir. Il sent, ben, je veux dire, par rapport au reste de la pièce, il sent qu'il y a rien. Ça, c'est le deuxième round. Pourquoi je suis en plein de magie? T'es censé être un barbare. Tu sais pas que c'est moi, tu sens qu'il y a de la magie. Je vais faire un spot, voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier dans entre deux. 13 plus... Spot plus 6, ça fait 19. En fait, ce que tu vois, c'est il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment, les deux sont extrêmement copiés, les deux sont extrêmement pareils. Il n'y a aucune différence, ils bougent de la même façon. Non, excuse-moi, ils bougent pas de la même façon, ils bougent différemment. Mais les chaises sont pareilles, les vêtements sont pareils, les visages sont pareils, les mêmes choses qui sont attachées. C'est ça. Puis, excuse-moi, en fait, c'est quand tu fais ça, tu fais comme un cône. Tu fais un Detect Magic, tu fais un cône, dans le sens que c'est dans ce champ du cône. C'est comme si tu fais ça de même. Fait que dans le sens que si tu le fais vers là, tu l'as pas fait vers moi, tu le sais pas que moi je suis magique. Là, fait que c'est ça. Ça sort bien. Fern. Ben là, en fait, là, Fern, c'est à toi. Excuse-moi. Moi, je sors pas d'ascenseur. Iramine, c'est à toi. Ok. Moi, je me demande si c'est pas un doppelganger. Mm. Un monstre qui copie les. C'est bien d'être dans l'accent. Dans le verbe. Fait que c'est ça. Fait que. Là, moi, j'essaie de communiquer. Mais attends, mais là, on peut communiquer avec lui. Là, je peux-tu communiquer avec lui mentalement? Ouais, mais l'autre, est-ce qu'il y a un bracelet, l'autre? Ben, il a copié. Il a copié. Mais on s'entend, si je communique avec un, c'est pas deux qui vont me répondre. Il y a juste ces deux-là. Fait que c'est le bon qui va répondre. Fait que là, je dis, fait que je dis, les deux sont tous attachés, ils peuvent pas vraiment bouger. Ben, ils sont attachés comme ça. Ils peuvent-tu bouger la tête comme ça? Bouger les jambes, je peux bouger les têtes. Tu peux bouger les jambes? Ouais. Ok, Fern. Lève donc ta jambe gauche. Ce que tu vois, c'est que le bleu lève la jambe gauche. Non, l'autre il fait pas? Non, l'autre il amouve en retard. Vas-y, ok. Fern, je peux-tu lui parler ou pas? Non, ben tu peux parler dans ta... Ouais, mentalement. Donc fais de la télépathie, par les bracelets. Ok, mais il peut pas tirer une flèche pour même... Mais détaché? Mais pas dans ton dos, là. Ouais, j'ai bien gros. Qui... Ok. S'il te manque, il te manque. Non, mais c'est genre, j'ai ça ici, je suis comme. Je suis attaché, puis. Non, mais. Ok, ben ok, ça a l'air d'être lui. C'est le bleu. C'est le bleu, fait que je vais en avancer un peu. 1, 2, 3, 4, jusque-là. Il se passe-tu de quoi? Je meurs dessus. Les portes se ferment dessus, puis je me fais faire la même chose? Non. Ok. Ça aurait été injuste. J'aurais pas de nouveau rôle. Pis c'est sûr, moi j'ai plus rien d'autre fait à faire. Fais-toi, Etsuko. Fait que on a vu que c'est le bleu, tu peux demander aussi de bouger la tête de, en haut en bas. Non, j'ai compris que c'était le bleu. Je me trouve. Je vous ai entendu. Hein. Est-ce qu'on est dos à dos ou face à face? Hein? Vous êtes un à côté de l'autre, vous regardez. Ils sont face à nous. Fait que je regarde à gauche. Fait que je fais 1, 2, 3, 4, 5, je me tourne vers Fern puis j'essaie de le détacher. Ok, fais c'est rogue je pense pour le défaire. Mais prenons une dague. Ben oui, j'ai une dague. Je peux faire ça. C'est facile, prends ta dague, essaie pas de défaire ça. Prends ta dague. Coupe-les. Attention. Ben, moins que tu veux le garder. Ah, tu vas peut-être essayer de défaire et garder la corde. Tu sais où je vois mes armes? Ah, ici, dagger. Fait que j'en ai une dague. Là, je coupe avec ma dague. Ouais, c'est correct. Clic. Fait que là, pouf. Fern. Et faites ça. Lui. Blablabla, commence à shaker puis à tourner sur lui-même, tout ça, puis il se transforme en monstre. Mais genre en coffre monstre, c'est un mimique humain. J'étais tellement content de me voir. Il y a eu une attaque. Fait que là, je veux juste voir. On relance le dé, s'il vous plaît. Initiative. Ouais. Oui. Oh boy, 5. 15. Okay, ah, mais t'as pas de truc. Tu fais pas plus. Et Ramin. 3 plus 2. Ah, t'as 3. Et Ramin, toi, t'as combien? J'ai 5. Toi, t'as combien? 3. Fait que c'est Iramin, Etsuko. Non, mais il y a 5. Fern. J'ai 5 aussi, mais Fern, il y a 3 plus 2. Ça fait 5. Ah, ok. Ouais, mais on va leur lancer le dé, les deux. Yeah! 20. Ok, bon, ben ça va être Etsuko. Tu viens de gaspiller un 20. Après ça, c'est Fern, puis après ça, c'est le mini. Ah ouais, en dernier, il est bien là. Ouais, il y a peut-être un. Let's go, guys! Ok, Zayel! Fait que là, il y a comme. La langue qui sort. Non, mais on est fait avec. Il n'y a pas de quoi manger. Je suis débarrassé de mes poissons. Ok, et Ramin, qu'est-ce que tu fais? Ok, on est en mode attaque ou on est en mode. Ah, c'est moi en premier! C'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Mais là, il n'y a pas comment. On n'est pas en mode attaque. Ben, ça dépend de ce que Bobby essaie de faire. Ben, là, qu'on ne peut pas attaquer encore. C'est pas bien qu'il est complètement. C'est un mimique. Ben, je peux faire un knowledge, je connais-tu son point faible au mimique? C'est quoi un mimique? En fait, ça, d'habitude, les mimiques, ils vont mimiquer des objets, mais là, il a mimiqué un humain. Ouais, c'est bizarre, ça. J'aurais pas dû me détacher, j'étais tellement content de me voir dans ouais, je lance un dé, voir si peut-être je peux, tu sais, je sais de quoi. 19, plus ah, là, je pense que tu sais de quoi. Je suis genre au-dessus de 20 coques, là. j'ai fait comme 1000. Si c'est un knowledge que j'ai pas, j'étais à 23, sinon j'étais à 27. En fait, en ce moment, la forme qu'il y a, c'est un genre de fern, mais genre avec une full langue, puis il se promène à quatre pattes comme ça, comme un petit monstre. Hey, je peux mettre à quatre pattes sans que ce soit lui. Vraiment. il est immunisé contre l'acide, ce que tu sais. Ouais, il voit dans le noir à 60 pieds. Pas un point faible, tu peux me dire. Comme le bouton d'une porte. Il y a beaucoup de points de vie. Fuck! Il avance pas beaucoup, par exemple, il avance de 15 pieds. Fait qu'il avance de 3 quarts. Ouais, on se sauve, guys! On voit pas s'il y a comme quelque chose dans les mains, s'il y a comme un bouton. Ah, on a pas de bouton, fuck. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Je sais pas, moi. Mais, arrête, je fais un spot ici, parce que knowledge, c'est comme je le sais tout de suite. Non, non, on voit à l'autre côté. Ouais. On peut voir s'il y a un bouton sur l'ascenseur. Vous ne voyez pas de bouton sur l'ascenseur. Ah. Je fais un spot dessus. Ok. 12! Tu vois rien. Si j'avais un bouton d'ascenseur, ça serait dans une bobette, fait que c'est là que tu... Ok! Bon, ben, je pense que, guys, on va se taper sur la gueule. Ou on sauve. On sauve-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on pourrait peut-être essayer de le tuer, peut-être donner des trucs. Ouais, on essaie de le tuer. Ok. Mec, c'est fort. Fait que. Peux-tu jouer à Final Fantasy VII? Oui, j'ai déjà joué à Final Fantasy VII. Moi, vu qu'ils ont pas commencé à se battre, je suis le premier à réagir. Je l'attaque avec une boule de feu. Ah non, moi j'ai envoyé une dague à Yel. Oh non, c'est comme notre premier combat. Je suis tout excité. J'ai envoyé une dague à Yel, ça y est, qu'est-ce que Guillaume, il dit dans sa tête, il va tout mourir. Pour vrai? On sort. Ah ben, on va taper, je fais pas ça. Non, mais vas-y, c'est pas grave. Non, non, mais Guillaume nous dit. Vous êtes trois contre lui, il fait pitié, là. C'est un mimique, père. Ah ouais, le toi, arrange-toi pour que ça. Tu sais. Tu là. Ben, éloigne-toi. Oubliez pas, on a des potions de vie. Je suis pas proche. Ben, t'es à une case. Ben, c'est ça, j'envoie une dague. Allez, barbare, là. 12. Bang. Détruis ça, moi. Ouais, j'ai tiré une dague. Je pense pas le toucher, par exemple. Ou je le touche, elle revoit ça rebondit son armure. Et plus. En passant. Ok, mais je le touche. Ouais, tu le touches. Yeah. Fait que je fais. Tu fais combien de dommages? Un des trois. Oh, moins deux. Okay. Pas de moins 2, 1 des 3. Ça va être comme le flatter jusqu'à ce que ça soit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, ça va être un 6, fait que 1, 2 vaut 1, 3, 4 vaut 2, 5, 6 vaut 3. Ah non, je vais prendre celle-là, du coup. Je vais aller m'en acheter. 2. Comme les tiens. Fait que tu y fais 2 points de vie. Yeah! Ouais, plus guys, ça va bien. Ok. 2 de dommage. Ouais. Ben, c'est un début. Après, il est-tu là, il est en train de mourir? C'est à moi, là? Ouais. On essaie, ok. J'avance en arrière de lui. Ça va rien changer, hein, si je suis en arrière. Je pense qu'il y a un avantage à être en arrière. Oui, ben en fait, là, l'affaire, c'est que lui va pouvoir le flanquer. En ouais, sens moi, que... je vais être sur le côté, mais je vais laisser le derrière. Ouais, c'est ça. Laisser le derrière. Yann, c'est derrière. Fait que je vais aller ici. 1, 2, 3. Je me mets direct à côté. Attaque avec quoi? Un mimic, c'est quelle sorte de monstre? C'est-tu du Chaos, Evil, Good, Love? Non, ça c'est. Je pense que. Ben, il faudrait que tu fasses un knowledge de ça, je pense. Mimic. C'est une aberration. C'est un neutral. Oh, neutral. Ouais. Bon, ben, ça, ouais, sent ben, ça sent calice. Alors! Ça sent calice. C'est comme un extraterrestre. Attaque-moi. J'attaque avec la long sword. Hey man, ça va être long, on va mourir. Ben ok, je lance mon D20, c'est ça? Ouais. A nat one. C'est pas qu'il a fait? T'as rien vu? Un? Shit de merde. Tu meurs. Je touche pas. En fait, tu touches pas, tu fais... Je frappe à côté. Tu frappes à côté, puis tu touches la jambe avec ton épée, tu perds un point de vie. Pour vrai? What? Ouais, y'a d'autres. Je suis un cléric. Fais attention. Hein, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis un cléric. J'ai pas manié l'épée. Ok, c'est à tout autour à Fern. Mon dieu. Fern, fallait donner un coup dans le dos. Est-ce que, sachant que, genre, il y a mon corps, est-ce que je sais où sont ses points faibles? Je pense que non. Ben, pas vraiment de points faibles, mais tu sais que. Son sac, il y a genre la même chose que toi, là. Ah, ben ouais, je sais pas, ouais, mais. Mais je vous l'avais pas dit, guys, mais j'avais des bombes dans le dos depuis le début, fait que je peux. Il y a pas les mêmes armes que toi, par exemple, okay. Mais il y a les mêmes vêtements. Ah, oh, j'aurais tellement dû faire ça, calique. Mais c'est un mimic, tu peux pas parler. Tu on peux voir pas, comment tu peux pas parler ça. Tu peux pas. C'est un monstre, point, tu peux juste comme raisonner avec ça. Mais je vais faire mon miss le prochain tour, il va avoir moins de chances de nous attaquer. Bon, ben. Est-ce que je suis obligé d'attaquer? Est-ce que je veux faire une action avant et après ça attaquer? Ouais. Quand je suis. Ouais, ça va être bon. On va faire un sneak attack s'il veut. Je fais un search, I guess. Tu veux faire un search sur lui? Il bouge. Bon. Il est comme. Tu peux essayer, mais là, t'es dans sa face. Fait que je te dirais non, mais si t'es en arrière de lui, je vais te le laisser. Il est fin. C'est genre quand tu fais. Parce que t'as une affaire de lay hands, quelque chose de même? Lay of Hands. Ah ouais, faire un... voler, là? Ouais. Mais tu volerais quoi? Parce qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux y voler. Mais si il y a bien comme toi, vas-y. Vas-y, ça s'accroche. Ça va-tu donner quelque chose de dessus? Je pense pas, moi. Faut chercher le piton. Non, je sais, mais ça va pas donner de l'expérience, ça va pas donner du système, ça va rien. Il a donné un indice dans ce qu'il nous dit. Faut chercher le piton, je sais. Ok, j'essaie de voler dans son sac. Mais là, t'es en face de lui, je te dis. Il y a un sac. Fait qu'il va falloir que tu bouges en arrière de lui, puis après ça, tu fasses son action. Fait que je bouge plus en action, fait que je peux pas l'attaquer. Mais tu peux chercher. S'il bouge, là, l'autre a une attaque d'opportunité, par exemple. Wow, je me suis téléporté, je sais pas comment j'ai fait. C'est moi qui t'ai aussi, dans le fond, il y a eu une attaque d'opportunité. Ok, je fais Slay of Hands, Slay of Hands pour essayer de trouver. Une difficulté de 14 parce qu'il bouge. J'ai plus 8. Il n'y a pas eu d'attaque d'opportunité. Pas bleu. Ok. Pas d'attaque d'opportunité. Plus 8, 20. Shit. Pendant qu'il est en train de regarder Etsuko, tu bouges un peu, puis il y a son backsack ici, genre son petit backsack. Tu mets ta main dedans, puis tu sens genre un petit carré. Tu le prends, puis tu le sors, puis tu vois que c'est le piton pour l'ascenseur. Lance-les! Puis c'est. T'aurais jamais eu quelqu'un pèser sur un piton aussi vite que ça. Attends une minute. puis le piton, il est la couleur mauve. En pèsant dessus, tu vois que les portes au loin s'allument. Il s'ouvre, puis après ça, vu qu'il y a personne qui rentre, ben il se referme. Ok, fait que c'est pas comme l'étage d'avant où c'est désamorcé tout. Non. Mais attends, s'il est mort, c'est peut-être pas le bon piton. Mais ça veut dire qu'il faut courir jusqu'à là-bas. Hein? Ça ouvre les portes? Ouais. Mais d'abord, faut courir jusqu'à là-bas avec le bouton. Là, lui, il nous fait la gueule. Ben là, c'est autour à lui. Fait que là, il va attaquer Otsuko, parce que c'est le dernier qui l'a attaqué. Il a raté sa chute. Moi, je vais rentrer l'épée dans le pied. Lui, j'aurai besoin de pratiquer les gars. Ok, prends ton D20 puis lance-le. Oui. J'ai 9. T'as-tu plus que 9 de AC? C'est vrai, de AC, excuse. Ouais. Non, j'ai 16 d'AC. Ok, ben ce qu'il fait, c'est qu'il essaie d'être mort. Puis là, tu te parles juste au bon moment, puis il te mord complètement. Sache que si c'était vraiment moi, je serais pas aussi vorace. À moins que tu le demandes. C'est sacrement. J'avais compris. Quoi? J'ai plus okay, ou moins caché. Fais moi une image, Michael, je comprends pas. C'est Toto à Aéramine. Vas-y. Allez, je veux comprendre. Comment tu m'as fait? Là, le bouton il marche. Tu l'as. On a plus besoin de le battre. On sauve. Moi, je lui dis, on fait juste se sauver. Moi, c'est ça que je vais faire. Je me sauve. Je me sauve. Hein. Sauf qu'on verra rien. Peut-être qu'on s'en pète à elle. Mais toi, tu cours pas vite. Je vais attendre après toi. Mais lui, il va aller chacun. Poup, poup. Ben, fais un 8 là. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Eh, je vois rien! Mais il avance juste de 3 le mimique. Hein? J'avoue qu'il voit rien aussi. Mais c'est sûr que si on fait du bruit, on s'en va. Fait que c'est à moi. Tu cours, ouais. Ok, fait qu'il y a rien dans moi. 1, 2, 3. Il y a une attaque d'opportunité, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est vrai. On... Ok. C'est tout à Fern. Ah ouais, lui, il avait une attaque d'opportunité. Ouais, ben à chaque fois, normalement, à chaque fois que t'es dans le combat puis tu passes à côté, en fait, normalement. Un ennemi a le droit à une attaque d'opportunité dans le sens que tu es en train de te battre, tu vois quelqu'un passer à côté de toi, tu as le temps de chier, essayer de le pogner, mais tu as le droit à une fois par an. Fait que si on est comme 15 à passer, il ne pourra pas tout attaquer tout le monde. Ouais, ouais. Ok. Bug. Non, mais moi, si tu me donnes un autre tour, je vais être plus loin, il ne pourra jamais me rattraper. Non, mais c'est parce qu'il. S'il m'imite, il a autant de vitesse que moi. Fait que, même si moi je me rends trop. Il est plus toi, il est juste à moitié toi. Ouais. C'est rendu un coffre, là, on le sait. Ok, fait qu'il y a juste 3. Il avance juste de 3. Mais j'imagine qu'il pourrait avancer à 6, il court. Ouais. C'est juste que s'il avance à 6, il peut pas attaquer. Mais est-ce que physiquement, il me ressemble encore un peu? Ouais, un peu. Il est à terre, par exemple, peut-être avec une longue lame. Ok, mais j'ai pogné les fesses avant de partir. C'est une attaque d'opportunité, ça. Attaquer. Ah ouais, viens dedans! Moi, je peux t'attaquer si tu fais ça, par exemple. Parce que là, t'es dans mon dos. Lâche les fesses! Est-ce que ça vaut la peine que je m'essaye? Non. J'ai toujours voulu que. Oui, j'essaye! Ouais, ben, normalement, ça serait une attaque d'opportunité si lui se met à courir, puis il est à côté, oui. Pourquoi? Ben, pourquoi? Je comprends pas! Je comprends pas! Lancer le dé. Espèce de pervers. T'as combien de c'est 14. Il est prêt à risquer sa vie pour toucher les fesses. 5, j'ai 12, ok, non, je te manque. Fait que je peux quand même pogner les fesses. Ouais, tu peux me pogner les fesses. Mon fantasme. Mon fantasme enfin résolu, j'ai pu. Ne pogner les fesses à toi-même. C'est surtout juste à prendre ta main puis faire ça, hein. Là, avance vite avant qu'il se morde. Si. c'est moi, vie, mes fantasmes, ok? Qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis le début, je l'ai remarqué. Ben, toi aussi, t'es bizarre. Ico, quoi, il a pas le droit de avancer de 2. Parce que non, il a avancé de 6. Ah, il a fait une action. J'ai fait une action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, il attaque. Il peut pas attaquer. Pourquoi il avance? Il dit 3. Ouais, mais il court. C'est vrai, il attaque pas. C'est vrai, il peut juste avancer de 6 quand il attaque, quand il court. Il a couru, mais pas d'action. Ah, ça, il a couru, mais. Ok, autour à Eranine. Mais il voit dans le noir, hein? Là, il est vraiment proche. On est... Non, mais c'est la partie noire, c'est noir, noir, noir. Dark Vision 60 pieds. Ok, oui, c'est beau. Fait, moi, je vois rien, fait que. Je suis comme. Tu vois la lumière ici au bout, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu sais pas de trou. 8. Là, il y a un trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toi, t'as pas le piton, tu peux pas rentrer dans l'ascenseur. On peut juste comme toi t'y aller, puis. C'est toi. Le palais, j'ai le pas qu'il fasse encore. T'en dis pas des idées, quand même. Je suis comme, ça fait un honneur, mais je décolle. Ok, il va avancer de 6. Hein. Il essaye de courir après vous autres, mais il y a de la misère à vous suivre. C'est au tour à Eranine. J'avance vite, là. Ok. C'est rendu. C'est au tour à Etsuko. Je peux rien faire. Ah ouais, Fern, viens-t'en avec le bouton. Pèse sur le piton, les portes s'ouvrent devant Etsuko. Etsuko rentre dans l'ascenseur. C'est au tour à toi, Fern. Tu rentres dans l'ascenseur, ouvre les pitons. Elle est là qui me suivait, ouais. Lui suivait, les portes se ferment juste au moment où est-ce qu'il commençait à. Il était pas trop proche, mais quand même. Puis il ferme. Sucker. Puis là, vous êtes dans l'ascenseur, les portes vous êtes essoufflées parce que vous venez évidemment de courir quasiment genre je sais pas trop combien de pieds. Est-ce que tu ramenais les bonhommes de ce sens-là? Oui. Là, pendant que vous êtes dans l'ascenseur qui monte, vous entendez une voix qui brille des jardins. Bravo les amis! Vous êtes les premiers à se rendre jusqu'au dernier étage! Je suis vraiment fier de vous! Mon Dieu, ça hein? Tu t'y attendais pas, hein? Vraiment pas! Personne ici hein? S'y attendait! On est la meilleure équipe, c'est pour ça! Ok, c'est le temps de... Ah, le plein d'atouts! C'est le temps de sortir ma grosse hache! Bonne chance pour le 7e étage! J'espère que vous allez avoir du plaisir! Ça va être sexuel! Donc, calme-toi, vous arrivez au 7e étage, finalement, le dernier étage du tour de la tour de la porte. Quand les portes s'ouvrent, tout est illuminé, grand globe en haut, lumière, etc., etc. Je vais prendre le crayon ici. Ce que vous voyez, c'est un genre de cercle ici, lumineux, que la lumière sort du plancher. Vous voyez... une dame ici. Allô? Avec une licorne. Yeah. Oh my god, ça me prend comme. Ça me prend un truc de licorne. Ouais. Et vous voyez le chevalier d'argent qui est juste ici. Hein? À vous, j'ai pensé à ça. Hein? Ok, fait que vous avez une licorne. Puis, ce que vous voyez, c'est que la dame est en train de flatter la licorne. Tandis que le chevalier d'argent est juste à côté qui bouge pas en tenant son war armor dans les mains. C'est le chevalier d'argent que était... vous avez parce que j'ai flashé mon pénis. Exactement. Est-ce que tu as fait ça à toi? Ben ouais. Elle a eu aucune réaction. Je me souviens pas que t'as fait ça. Prends-le pas personnel, moi, en tout cas, j'ai ah oui, moi, ouais, ok, fait que la dame là-bas dans le cercle de lumière, elle dit... Elle nous parle? Ouais, moi, je parle. Bon, c'est bien, disons, sympathique. Là, vous allez sortir de... Ça vive un peu. Elle dit... Oh, ça me rappelle une histoire! Elle dit, bonjour. Allô. Je suis la reine Corentine Sidane. Sidane. Sidane. Ouais, c'est Corentine Sidane, la mère de Mathias. Ah ouais, et je vous félicite. Yeah. Vous êtes les premiers à vous rendre jusqu'ici, mais votre épreuve n'est pas encore terminée. Malheureusement pour vous. Chevalier d'argent, montre-leur ce qu'est un vrai héros. Chevalier d'argent se met en face, comme ça, prête en position de combat. Mais est-ce que tout le monde sait pour Chevalier d'argent? Je pense que c'est une... Ouais, ouais, c'est tout le monde. Okay, tout le monde sait. Okay. Se met en position d'argent avec le warmer, comme ça, prête à se battre. Lancez votre d'initiative. Bon, ben, vas-y, c'est à ton tour. Pourquoi c'est à mon tour? C'est tout le barbare. J'étais chanceux, barbare. C'est tout. C'est tout le barbare. 12. 10. 12. Ah, attends, 12. On est tous à 12. Attends, faut que j'aille chercher le chevalier d'argent. On va tous attaquer en même temps de front parce qu'on est une vraie équipe. Hey, mais vous avez appris à travailler ensemble, c'est bien. Ouais. J'ai appris, oui. Tu l'as effacé. Shift 14. Vous autres, vous avez combien? 12. Ok, elle joue avant nous. Toutes 12. Vous avez toutes 12? Ouais, ouais. Toutes 12. Toutes 12. Ok, ben elle va commencer. Fait que. Relancez vos dés pour savoir c'est qui commence en dessous. Quoi? Oh my god, 6. 15. Ok, fait que là c'est Iramin après. Puis. Moi de fin. Ouais, allez-y. 5. Moi ça descend à mesure. 13. Fait que c'est super. Vous allez chasser vous défendre. T'as rien, initiative, non? Non, j'ai une vue trop lourde, ça va. Donc. Ça part. Jeanne d'argent, le chevalier d'argent, commence. Elle fait quoi? C'est une fille. Elle va avancer. Ok. Vous attaquez-tu? Ben, elle va avancer vers vous autres, vous êtes quand même assez loin d'elle. Non, mais on ferme les portes d'ascenseur, ça. Vous êtes en train d'ascenseur. Les ascenseurs qui sont fermés derrière vous autres. Si on veut pour être au 5e, bye! Ben là, est-ce qu'il y a un ascenseur ici au bout? Oui. Pour sortir. Pour descendre, oui. Je pense qu'on n'aura pas le choix de se battre. C'est à vous. Mais là, elle avance comment, là, genre? Elle est clairement d'autre chose. En courant. Elle marche clairement d'autre chose. Je veux dire, il y a une licorne. Elle fait une quoi spécial, elle marche en courant. C'est la licorne de la mer. Ok. Faut peut-être juste courir dans le cercle de lumière. Est-ce que je suis sûr qu'elle rentre pas dans le cercle de lumière? Corentine, elle se dit, elle vous dit, il y a absolument rien à chercher. C'est une épreuve claire et nette de combat. Quoi? Mais non, arrête là! Je la crois pas là, elle nous hey, c'est là, elle nous attaque de même là, on n'a pas le temps de se parler, on fait comme pif paf pouf puis vite de même. J'aime ça les pif paf pouf. Madame la reine, on se prend un café plus tard aussi. Bien sûr. Non, ouais, c'est clair qu'elle va venir sur moi parce que j'ai flashé mon pénis. Peut-être elle aimait ça, on ne garde pas la fond. Je me souviens pas de ça. Moi non plus. Vous êtes dit où vous êtes? Elle confirme que oui, c'est arrivé. Là, oui. Oh boy. C'est à Iramin. Ouais, ça, j'essaie de voir. Là. Parce que je vais faire mon... J'ai des spells, là. Fait que je vais me mettre là, j'avance de 5. Là, je fais mon spell Daze. Fait que là, si faut que. Moi, je sais pas. C'est censé faire quoi, Daze? Ça va juste pendant un round. Dans le sens que. Elle va rien faire pendant un round. Ben, elle l'attaquera pas, ça marche. Sauf que si on l'attaque, dans le sens qu'on n'a pas de. Rien de spécial de plus contre elle, là, dans le sens qu'elle peut nous péter à gueule si elle veut. Ben, je veux dire, elle peut se défendre. Mais elle pourra pas jouer le prochain tour. Parfait, on va tous se sauver dans le cercle de lumière. Je pense qu'on a compris le message que ça fait sert. Moi, je fais Daze. Là, on peut sauver à l'ascenseur. Elle a un Will Negate. Y a-t-il un bouton sur l'ascenseur? C'est Will Negate. C'est. Ça, elle lance un des 20 et elle ajoute son Will. Je sais pas c'est quoi, mais si c'est un paladin, elle risque de n'avoir quand même pas pu. Son Will, c'est. Will Negate. Pas où? Mais c'est en plus 3. Plus 3, fait qu'elle lance un des 20 puis moi, je pense que c'est comme pas grand chose, ma résistance. Mais ça fait quoi ton spell? C'est que prochain tour, elle peut pas rien faire. Elle peut continuer à se défendre normalement, mais elle est comme. Je l'ai occupé, elle est dazed. Ok. Ouais, mais c'est juste un round. Fait que. Ok. Et à moins qu'elle ait plus que 4 de HD. Là. Fait que là, on lance un D20 pour savoir si ça fonctionne. Moi, je fais rien. Ok, ça fait juste ça. C'est toi qui. Non, toi, tu lances un D20 et tu rajoutes le plus modifier. J'ai 2 plus 3. Yes! Fait qu'elle manque sa shot et comme. Ah! Elle est comme un peu sonné. Ouais! Jeanne d'argent, je te croyais plus. Puis là, vous me voyez, moi. Bien déçu. J'ai pris une pincée de laine. Puis. C'est quoi cette magie-là, Bob? T'es pas un barbare, toi? Ah oui, je suis un barbare. Voyons donc, c'est juste. Je suis superstitieux, guys. J'en le savais que t'étais un magicien. Ben non, voyons allez, donc. Hey, allez-y, pète à gueule, là. Elle a l'air sonnée, là. Ok, c'est tout? T'as fini ton tour? Ben, j'ai déplacé de 5. Ok, c'est ton tour. Attends, je regarde si y a un bouton au bout. Un spot? Ouais. 9. Tu vois rien. Je t'avais, gars. J'étais concentré, là. Ok, c'est ton tour à. Fern. Ah. Allô, c'est moi. Vas-y, Fern. Poigne là-dedans. Ok, fait que là, on s'est fait dire 1000 fois que c'était juste comme un truc d'attaque. Ouais, fait que c'est le temps d'aller la péter à gueule. Fait que, on s'arrange pour que. Chose Hermatsuko. Etsuko. Etsuko. Je sais pas, il est encore. Etsuko, il mange les dégâts. Puis nous autres, on lui fait du damage dessus. Ok, ben, je me fais 1, 2, 3, allô, 4. T'as pas juste là? Ouais. Mais là, tu pourras pas manquer d'avoir des. Tu peux pas te rendre en arrière. Ouais, tu peux pas te rendre en arrière. Mais il y a quelque chose à faire ici, là. Mais non, il est juste là pour. Tu penses? Attends, on va. Tu regardes, ça dit. Les autres, ils. Il y a une licorne, pourquoi il y a une licorne? Okay. On va aller la mettre. Je suis là, j'avance de 6. Ok. Là, tu sais, il y a la musique, épique, là, c'est clair que c'est ça. Est-ce que je peux faire une action? Est-ce que je peux faire une action plus une attaque? Ben là, t'as fait un. Ça dépend, c'est quoi ton action? Puis ouais. Après ça, c'est soit une action ou une attaque. Soit une attaque, ouais. Mais ça dépend toujours de l'action. Si t'as un spot, tu peux le faire, ça ne fait rien. Moi, je peux faire un spot. Ouais, tu peux faire un spot. Je peux faire un spot. Stop. Je peux faire un spot. Ok. Tu vois absolument rien de supplémentaire. Non, c'est pas grand-chose. Non, mais on je vais pas l'attaquer! Non, mais attaque-la! Elle est cute! Bon, mais elle va nous attaquer, là, elle a. En tout cas, c'est un warmer. Ok, ben, je sais ce que. Ce que... Vas-y, son arme! Qu'est-ce que. T'as peur? Comment ça fonctionne, ça? Pointe une fesse! Ben, je sais, un dagger. Ah, je veux pas. J'aime pas ça attaquer les gens. T'es bien trop gentil! T'es un boulard, là! Comment? T'es tu de dos, en plus! J'ai pas attaqué personne depuis le début du jeu. C'est vrai. J'ai juste marqué que j'ai utilisé ça. Ok, c'est juste moi le méchant, je suis blind. C'est juste que. Fuck, je vais commencer à suer. Ok, vas-y, fais quelque chose, là. T'es bientôt fini, là. Ça y est, il y a chaud. Seigneur! Le stress. Ok, ben, je. Je m'excuse. J'ai juste Jeanne d'argent, là. T'attaques avec quoi? J'attaque avec mon dagger. Avec... Quoi? C'est ça, non? C'est sûrement le coup de meilleur que ça. Proche. Hey, mon... Ta rapière! Ouais, prends ta rapière. Les deux, ok. Mais mon map rapier, le piercing. Puis je fais quoi? Moi, tu fais quoi? Comment ça fonctionne? Tu lances un D20. C'est le D6. Non, non, c'est un D20, ouais, ça va se savoir si tu touches. M'attaque. Non. T'essayes avec ta rapière, puis même si elle est sonnée, elle le sent. Non, mais elle est juste comme. Elle est pas sonnée, c'est plus. Elle est comme dans l'une, mais tu sais, je veux dire, elle est capable de se défendre comme du monde. Là. C'est juste qu'elle peut pas attaquer. C'est ça, parce qu'elle est comme, elle pense à autre chose. Fait que là, elle voit le rapier arriver, puis elle fait comme avec son marteau. Je m'excuse, il fallait que je vous attaque, j'avais pas le choix. Et alors, elle se replace, genre prête. Mais là, on peut y parler en même temps, genre, dis-moi, on est pas obligé de se battre, là. C'est au tour à. Etsuko. Moi, je pars de loin avec mon épée, puis j'arrive pour donner un gros coup. J'ai. T'as plus 2. Fait que t'es attaqué avec quoi? Ma langue sport. Tu me touches pas. T'as rien de plus, hein? Alors, toi, elle, ce qu'elle fait avec son marteau, c'est genre, elle bloque ton épée directement. Fuck! Mets sur place. Elle est trop forte. Puis là, faut que je chasse quoi, moi? Tout se fait rien dans le sens que ça dure un tour, tu sais, t'es comme. On recommence. Fait que là, comme genre, elle vous regarde, puis elle bouge pas avec son marteau, son warmer. Avec sa tête, travers sa petite là, elle a l'air perdue un peu. Là. Elle a l'air un peu perdue, mais là, genre, elle est comme. Vu la surprend, elle est comme. Bon, c'est le fun, ça. Retour à. On va faire ta magie. Toi, là. Hein? J'ai fait de la magie, là, vous l'utilisez pas comme du monde. On est sur un tour, là, fait que ça tient encore à toi, là, et ramène. Comment, guys, faites de quoi, là? Ok, bon, attends. C'est quoi, je vais faire un film parce que ça, je peux faire un. Je pense que je peux faire une espèce de genre contre les aliments bons. Tu fais encore de la magie, toi? Mais non, c'est pas ce que vous pensez, j'ai des amis là. Menteur! Fiend. Traître! Comment ça? Traître. Hey, je vous aide, guys. Traître, je sais. C'est pas parce que t'es né d'une certaine façon que tu dois agir d'une certaine façon. Ouais, là. Dire Rat! Dire Rat, il l'a tout de suite. Attends, on va y aller avec le Dire Rat. Écoute, je sais, mais c'est un. Mais c'est un Fiendish Dire Rat, fait qu'il va faire un Smite Good. Fait que si je le pogne, extra HD, là je pense que ça lui donne plus. Ça va juste faire un plus 5 dommages, je sais pas vraiment, si je la pogne. Il y a pas d'ordinateur partout. Fait que j'attaque. Oh! 21! Shit! Puis elle a 18, fait que. T'as pas qu'elle a 18. Ouais, elle a 18. Ok. Mais t'attaques avec. Fait que tu veux essayer de toucher en bas. Il y a mon. Ben oui, mon rat. Mais mon rat, non, mais le rat, il apparaît là. En fait, j'avais plus 2 de chance. Je le mets là. Fait que je vais mettre. Ah non, pas là. Là. Non, non, mais pour qu'il soit. Ouais, c'est bon. Attends, je le mets celui-là. Puis t'attaques de combien? Non, je le mets là. C'est combien de dommages? Je fais juste un des 4, par contre j'ai disease. Un des 4 plus 1. Ok. 4! 5! Yeah! Disease fait. Là, il va falloir qu'elle fasse un fort. C'est facile comme tout. Mais c'est un good, mais j'imagine là, que c'est un aliment good de ton paladin. Normalement, c'est l'awful good. Là. Fait qu'un un disease. Fait que faut qu'il fasse un fortitude de 11. Ah, oh, mais c'est une incubation, ça lui fera même pas mal de suite, là. Fait que faut que je fasse quoi? DC, fortitude. J'ai un plus 4. Ça va être facile. Combien? J'ai 2 plus 4, j'ai 6, je le manque. Oh, ok, ben c'est ça, il se passe à rien. Il se passe à rien, ok. Ouais, parce que c'est dans. Mais par contre, dans un des 3 jours, elle risque d'avoir des dommages à sa. Elle va avoir des dommages à sa dextérité. Dans 3 jours? Ouais, un des 3. Fait que okay. Tu lances un des 3. Non, tu vas savoir dans combien de jours qu'elle va être malade. On s'entend qu'on va la soigner d'ici là. C'est 3 jours. Ça, c'était un des 4 de lancer, Guillaume. C'est un des 4? Ouais. Des 3, ben c'est un 6 dans le fond, 10 en 2. Ça compte dessus, ça? 4, 10 en 2, ça fait 2. Dans 2 jours. Oh, on va la soigner à la fin. Ok. Ok. Genre, ça, ça va rien. Ben, il a fait mal, il a fait 5 points de dommage. Ok. Tout ça pour ça? Ouais. C'est au tour à Fern. Fern, qu'est-ce que tu fais? Là, t'es sur son côté, qu'est-ce que tu fais? Pas dire allô. Ouais, backstab là, là. Utilise ton backstab, là. C'est le temps, là. T'es en. Ouais, utilise ton backstab. Je crie à la reine. Hey, on est-tu obligé de se battre pour vrai? Vous êtes toutes trop cute. Oui. Je m'excuse, mais oui. Si vous êtes pas capable de battre Jeanne d'argent, je vois pas comment que vous pourriez battre les démons et les anges qui. Est-ce que je peux fixer la licorne puis ouais. Voir si elle réagit d'une certaine façon? Elle se fait juste flatter, elle est bien relaxée. Bon, ben je réessaye de l'attaquer avec mon rapier, I guess. Mais là, tu fais ton dommage en premier, là? Fais ton dommage en premier. C'est combien ton critical, okay, toi? J'ai sneak attack de 1 des 6. Mais là, t'as eu 18, là, d'après moi, t'as un critique, là, hein? J'ai 18 à 20. Ouais. Fait que normalement, t'as un critique. Fait que c'est x 2. Fait que j'ai. Par moins qu'il faut que tu sois comme avec Maxime, faut confirmer le critique, là. Non. J'ai 1 des 6 moins 1. Fait que c'est x. Mais c'est quoi le critique? C'est 10. C'est x 2. X 2. Fait que tu lances normalement ton dommage 2 fois. Vas-y. Puis ça va être des... ça. Des 6 moins 1, ça. Des 6, c'est ça, Nicolas. C'est un dé normal. Ok. Là, je fais ça. Moins 1. Ouais. Donc là, j'ai 2. Ouais. Puis je sais quoi, je. T'en relances encore parce que c'est 2 fois. J'ai 2 encore. Ça fait 4. Puis là, t'as un. T'as ton backstab qui te donne, je pense, un D6 aussi. J'ai un D6 de sneak attack. Ouais. C'est ça. Tu peux relancer un autre D6. Fait que ça fait combien, total? Fait que ça fait 9. C'est tout du dégât, ça, là. Je m'excuse. J'en ai. Là, fait que ce que tu fais, c'est que tu la stabs dans la femme, ça glisse en dessous de son armure, pis comme. Elle recule un peu, comme ça. Sur mon bras. Je m'excuse. Elle est pas morte, mais elle est pas forte. Pis comme, genre, pis ce que tu fais avec ton rapier, en plus, c'est que tu le frappes dans le face, son. Masque revole, ça. Es-tu toute pleine de cicatrices? Son armure vole. Elle a-tu les cheveux longs d'or? Non, elle a les cheveux très. C'était, là, après ça, comme, elle se place comme ça, elle te regarde, genre, comme vraiment fâchée. Elle a les yeux. Est-ce que je l'ai pas? Les cheveux blonds, assez courts, les yeux bruns comme ça, puis elle te regarde vraiment sérieusement comme ça. Puis a pas de cicatrices? Elle place son marteau, son warmer, puis là, elle se prépare à attaquer. Guys! Elle est pas forte là. Elle est pas morte encore, mais. Pas morte. Faites quelque chose. Faites quelque chose parce que. Tu l'as vraiment bien pogné. J'ai 5 points de vie. Tu veux pas faire mal à personne. Je veux faire honneur à la reine qui est en train de me regarder. Mais non, je vais attaquer. Ok, vas-y, fort. Je fais un charge. Je vais en moins 2 danser. Tu peux pas charger, faut que tu cours. Sauf que t'as au moins 2 cases. Ben je charge pas. Ok. Je s'attaque avec ma longsword. Faut être 18. Quoi? 18? Ça va être tough là. Mais j'ai même pas de bonus à rien. Faut que j'aille 18 et plus avec ça. Ouais. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu essaies de donner un coup d'épée, puis encore avec son marteau, elle bloque, puis elle te regarde encore direct dans les yeux. Comment t'as réussi à la toucher? Dans l'arrière. Il était en tenaille avec. C'était à Fern? Non, excuse-moi, c'était à Jeanne. Ouais. Ok, Jeanne. Mais là, on vient. Ok, non, c'est beau. Jeanne, elle regarde le dernier qui vient de frapper, puis elle va essayer de te frapper avec son warmer. Fait que là, elle te frappe avec son warmer, puis toi, t'as le temps, juste à la minute, de mettre ton épée comme ça, puis elle pogne l'épée, puis ça glisse quand tu vois les flamèches. Next, c'est au tour de Eramine. Bon, fait que là, mon rat disparaît. C'est un château? Ouais, mais je suis juste une bourre. Fait que là, je fais, bon, c'est le fun, gars, l'impôts-tu encore, si vous faites? Fais une autre magie, t'en as son bandeau. Hey, du coup, tu parles, je suis un barbare, toi. Non, t'es pas magicien, c'est plus de te cacher. J'ai vraiment pris des magies de merde. Bon. Ben, ça a servi quand même. Tu l'as déjà. Ok, bon, ben, je pense que je vais. Non, moi, pour être sûr de la toucher un peu, parce que c'est ça que j'ai plus de chance, je me mets ici, puis je lance une dague. Ok, faut que t'aies 18 ou c'est 18? T'as-tu un bonus? Un bonus. 9. Oublie ça. Ok, elle fait juste comme ça, puis avec son armure, elle bloque la dague. Ça limite, elle peut juste rebondir son armure. Ça aurait pu aussi. Mais oui, non, excuse-moi. Oui, t'as raison. C'est plus hot quand ça fait ça. Là, après ça, elle regarde Eramine, puis elle est comme. Non. Hey, Fern va la tuer, là. Fern qui veut pas attaquer, c'est lui qui va la tuer. C'est au tour à Fern. Fait que là, vu que moi je regardais le dernier qui était Eramine, fait que là, toi tu peux me frapper pendant que je regarde quelqu'un d'autre. Ok, fait que là, ça fait que t'as réussi à me toucher, fait que là, tu me fais le. Par exemple, j'ai pas de sneak attack parce qu'on s'entend non, que je suis. Exactement, tu l'as fait une fois. Fait que là, t'envoies juste le dé de J'ai un dé 6. Fait que tu fais 2. Non, je te fais 2 moins 1, fait que je te fais 1. C'est mon rapier. Fait que là, le rapier, elle essaie de l'éviter juste avant une minute, mais tu réussis à rentrer en dessous de son armure, puis elle a poignardé un peu ici d'un côté, là. Fait que, elle enlève le... Vos tests sont un peu intenses, Madame la Reine. Fait que là, elle l'enlève. Fait que là, en tant que tel, tu peux utiliser ton sneak attack. Fait que là, t'as fait du dommage. Tu pourrais, là, il est pas trop tard, dans le sens que tu pourrais lancer le D6 de plus que t'as. Vas-y. Mais évidemment, c'est le maître de jeu qui décide. Elle te. Avec ta dague, t'as réussi à rentrer encore une fois en dessous de son armure. Oh my god, je m'excuse. C'est juste pas qu'il va l'avoir tué, là. Ok, like, bien joué. Etsuko, c'est à toi. Etsuko! Il reste encore une couple de points d'énergie. Y'a pas juste moi, là, qu'il faut qu'il attaque. Ben oui, mais il faut que j'ai 18, 19 ou 20. C'est pas qu'est-ce que c'est le plus fort? Ouais, ben pas à l'attaque. T'as pas d'autre chose? J'ai pas de bonus d'attaque. Ben j'ai des magies, mais je peux juste augmenter notre résistance. Ben je vais le lancer. Je vais essayer de l'attaquer encore avec ma longsword. 13, je l'appelle pas. Fait que là, avec ton épée, elle arrive pis elle bloque encore avec son warmer. Chhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh essaye de me viser comme il faut. Puis là, c'est à son tour à elle. Fait que là, elle va essayer de frapper Etsuko. Ouais, toujours. C'est quoi le. C'est modifier, hein? Non, c'est le strength. C'est le strength plus ton, ta base attack, mais je pense que. J'ai 17 plus 2 de base attack, fait que t'es à 19. Je te fais 4 points, mais je te frappe genre sur l'épaule, genre. Plus 2, ça fait 6. Pas plus 2. Parce que t'as plus 2 de force. Ah, ok. Je te frappe de 6 direct sur l'épaule, comme. Ah! Oh my god, une chance de faire ça. Puis là, tu tombes à genoux. T'es con. Je suis encore le pire. On peut se dire en temps normal. Mais mon heal, il fait quoi comme magie déjà? Un des 8 plus 1, je pense. Chance, c'était pas 1 ou 2. Et Ramin, c'est à toi. Moi, j'étais mort. Moi aussi, j'ai juste. Ramine, c'est toi. Bon, ben. Hey, mais vous avez des healing potions aussi en passant. Ouais, ouais. Mais tu sais, si tu meurs, tu peux utiliser les healing potions. Non, mais lui, un coup de main, il est mort, là. Ben, okay, ben moi, je vais. Ben, je vais me healer, moi, je vais absorber le dommage pour vous. Là. Pendant ce temps-là, tu es là. Merci, merci. Tant qu'elle m'attaque toujours. Mais je. Non, je pas. Non, attends. Tu t'es bien défendu, cléric. Mais maintenant, ça va être la fin. Ah. Pierre, son marteau commence à briller. Oh! C'est à toi. On va faire un Evil Smith? Evil Smite? C'est à toi. Mais ça fait ça, on n'est pas Evil. C'est à toi. Ok. Yes, les dons, frère! Ah ouais, joue! Ok, mais je fais un crossbow, c'est comme ça me prend un tour de charger. Shit! Fait que là, il prend son fusil, son crossbow, il met la flèche dedans, il. Let's go, guys! Vous êtes bon! Jack, puis là, je faisais, hey, Madame the Fire, là, t'es sûr, là? Il me semble que. Hein? On s'entendait bien, là. On, je veux pas qu'elle meure devant nous autres, là. Toi, oublie pas de te healer, là. Non, c'est ça, je vais faire. Ben, je conseillerais de plus utiliser une poisson. Une poisson? Une poisson? Tu fais encore un sneak attack? Sauf que. Je vais faire un sneak attack. Je m'excuse encore. Alors, ouais, c'est bon. Tu ne touches pas. Je te touche vraiment pas, ça fait ça. Ouais. Mais. Pourquoi j'utiliserais mon. Non, non, mais. Elle fait juste genre prendre la potion, ton poignet. En sens que sinon. C'est la jack. La côté qui est comme ça. Ben, ça va être plus difficile de nous faire avaler. Tandis qu'un heal, c'est facile. Si on est dans le moins, mais c'est pas grave, on va monter en plus. Ah, vous pouvez aller dans le moins et jouer. Dans le sens que on se désintègre pas. Et tu causes à toi. Tu veux prendre ta potion. Elle va se tourner vers Fern parce que genre elle tient son poignet en ce moment. Puis l'autre s'éloigne. Fait que tu prends une potion. Ouais, je me remplis. Et enlève ta potion, remets-toi au complet. Je l'ai enlevé. Fait que je plains puis je sors mon arc. Ok. Next. Il peut pas c'est pas attaquer. Ta Jeanne. Ah, je pensais qu'elle pouvait attaquer. Non! Ok, quoi? Jeanne, on regarde Fern. Non! Je vais te healer si tu veux. Alors, l'attaquer. J'ai 300 dés ici. Non, mais t'aurais dû juste garder ton épée. Alex, je me souviens jamais, c'est plus le strength pour l'attaquer. C'est toi qui attaque, c'est plus strength, plus ton base attaque et plus 2 aussi. Fait que t'as plus 4. Plus 4. J'ai 16. Yeah. Oh, tu me touches. Je te touche. Je te lâche la main, je prends mon warmer puis je commence à te frapper. Je m'enligne pour te frapper avec mon D8. Et mon D8, c'est ça? Plus 2. Plus 2. Je te fais 6. Je te smash ça d'en face. Bam! Puis là, tu tombes à terre. Il est à combien? Il est à. C'est moyen. Mais moi, voyant ça, je peux faire tout de suite ma magie ou faut que je attendre ton tour? Désolé. Non, mais il crèvera pas tout de suite, là, dans le sens que non. Normalement, à moins 10, c'est complètement irrécupérable. À moins 10. Mais normalement, lui, à chaque fois que c'est son tour, ben, après ça, là. Il doit faire un jet de. Save. Ouais, c'est ça. Si. S'il meurt aussi. Ben, en fait, s'il perd un autre point de vie. Normalement, ben, à chaque fois. À part si. Je pense que c'est fortitude, ouais. Fortitude. Faut qu'il le fasse 3 fois. Et après ça, il meurt. Ben, normalement, s'il réussit pas son jet de sauvegarde, il perd un point de vie. Puis s'il tombe à moins 10, là, il meurt. Ok. Fait que là, en tant que tel, il est juste. En moins que là, la paladine, elle décide d'aller bâcher dessus pendant qu'il est agonisant, ce qu'elle pourrait faire, mais ça m'étonnerait, c'est pas son genre. Ouais. Fait que là, c'est à moi. Ouais. Là, moi, j'ai mon arbalète chargée. J'ai oh mon tabarnak. Là, mais là, il n'y a plus personne qui est dessus. Fait que j'ai mon plus 4. J'ai 19. Shit, tu me touches. Enfin. Je fais. Un D8, ça, c'est un D8 pour vrai. C'est un D8. Je pense que. Ah oui, c'est un D10 quand je suis plus gros, mais là, c'est un D8. Six! Shit! Ce qui arrive, c'est que, genre, tu prends ton emballage, tu y tires, puis elle se retourne juste à la dernière seconde, puis ça y touche direct d'en face, comme ça, ici. Puis elle fait. Wouah! Puis là, ça passe au-dessus de Fern, ça va pogner dans le mur comme ça. Puis... J'ai fait 6, ça fait plus mal que ça. Ouais, non, c'est parce que je veux pas qu'elle meure. Puis là, elle tombe à terre. Elle meurt pas, là. Puis là, elle tombe à terre. Puis là, elle se pogne la face comme ça avec son affaire de même. Puis là, la Corentine, elle dit OK, c'est beau! Oh! Oh! T'as un peu, là! C'est beau! Bravo! Bob le barbare! Bob le barbare! Là, genre, Jeanne, elle regarde, elle est comme. Elle regarde son sang qui coule de la face, c'est comme. Bien, yeah, je l'ai Hein? Hein? À cette heure, t'es marqué, hein? Elle se relève, puis elle comme genre, elle s'en va voir Iramine, puis elle fait comme bravo. Bravo à vous autres aussi. Un bec, bravo aussi. Petit bec sage. Ok. Bravo, vous êtes les premiers à me vaincre. Puis là, en fait, vous êtes les premiers à se rendre jusqu'ici. Dieu m'avait envoyé une vision de vous trois, mais j'ai douté de son message. Ouais, surtout quand j'ai flashé mon pénis. Spécialement quand t'as flashé ton pénis. Oh, mais je suis un barbare. De là, il faut pas suivre aux apparences. Hein? Oh, j'espère que tu seras pas une perverse, là. Pas trois, s'il vous plaît. Corentine a fait... Je vous arrête maintenant. Le combat n'est pas terminé. Ouais. Mais là... Jeanne a surtout a fait comme... Quoi? Corentine a fait... Vous savez, là, elle s'approche de la licorne. Ouais, elle dit, la licorne sont extrêmement intelligentes. Parfois, même plus qu'un humain. Ils sont aussi très rares et c'est l'animal d'une grande, une grande importance pour la nature. Juste par leur présence, la vie et la magie qui coulent à travers notre terre sont décuplées. Lorsque les animaux mythiques auront disparu, notre temps sur terre sera compté. La voiture. Le Corentine met sa face sur la licorne comme ça, puis elle fait comme... Corentine flatte la licorne, puis elle fait comme... Blanche attaque nos héros. Quoi? Ben là, c'est quoi cette shit? Le même elle fait comme hein? What the fuck? Ah si, elle est méchante la druide. J'ai toujours dit que c'était le boss de la fin, la reine. Non mais c'est parce que vous avez pas compris ce qu'elle vient de dire. Ben ok. Ouais, attends, si la créature mythique mourt, ça se peut que nous on mourre aussi, c'est ça? Ça va être la fin des temps. Ça ressemblait à ça. Déconcentré par la musique. Fait que là, elle avance de. Je peux écouter. La blanche, elle avance de 50 pieds. Fait qu'elle avance de. 50 pieds? Ouais, c'est combien ça? C'est... Faut l'amadouer, faut l'amener de notre bord. C'est 10. Elle elle peut pas se battre, fait qu'elle a sorti. Hello! Mais là, c'est quoi cette affaire? Faut l'amadouer, faut l'amener dans la base. Iramine, non, c'est moi qui viens de jouer, non? Oh, c'est vrai, Fern, la licorne prend la Fern place. Fern est mort. Fern est mort, faut que tu lances ton saving throw. Oui, donc faut que tu fasses un jet de fortitude, c'est quoi le DC? Je me souviens jamais, c'est quoi? C'est quoi fortitude? C'est quoi le temps? Faire un point de vie ou si tu. Fait que genre, fortitude, c'était. C'est fortitude. T'es à moins 1. Yeah! Jamais c'est je sais quoi, je tire, puis on fait moins un, puis ça fait de la magie. Ben en fait, faut que tu lances. T'as un DC, faut que tu résistes. Là, on commence par ça, puis. T'es correct. Fait que tu restes à même moins un. Tu restes à moins un. C'est quoi le chiffre qui décide si. Genre, ben, en c'est fait, fini. Faut que tu fasses ça jusqu'à temps que quelqu'un te soigne. On va savoir c'est quoi la c'est ça, mais c'est quoi. C'est pas. Ok, avant 10. Avant 10, ben si tu manques ça, tu perds moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1 jusqu'à moins 10. Si t'arrives à moins 10, t'es mort. Ton bonhomme est mort. Là, va aider Fern, on va en avoir besoin. À toi. Je peux pas prendre la potion dans mes poches, là. Ça serait à 0 que t'aurais pu faire ça, normalement. Parce qu'à 0, tu peux pas faire de grosses actions, mais prendre une potion dans tes poches, t'aurais pu. Est-ce que t'as moins joué? Ouais. Mais toi, t'as-tu fait ta potion? Ouais. La belle licorne! Mais tu peux pas, tu peux aller chercher sa potion puis donner à lui. Juste demain, je tiens à mentionner ce que Corentine a dit. Mais faut pas tuer la licorne. J'écoute. Moi, j'écoute. Elle a dit que les licornes puis les animaux mythiques sont très importants pour la vie sur la Terre. Ok, non, fait qu'elle s'en vient t'aider, là. Si les animaux meurent mythiques, c'est que notre temps, nous autres, sur les humains ou whatever, c'est que ça va. C'est comme des abeilles dans notre monde. Ok, mais pourquoi est-ce qu'elle nous attaquerait? Ben, c'est ça. Pourquoi elle nous attaque, c'est ça? On n'a rien fait. Elle a dit d'attaquer. Ben, pourquoi tu dis ça? Hey, pourquoi tu dis de l'attaquer, là? On est fins, nous autres, est-ce là? Que vous avez du handling animal? Est-ce non. Que vous avez est-ce que vous avez quelque chose pour. Diplomatie! Attends, c'est à moi à jouer là. Je vais commencer par aller donner la potion à l'autre. Ouais, tu prends sa potion ou. C'est... Fait que je marche. Je m'en vais prendre ta potion, Fern. Je te la donne, je te la mets, je te la verse dans la bouche tranquillement. Puis là, je ferme ta bouche puis je te fais avaler. Fait que Fern est guéri, il retombe à 5. J'ai à 5. Mais t'as plus de potion. Il faut que tu l'effaces. Ouais, faut que t'effaces la potion. Mmh. T'es d'accord que je prenne ta potion puis que je te la donne? C'est à moi? J'aurais pu te la voler. Ben non! Parce qu'elle a lu. Ah, c'est vrai, celle-là, c'est. Ouais, dans le fond, ça serait à Licorne. Là, elle arrive ici. Ok. C'est bon. Ok, ok. Fait que là, ça serait à Iranine. 20! J'ai tout fait! Critical 20, ok. Ce que tu sais de les licornes, c'est que c'est des animaux qui sont magiques parce que t'en as déjà vu de toute façon dans ton background, tu l'as écrit. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas... vrai, c'est la légende. La légende disait ouais. que j'aurais. Comment... Ce que tu sais, c'est que c'est des animaux magiques. C'est. Ils écoutent leur maître. S'ils ont un maître, on s'entend. C'est quand même assez puissant. C'est même plus puissant que un mimique. Ouais. Ok. c'est un cheval, fait que dans le fond, vous pouvez l'apprivoiser si j'ai, de façon normale, comme tous les autres chevaux, De ce que tu comprends, de ce que Corentine a dit, c'est qu'elle veut pas que tu la tues. Ouais, ça, ouais. Mais ouais. Tu peux toujours l'attaquer, elle a des attaques, elle attaque avec ses affaires, elle attaque pas de magie ni rien. Elle peut se healer, elle peut healer quelqu'un d'autre si elle veut. Ok, elle peut se bring. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça, elle avance de 50 pieds, puis elle va écouter ce que Quarantine dit, puis c'est ça. On va essayer de convaincre Quarantine. Puis, en fait, en général, les licornes vont attaquer si tu l'attaques. Ah, j'ai fait. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, nous? Fait que ça m'a rien donné de plus à avoir un knowledge de 20. Okay. Ben, en fait, tu viens de te donner la réponse, là, mais bon. C'est quoi la réponse? C'est pour pas qu'elle meure, elle se dirige. Attaque-la pas. Mais non, mais c'est ok, mais je vais faire un diplomatie check avec là. Mais pas avec elle, avec Corentine, parce qu'elle écoute Corentine. Mais si c'est sa maîtresse, ben, ça va l'air de sa maîtresse. C'est ça, faut que tu convainques Corentine. Hey, Corentine, pauvre con. Ça commence ça marche pas vraiment pas si mais non, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai pas de diplomatie, moi. Hey, guys, C'est moi une diplomate. Ouais, pas moi certain. Nickel aussi, bon. Moi, j'ai pas de diplomatie. Ben, je vais essayer quand même. Là, tu peux faire juste ça là, checker ton arbalète. Mets ta gueule. 11, c'est juste 11. Fait que je disais, Corentine, écoute, nous, on veut pas rien faire de mal. Là. Moi, une licorne, ça a toujours été mes fantasmes. Ça a été toujours été pour moi un animal mythique et dont je vénère parce que c'est quand même un animal magique et tout. Donc, là, elle te demande, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, pourquoi pour toi c'est si spécial une licorne? Parce que j'ai étudié à. Je sais plus c'est quoi le nom de mon école, là. Fait que j'étais à cette école-là, puis on s'entend que je pense des soirées de pleine lune, nanana, il pouvait avoir un licorne, puis c'est, pour nous à l'école ça a toujours été un être mythique, puis on a toujours vénéré à quelque part la licorne, ça a été un être de magie, une déesse, là, mais c'est pour nous c'est un être magique qui est comme source de vie, et veut pas la magie, ça vient de la source de la vie. Puis, c'est intéressant. Mais écoute, c'est bien. Voyez, merci. Next! Mais ça. Oh my god, c'est moi! Ça a pas empiré. Ouais, elle a pas l'air plus fâchée, non? Okay. Fais de la diplomatie encore, on va tout faire de la diplomatie. C'est moi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Flatte la licorne. La licorne est comme genre. Elle regardait la ramine, puis elle se retourne vers vous autres. Fais un câlin. On dit ton dick. Non, fais pas ça. Je cours. Il court. Faire quoi? C'est attends, un peu, j'ai quoi? J'ai 30, fait que 6 x 2, 12. Ouais. Backstab là! Puis là, je dis. Je peux-tu parler à la reine ou je suis juste comme. Ouais. Je suis comme. T'es soufflé un peu. Bon, bah, tout à fait raison. Je voulais vraiment pas toucher Jeanne d'Arc. Puis clairement la licorne, je vais pas le toucher non plus. Fait que je vais rester à vos côtés jusqu'à temps que la bataille soit finie parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La Corentine te regarde puis est comme genre un peu surprise de ce que t'es en train de dire. Et comme J'admire cette foi en la vie. Je trouve ça vraiment très, très, très admirable. Suivant. C'est moi. Je cours aussi. Je m'en viens te rejoindre, Fern. Je pense que t'as eu une bonne idée. Puis j'ai pas envie de faire mal à l'Elcon. Ok. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Non, mais moi, j'ai juste fait un. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je suis seul avec l'alcool, moi, mourir, gars. Je suis content de vous avoir connu. On t'a laissé tout seul. Ouais. Mais si tu l'attaques pas, t'attaqueras pas. Je l'ai pas attaqué. Donc, j'ai juste jasé avec sa maîtresse. Quarantine a fait. Blanche, tu peux arrêter ton attaque. Ben, comme juste. Chou! Là, tu frottes sa tête sur toi. Oh! Hop là, ma chouette, elle se pose sur elle. Fuck, je suis jaloux. On aurait pas dû partir. Soccer, c'est moi, Calem. Fait que là, je peux-tu genre aller voir l'autre et faire comme. Tiens, hey, je te donne ma potion. Tiens. Oh mon dieu, merci. Genre, Jeanne, elle prend la potion, elle dit rien parce qu'elle parle pas beaucoup. Elle prend la potion, elle fait comme. T'sais, je crois, genre. C'est comme. Elle prend. Elle baisse son warmer, pis comme. Genre comme, elle fait la révérence, genre comme merci beaucoup, j'apprécie. Wow. Puis je checkerai là dans peut-être deux, trois journées, ça se peut que tu sois malade, tu fais excuse. Juste affaire là. Non, mais la potion, genre enlève. Ah ouais? Ah ouais, c'est la même potion. Ah, j'ai pas ça donné. Quarantine appelle. Non, Jeanne, puis Eramine, puis Blanche. T'en vas aller les rejoindre. Pas vite, moi. Tout le monde là. Quarantine a dit. Félicitations. Vous savez, vous connaissez ce qui est le plus important dans ce monde, la vie. La vie des animaux, la vie des humains, nos collègues, nos co-concitoyens. J'entends, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Hey, ça me rappelle une histoire, ça! Je vous fais 100% confiance sur vos prochains futurs choix par rapport à la quest que vous allez faire. Vous êtes vraiment les héros qui nous attendions. Vous savez ce qui est. Vous savez différencier ce qui est bien ou mal. Et après avoir dit ça. T'es-tu toujours célibataire? Oui, parce que mon mari est mort. Ah, tu cherches-tu quelqu'un? Ok, ce que vous voyez maintenant, c'est que Quarantine a disparu un peu, ouais. Genre. Un anagramme. Exactement! On s'est fait avoir. Elle disparaît. T'es toujours connecté par Bluetooth et tout. Exactement. Puis là, ce que vous voyez, c'est qu'elle entend quand même sa voix. Elle fait comme. Vous avez réussi, vous êtes les premiers à réussir le test de la tour de la porte. Et ce que j'ai pour vous, c'est un parchemin extrêmement important pour votre quest. C'est long. Et voilà. Le parchemin y apparaît. Tiatkium, c'est ok. C'est moi le pro de la magie, c'est de me montrer comment ça fonctionne. Fait que, ça apparaît. Jeanne, elle se retourne vers vous autres, elle dit félicitations, mon dieu, je m'attendais vraiment pas à ça. Vous êtes vraiment. Les élus. Pas les élus, mais vous êtes les premiers héros à avoir réussi. Il en reste encore une coupe à faire, mais vous êtes les premiers à réussir. Je suis honoré de vous avoir battu avec vous, chers héros. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment? On fait comment pour sortir d'ici? Ben, il y a l'ascenseur là-bas, je vais descendre avec vous. Ah, il descend? Oui, c'est ça. C'est ça l'ascenseur qui descend. Exact. Attends, est-ce que le corne est encore là? Ouais. En bas dessus. Non, mais je. Bon, je voulais pas faire ça. Je vais juste la faire. Elle est comme genre. Oh, ok. C'est qui a pris le parchemin? Oh my god, je suis trop content. C'est qui a pris le parchemin? Il y a personne qui a pris le parchemin. Je vais le prendre, moi. Ben, allez. Le mage. Est-ce que t'essaies de comprendre? Non, t'es le mage. Je t'ai vu. Ouais, je peux essayer de comprendre. C'est quand t'as fait ça, je me. C'est quand t'as fait le temps de faire ça. Tu l'as pas vu? Non. Je pense que c'est un spellcraft. C'est ça? C'est ça. Ou c'est un. Spellcraft, des cipher script. Je sais plus. Je sais plus c'est lequel. Mais je pense que j'ai la même chose pour les deux. Tu fais quoi, chose? Je vais essayer de déchiffrer, moi, je suis un brillant. Ah, tout de suite, comme ça? Moi, je suis brillant. C'est pas le temps, mais. Ah ouais. J'ai plus 8 là, sinon c'est plus 8 d'indo. C'est quoi ta série de Cypher? De Cypher Script ou Spellcrafter. J'ai plus 8 d'indo. 17. Ok. que ce que tu vois, c'est que c'est du célestial. Oh, hey, moi je comprends pas ça. Hey toi, c'est pas ça le célestial? Tu peux le traduire. Tu le traduis-tu? C'est ça que tu veux faire? Ouais. Est-ce que tu le dis à haute voix ou tu le fais juste dans ta tête? Oh, t'as peu là, y'a-tu de la magie là-dedans? Ça dépend. Je l'ai dans ma tête, pis si ça peut comme influence. Oui, tu peux les envoyer à eux autres. Tu peux envoyer le. Non, je ok. Ça dit, quand tu le traduis en common, ça veut dire burn down walls of time and space. Ah, mais ça. Oh my god. Brûler les murs du. Temps et du de l'espace. Clairement, je cherchais quelque chose qui voulait, ça voulait vraiment dire, puis finalement, ça ne peut pas faire ça. Ok. Ok. Donc, qui garde le scroll? Je veux prendre. Tu peux le mettre dans ton cahier. Burn down the walls of time and space. Ouais. Ok, fait que là, vous allez dans l'ascenseur, vous descendez en bas, le roi vous attend en bas. Elle va rester là. Mais là, il arrive en bas, tout le monde. Puis là, Mathias vous attend en bas, il fait comme. Il est comme. Hein? What? Hein? Mon Dieu, vous avez réussi! Venez dans mes bras! Lui, il fait comme des gros câlins. Attends, je tasse tout le monde, puis. Il ressemble à Thor, le roi. C'est ça. Fait que là, il sert tout le monde, là, c'est bon. Oh mon Dieu, je suis tellement content! Jamais de toute l'histoire, je pourrais penser que vous auriez réussi les tests. Tout le monde a échoué, avisez-vous. Vous avez pas tué aucun monstre. Vous avez passé au travers de tout le monde. Vous avez trouvé les boutons pour les ascenseurs. Je suis extrêmement fier de vous, mes chers. Je vais vous laisser les bracelets. Ouais, et votre mission commence demain. Le train vous attend. Ouais, hein? On se repose pas, là. Ouais, vous allez justement commencer demain. Mais entre-temps, voici 100 pièces d'or. Chacun pour acheter ce que vous voulez acheter avant votre départ pour le train demain. Donc, je suis tellement fier de vous. Money, c'est là. Okay. Jeanne, elle se retourne vers vous autres et elle fait comme... Je vais vous accompagner avec le train. Je vais vous accompagner jusqu'à votre prochaine destination. Oui, c'est vrai, t'as raison, Jeanne. Je devrais leur donner les informations. Francisque, il arrive. Ah oui, oui, bonjour. Il n'y a personne alentour de vous, excepté ces gens-là ici. Là, ce qu'il dit, c'est que il sort une map. Voici, mesdames, voici. Le monde, notre Nouvelle-France et tout ce qui est la Nouvelle-France. Notre pays de la Nouvelle-Europe, ça c'est tous les pays qui sont, ben, les contrées qui font partie de la Nouvelle-Europe. À l'intérieur de la Nouvelle-Europe, il y a 6 points d'ancrage que vous devrez détruire pour détruire les portails. Donc, ce qui arrive, on a menti un petit peu, Francisco. On a menti un petit peu, parce que ce qui est arrivé, c'est que nos espions et nos éclaireurs n'ont pas trouvé le 6e point d'ancrage. Ils ont trouvé juste 5. Ce qu'on va continuer à faire pendant que vous essayez de détruire les 5 points d'ancrage, on va essayer de trouver c'est quoi le 6e. Ouais, puis le bâton, lui. Je sais pas de quoi du tout de quoi le tu parles. Le bâton du roi. Le bâton du roi. Ou le bâton du roi, mais c'est une vieille relique qui n'existe pas. C'est un roman, Ah ouais? En tout cas, c'est de ce que j'ai... C'est ce que vous avez lu dans votre bibliothèque, vous pensez que c'est juste une légende. Je tiens à te mentionner ce que tu as lu, c'est un roman. J'avais mentionné que c'était un roman. Ah, mais... Ah, ok, mais j'ai lu plus que ça, puis je peux vous dire que... Donc, les 5 points... que vous devez aller faire. Le premier... On va visiter. Vous allez visiter la Nouvelle-Europe. Vous allez à Madrid la prochaine fois. Qui est très proche de Barcelone. On va On est à Barcelone. Ma mère est morte. Elle est pas morte. Elle était... Ah, elle était à l'hôpital. Je l'ai sauvée. Oui, oui, j'ai découvert, c'est vrai. Dublin. En Irlande. Puis là, on va choisir. Vous allez à Madrid en premier. Parce que vous êtes plus proche. Oslo, en Norvège, quand même, sinon toi tu viens de la Finlande, qui était quand même assez proche. Ah oui, c'est marqué. On connaît pas ton histoire. Non. Non. Non, je savais pas. Vous allez à Warsaw. Ah, ça, c'est pas loin de la Cologne, ça. Qui est en Pologne. La Cologne est. Cologne est ici. Et vous allez à Athènes, en Grèce. Donc, le train demain est prêt à partir pour Madrid. Vous allez prendre le train jusqu'à Madrid. Ouais. Vous allez prendre le train jusqu'à Madrid. Puis, évidemment, Barcelone est là, si jamais tu veux aller là. Parce que ma mère était diplomate à Barcelone. Ouais. Fait que, donc, voici les cinq. Dès qu'on a les nouvelles pour le sixième point d'ancrage, nous allons vous appeler. Nous avons envoyé une chouette pour avec un message. Nice. C'est ça. Donc... bravo. J'ai rien à dire. Je croyais que personne ne réussirait le test. Ouais, surtout nous, hein. Surtout vous, parce que vous étiez dans le pointage très, très, très, très bas. Eh ouais, mais j'admire vos skills. Vos skills. Parle bien comme pour un français. Ouais. Francisco, le roi, comme toi, je prends la situation en main. Mes chers amis, avec vos 100 gold, vous pouvez aller dans nos magasins, acheter ce que vous voulez. Il y a des putes. Et demain matin, on se retrouve à 8h pour prendre le train. Le train, ça va direct à Madrid? Ouais. Pas d'escale, pas de... Non, il est supposé aller dire, il va y avoir des escales entre-temps, mais vous autres, vous êtes supposés vous rendre jusqu'à Madrid. Parfait. Donc, c'est cela. Félicitations, ma mère serait tellement fière de vous. Et, c'est pas elle, on l'a vu tantôt. Ouais, mais c'est une blague. C'était pas vraiment elle. C'était pas vraiment elle. C'était comme, ouais. Comme en Superman, là, là, tu mets les glaçons. Là. Et Jeanne va vous accompagner jusqu'à Madrid. On a perdu contact avec Madrid. On sait pas du tout ce qui se passe là-bas, mais on a perdu contact. Mais c'est détruit. On a zéro contact avec eux autres, fait qu'on en déduit qu'il y a peut-être déjà des méchants rendus là-bas. Mais des méchants, des démons ou des anges rendus là-bas. Mais comment ça? Ils sont pas derrière en dessous d'un dôme? Cher héros, comment on appelle votre bande de héros? Quel est votre nom? Bande des pervers. C'est parce que ça allait sortir comme ça. La bande des pervers. Comment on vous appelle? En français ou en anglais? Comme tu veux. C'est comme français. Tu veux. C'est vous autres qui choisissez votre nom d'équipe. Ce qui arrive, c'est avec les nouveaux arrivants, genre Caroline, vous allez avoir été pris avec votre nom d'équipe. Ok, on s'appelle la nouvelle équipe. Nad Pod, on aurait pu prendre Ben of Booze, mais ouais, genre. Mais non, c'est déjà pris. Ben, on peut-tu y penser en mangeant? Oui. Ben of. Vous pourrez me le dire demain matin avant de prendre le train. Ah, on se consulte, là.